Rex Quondam Rexque Futurus. Épisode 40, The Avawims of Arthur et The Awinters of Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Aujourd'hui on vous retrouve, on revient sur les terres de la grande Albion ou falaise de calcaire qui se détache sur fond de l'océan tourmenté. Nous revenons en Angleterre pour vous présenter deux romans en moyen anglais qui ont des titres, malheureusement, des titres d'usage très proches, The Avowings of Arthur et The Awinters of Arthur, donc les vœux, les prises de vœux d'Arthur et les aventures d'Arthur. Parfois, on complète « The Awinters of Arthur at the Town of Waterland », un lieu que ces deux textes partagent. Ils partagent certaines choses qu'on va pouvoir examiner, mais qui nous ramènent dans cette tradition qu'on a commencé à voir avec Sir Gawain and the Green Knight, et puis aussi certains des traits un peu les plus, pas aussi énigmatiques peut-être, mais un peu énigmatiques qu'on a dans ce genre de roman. Ouais, deux histoires intéressantes parce qu'elles sont aussi... Elles n'ont pas vraiment d'analogue ailleurs. C'est deux romans qui sont parmi... peut-être pas les plus originaux, il y a quand même Gawain le Chevalier Vert, il y a quand même le conte de la femme de Bath et ses analogues plus tardifs, mais ça fait partie, disons, des romans assez originaux en moyen anglais, surtout comparé, on est à la fin du 14e, début 15e, c'est l'époque où on commence à faire des trucs un peu séparés en anglais par opposition, vous l'avez dit, là, quand on avait parlé des premiers temps de la matière de Bretagne en anglais, en moyen anglais, au début c'était beaucoup des traductions, que ce soit des chroniques comme L'Armagne ou bien des romans, Ewain and Gawain qui reprend de la matière française. Puis après, là, on commence à avoir des trucs un peu plus originaux, aussi bien en matière de contenu que de forme, puisqu'on est dans des formes, de vers assez typiques de l'Angleterre et du nord de l'Angleterre de l'époque. Oui, on pourra en parler, c'est que c'est une des choses qui leur donne un certain charme, et en tout cas qui les rend très plaisants à lire, c'est justement le vers anglais, si vous aimez, c'est-à-dire qu'il y a un côté presque encore plus fleuri que le vers français, encore plus, on va décrire les parures des gens, les aspects des gens, c'est ce qui rend aussi difficile parfois de les traduire. Alors pour cet épisode, comme il n'existe pas vraiment de traduction en français de ces deux-là, on vous a bricolé une traduction alors assez approximative, mais qui peut vous donner une idée à partir des éditions de Anne de ces deux textes, mais on pourra en discuter, c'est un peu ce qui peut faire l'intérêt de ces deux poèmes. Mais avant ça, peut-être qu'on se lance là-dedans, un petit point sur l'actualité. Il y a quelques sorties dans le monde arthurien dont il vaut peut-être la peine de parler. Alors, une fois n'est pas coutume dans le domaine littéraire, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en Arthuriana, dans différents domaines, surtout en littérature de genre, fantasy, etc. Là, on a quelque chose d'un peu plus peut-être dignifié, c'est le poète et prêtre anglican Malcolm White, qui est très dans la vibe, il a une chaîne YouTube où il fait des lectures de Tolkien, il est très dans cette vibe fairy tale Christian de C.S. Lewis, Tolkien et compagnie. Eh ben, il veut faire son épique, il veut faire sa version du grand cycle arthurien du Graal en 4 volumes, qui s'appellerait Merlin's Isle, l'île de Merlin. Et il commence par ce qui va sortir à ce printemps en avril, Galahad and the Grail, donc sur la quête du Graal. De ce que je comprends, les romans vont sortir dans le désordre. Il commence par Galahad, la quête du Graal. Ensuite, à l'automne, il y aura The Coming of Arthur. Donc j'imagine le début de sa carrière. Ensuite, Knights of the Round Table. J'imagine un peu le milieu du règne d'Arthur, les aventures des chevaliers. Et puis, ça, ce sera pour l'année prochaine en automne. Et puis en 2028, au printemps, The Passing of Arthur, donc la mort du roi Arthur. Marketing oblige, il fait aussi un documentaire à la Arioli qui va sur ses traces dans les archives arthuriennes, qui est toujours un peu ridicule, mais ça ne me touche pas vraiment, les trémolos dans le marketing sur les fantômes qui hantent l'île d'Albion, et puis on va aller à la Bodleian Library, et puis... Il lui sort un manuscrit parce qu'il faut absolument des plans où on le voit tourner les pages du manuscrit, mais c'est un armorial du 15e siècle et ses répertoires de blasons de chevaliers de la table ronde, c'est quelque chose qui a été codifié quand même assez tard. Et puis il dit, oh oui, les légendes sont publiées, mais bon, à la Bodleian Library, il y a quand même, disons, si on voulait sortir des manuscrits antiques, il y en avait quand même pas mal d'autres dans le stock, à commencer par des manuscrits anglais, quoi, s'ils voulaient faire un truc sur l'île de Merlin. Ouais, y a des trucs comme le Brut de Larman, il y a des trucs comme Gawain le Chevalier Vert, qui en plus est impressionnant à montrer. Après, si tu veux montrer un côté plus... C'est sûr qu'un armorial, c'est toujours très visuel. C'est ça. Tu peux montrer, tu as un lien avec... Tu peux montrer, voilà Gawain, voilà le roi Arthur, voilà Perceval. Bon, ça c'est le trailer. J'imagine que peut-être il lui montre d'autres manuscrits dans le documentaire complet, on verra. Mais... Et puis, il y a toujours ce problème des... Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que les Anglais, en général, ils sont toujours là, oui, je veux remonter aux sources de la légende. Puis au final, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par lire Thomas Malory. Parce qu'en fait, il y a tellement... C'est pas forcément un problème, parce qu'il y a tellement de choses dans Thomas Malory, on va reparler d'un cas qui ressemble un peu à ça, mais il y a tellement de choses dans Thomas Malory, tellement de matériel que, en général, ça fait des très bonnes relectures. Mais disons, il y a un peu, il y a pas forcément le même effort que certains auteurs français peuvent faire, où là, ils ont accès à vraiment beaucoup plus de sources variées. Bon, d'un côté, on pourrait dire que c'est aussi un genre en soi, l'espèce de, je vais pas appeler ça du Malory slope, mais du prose slope, on pourrait dire. Ouais. Cette tendance à faire des immenses récits qui vont de... qui reprennent toujours la même trame, plus ou moins, des premiers temps de la légende. Ça fait du saga slope, quoi. Si on pourrait utiliser des termes très, très vulgaires. Non, ça fait vraiment l'impression... c'est un peu du world building cheap, en fait. Tu as une matière tellement complète que tu as juste à faire quelques petites variations. Comment on va traiter Uther, Constantin, Ambrosius Aurelianus. Ça fait vaguement obscur, mais en fait, c'est de la matière qui est partout pareil. Alors que si tu essayes de faire des trucs un peu plus, disons, en disant, ça n'existe pas avant, on a quelques récits gallois, je vais essayer de broder autour, ça peut peut-être être un truc plus original. Tu n'es pas contraint d'avoir toutes ces histoires tardives, elles ne sont pas plus vraies que celles qui sont... travailler avant sans la matière supplémentaire. Bon, après, tu finis quand même souvent par retomber dans les mêmes travers. Il y avait cette série, je crois, c'est Arthur, une épopée celtique, je crois que ça s'appelle. Oui. Une série de BD française, années 90, début années 2000, qui avait l'ambition, disons, de faire cette espèce de retour aux sources. On fait un Arthur qui n'est pas spécialement médiéval, mais vraiment plutôt... Antiquité tardive, au Moyen-Âge, donc vraiment pas du tout dans la ligne nécessairement du Graal et tout ça. Sans le Graal, en fait, il n'y avait même pas le Graal dedans. Mais le problème, c'est que derrière, pour compléter, tu te retrouvais à insérer des histoires tirées de chez Chaucer, tirées de chez... ou bien même des... Alors, il y a les romances galloises qu'on avait discutées, qui sont probablement tardives et inspirées de chrétiens, par exemple, mais qui font celtes, tu vois, Perceval, Pérédour avec la tête coupée, c'est dedans, alors que c'est un truc qui est pas précisément qui vient après le Graal, sans doute, qui est peut-être une relecture. Après, ça fait vraiment plus ancien et tout, donc c'est de bonne guerre, quelque part. Mais il y a... des portraits plus archaïques. La tendance vient quand même là-dedans, quoi, donc c'est un peu inéchappable, quelque part. Oui, c'est un des soucis de cette volonté un peu d'archaïsme. On va pas mentionner d'autres choses un peu dans cette veine-là. Mais si vous voulez aussi votre réécriture un peu plus sophistiquée, parce qu'évidemment, elle a été faite par un bon Français qui, lui, est en contact avec les vraies sources de la légende, vous avez Tristan Pichard qui a fini son cycle en 4 volumes. Là, c'était un cycle en 4 saisons. J'avais beaucoup aimé cette présentation. Donc là, c'est la fin avec la quête du Graal et la mort d'Arthur. J'ai beaucoup aimé notamment les effets de style, par exemple pour la scène du Graal avec Galahad qui regarde dans le Graal, qui m'a un peu surpris mais en bien, dans le sens j'ai vraiment trouvé que ça jouait bien avec le format. Pareil, il y a aussi la question de est-ce que piocher dans toutes ces sources, est-ce qu'il y a pas un rendement décroissant à force de rajouter, par exemple il y a des petits extraits de Guiron le Courtois, il y a des petits extraits de quelques textes assez beaucoup plus marginaux. Est-ce que il y a toujours la question que j'avais déjà évoquée de pour qui est-ce que c'est est-ce que c'est pour les débutants, mais ça fait beaucoup, est-ce que c'est pour des gens qui connaissent déjà tout, mais du coup ils ont peut-être pas envie de relire tout ça. Moi je les ai plus abordés en les feuilletant, un peu en prenant le grimoire au hasard et en les feuilletant et en disant ah tiens ça je connais pas, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle pas quelque chose, donc je les ai pas forcément lus de façon linéaire, mais ça, en les lisant comme ça, j'ai pas mal apprécié. Et si vous cherchez une relecture moderne, mais qui puisse quand même dans des qui soit quand même assez proche de ce à quoi ça ressemblait au Moyen-Âge. C'est vrai que ce cycle en 4 volumes, vous pouvez trouver bien, on va dire que vous pouvez trouver bien pire sur le marché. En parlant d'Armorio, l'inarrêtable John Matthews, qui publie 82 bouquins arthuriens par année, la plupart de qualité variable, on va dire. En plus, tiens, d'ailleurs, il faudrait qu'on aille à la... Il a rédigé des choses pour l'exposition de John Ho à la Tour du Fantastique à Neuchâtel, donc il faudrait que j'aille là-bas, où il se présente comme un grand spécialiste des prophéties de Merlin, ce qui est très rigolo, si vous vous rappelez ce que je disais sur sa traduction de l'édition imprimée, mais c'est pas grave. Il édite un armorial du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde de Helmut Nickel. Helmut Nickel qui est mort en 2019. Alors si vous le connaissez pas, c'est un historien de l'art, conservateur de musée. Il était aussi auteur de bandes dessinées. Assez important en fait en Allemagne pour la bande dessinée allemande, qui est quelque chose qu'on connaît pas forcément de ce côté-ci du Rhin dans le règne du franco-belge, mais et c'était un de ces personnages. Enfin, dans les études arthuriennes, il n'y a pas que des gens qui ont un doctorat de littérature médiévale, et lui, il travaillait pas mal justement sur les blasons des chevaliers de la Table Ronde, sur l'histoire de l'art, etc. Et il a fait pas mal de contributions de ce côté-là au fil des années. Il est mort du coup en 2019, et ça, c'est apparemment un travail qu'il a jamais fini. Et John Matthews va l'éditer en le faisant illustrer, en le vendant comme un bel ouvrage apparemment. Il y a un côté un peu vautour, enfin, on avait déjà vu que cette fameuse traduction de la version de l'édition imprimée des prophéties de Merlin, le type qui l'avait traduit, qui était une traduction affreuse, mais il était aussi décédé juste avant la publication. Alors je ne sais pas si John Matthews rôde juste au chevet de gens qui sont morts ou mourants pour récupérer leurs trucs et remplir son catalogue. Je ne sais pas, ça, c'est un peu l'impression que ça donne quand même. Et c'est bien sûr présenté comme, oh, voilà, on veut honorer sa legacy, et l'héritage de tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est intéressant. Helmut Nickel a aussi eu, il y a des proches de lui qui avait publié un bouquin qui rassemblait, alors l'édition laissait peut-être à désirer, mais qui rassemblait des articles éparpillés dans plein de revues au fil de sa carrière et qui les avait rassemblés dans un livre, ce qui là par contre est aussi utile. Donc ça peut être intéressant, peut-être une rétrospective sur ce qu'il a fait, qui montre que voilà, les études arthuriennes, elles ont toujours eu ce versant avec des, peut-être pas des amateurs, mais des gens de domaines connexes, l'histoire de l'art, conservation de musée, qui faisaient aussi des contributions. Moi je trouve que les articles qu'ils faisaient sur l'héraldique des chevaliers étaient souvent très intéressants. Autre domaine, alors là il y a un chanteur de folk, Daniel Kelly, qui a fait un article pour le FAUM, le February Album Writing Month, donc c'est un challenge où vous écrivez un album de musique, enfin vous enregistrez un album de musique en février, et il a fait un album à thème arthurien que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son style, j'ai beaucoup aimé ses choix de sujets. Comme je disais, il y a ce côté anglais, anglophone en tout cas, où lui c'est assez explicite, c'est vraiment tout est inspiré de Mallory. Absolument tout est inspiré de Mallory, mais en même temps, c'est quand même... Mallory, ça reste... Il y a quand même parmi mes scènes préférées dedans, parce que ça couvre quand même beaucoup de terrain. Vous avez Gawain the Green Knight, vous avez la scène de la sœur de Perceval qui se vide de son sang, vous avez Galad au château des Vierges avec les sept chevaliers qui sont les sept péchés capitaux. Vous avez l'épisode du bateau d'Arthur où il essaie de se débarrasser des enfants de mai. Il y a des chansons du point de vue d'Ygraine et de Mordred, et des chansons plus humoristiques. Une chanson qui s'appelle Strange Women in Ponds, donc qui reprend les Monty Python, et Holly Yorkshire Grail qui parle de son amour du thé. J'ai beaucoup aimé Tristan et l'écu de Morgan le Fay, donc le fameux écu qui montre la trahison de l'adultère de Lancelot et Guenièvre, mais que Arthur ne comprend pas. Beaucoup aimé son style. J'ai bien aimé le reste de la musique qu'il a fait. J'ai acheté l'album, vous pouvez l'acheter sur Bandcamp, l'écouter sur YouTube. Il a aussi fait une chanson qui s'appelle Hail to the King, je crois, qui m'a fait un peu peur parce que c'est avec un portrait de Trump généré en IA, genre. Mais c'est une chanson ironique. Par contre, je précise que malheureusement, le camarade Daniel Kenny est un peu déviationniste et il défend le Falun Gong. Donc, si jamais vous cherchez des inférences idéologiques. Mais sinon, il a l'air fort sympathique. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc sur son blog où il y a un truc de défense du Falun Gong contre la persécution en Chine. Ce qui peut... Je peux comprendre, même si je pense que... Ouais, tout à fait Je vois tout à fait le genre de shop, hein, mais c'est vrai que c'est un peu camoulox quand même. Non, c'est juste si vous vous abonnez et qu'il se met à avoir des chansons, je ne crois pas que ce soit sa production, mais voilà. Quelque chose qu'on nous a envoyé par mail, et puis nous on est tellement gentils, alors We oblige quelqu'un qui a fait un jeu de rôle chevaleresque qui n'est pas forcément tout arthurien, mais pour une game jam, donc un challenge de création de jeu qui avait lieu dans une session de temps assez réduite à l'automne 2025, qui s'appelle The Flower Court of the Thorn King, donc la cour fleurie du roi des ronces, qui est un jeu qui se joue avec des dés, avec des qui est un jeu qui se joue en fait avec des dés à six faces assez standard, qui a l'air assez sympa, qui est à thème chevaleresque, donc je le mentionne si vous êtes intéressé du jeu de rôle, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, et ça peut être quelque chose qui vous botte. Du côté des jeux aussi, mais cette fois-ci des jeux vidéo, il y a, on vous en a déjà parlé, mais il y a la démo qui est sortie depuis un moment de Knights of the Round Table. Je vous avais dit que je n'avais pas réussi à aller au-delà du premier niveau parce que mon ordi refusait résolument et le bug est apparemment un peu inédit. Donc quand il est sorti définitivement, ce qui devrait être à la fin du mois de mars, donc peut-être que vous entendrez cet épisode un peu avant ou un peu après, je le retesterai. Je pense que le système de jeu est un peu balourd et je me demande si ça va vraiment être un jeu satisfaisant à jouer parce que tout ce qui... En fait, la partie qui m'intéresse, l'histoire, a l'air un peu enterrée sous les systèmes de jeu avec des cartes et des combats qui prennent beaucoup de place et qui m'ont pas l'air très divertissants. Les chevaliers se déplacent lentement. Il faut faire plein d'allers-retours chaque fois qu'on fait une quête pour discuter avec des gens qui... disons les options de dialogue, il y a beaucoup d'options de dialogue mais qui sont pas très enrichies, disons c'est quand vous avez pas le budget et l'amplitude de Baldur's Gate 3, c'est un peu le problème de ces jeux, c'est un peu le problème des jeux arthuriens en général, j'ai l'impression que il y a une grande ambition de vouloir avoir à la fois le côté jeu de rôle qui peut-être aurait dû être la seule chose qu'on a gardée, quoi, que ce soit un jeu où vous faites que des dialogues, quoi, et vous avancez comme ça, et avoir des systèmes de combat sympas et originaux. D'habitude, on prend plutôt du côté des échecs, c'est-à-dire qu'on se dit, on va mettre des bonhommes sur un échiquier et ils se battent. C'est les échiquiers, c'est un peu médiéval, c'est un peu arthurien, non, les échecs. Et là, on a plus pensé aux jeux de cartes et... Je ne sais pas, on verra ce qu'en pensent les joueurs, mais je pense que peut-être que ce sera que pour un certain type d'aficionado. Et puis il y a le problème aussi que si vous connaissez déjà ces histoires, je ne sais pas à quel point vous aimerez marcher dans vos propres pas, quoi. Quand vous faites la mission du Chevalier Vert, si vous connaissez déjà l'histoire du Chevalier Vert, quelle marge de manœuvre il y a pour rendre ça amusant, on verra. Dernier point. Legends of the Round Table, c'est ça, hein? Legends of the Round Table, oui, pardon, j'ai dit Knights of the Round Table, mais c'est Legends of the Round Table. Mais, comme on l'a dit, la production musicale, narrative, avec des chants, des reconstitutions de musique médiévale, d'images médiévales, il y a beaucoup de soins qui sont apportés à plein de domaines du jeu, donc rien que ça, ça peut être une esthétique, comme disent les jeunes, et peut-être que ça suffira à en faire une expérience méditative et intéressante pour les fans. Malheureusement, je crois qu'il est seulement disponible sur Windows pour l'instant, donc oui. ça risque de restreindre certains qui n'ont pas forcément des ordinateurs récents pour jouer, ou des Mac, tout simplement. Je trouve le look un peu intéressant, ça me fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux de Bakshi, en fait, avec le côté un peu background, décor dessiné, mais après, tu as des personnages 3D dessus, ça fait très rotoscopé, en fait. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais il y a ce côté un peu brut avec les personnages 3D. Moi, je trouve que ce qui est vraiment frustrant, c'est ce qui est vraiment, dans mon expérience, c'est le game feel. C'est-à-dire vraiment, tu fais descendre ton personnage de cheval, ça prend 20 minutes, tu veux te déplacer de gauche à droite en défilant à travers l'écran, ce n'est pas satisfaisant. Enfin, il y a ce problème de, au niveau de cette fluidité et de cette satisfaction que tu as à faire bouger ton petit bonhomme dans le jeu, qui, moi, je pense que ça va être un obstacle assez frustrant, sans parler du fait, si tu dois refaire 5 fois des allers-retours pour aller parler, ramener son marteau au forgeron et puis ramener une information de l'ermite qui est à l'autre bout de la... Enfin, voilà. On verra ce que ça donne. Dernier point, le Pendragon Cycle, qui est une série de livres écrite dans les années 90, on vous en a déjà parlé, a été adapté par The Daily Wire de façon assez étonnante. Alors, il y a l'aspect chrétien, hein, il y a l'aspect qui est devenu un peu canonique. Disons, ça fait partie un peu maintenant du mythos arthurien, le fait qu'il y ait un affrontement païen versus chrétien dans l'histoire. On en a déjà parlé plusieurs fois, que ce soit dans Excalibur ou d'autres. Et là, on pourrait comprendre pourquoi ça a été repris par The Daily Wire. Le feedback des gens qui ont regardé ça pour l'instant, c'est que c'est absolument incompréhensible. Absolument incompréhensible. Basiquement, ils ont les deux premiers... Je crois que le premier tome est expédié en deux épisodes, puis ensuite on passe beaucoup de temps sur le deuxième tome, et en fait on est encore un peu dans cette préhistoire arthurienne, donc c'est l'émergence de Merlin, de ses parents, en fait, et puis en fait ils viennent de l'Atlantide, parce qu'il y a tout le mythos, machin. Quand vous lisez la page Wikipédia du Pendragon Cycle, vous avez vraiment ce côté checklist du mythos arthurien qu'on a essayé de réécrire. Bon, ça c'est la série de romans qu'ils adaptent, mais disons, mon impression c'est un peu que... Une critique qu'on fait souvent à la fantasy ou à la science-fiction, à cette littérature de genre, c'est qu'il y a trop d'exposition. C'est qu'il y a trop de world-building et que du coup, les romans commencent et disent « Ah là là, ce n'est pas facile d'être fils du grand prêtre de Worgloss, mais je me rappelle qu'il nous faut combattre les Bouglouks pour asseoir notre domination sur les Beglax. Mais parfois, je rêve de n'être qu'un éleveur de Goklouks qui serait... » Et puis du coup, c'est un peu le cliché de la fantasy où on te raconte l'univers et tu te dis « Waouh, cet univers est intéressant. » Eh bien, je crois que là, on arrive à comme disent les jeunes, une autre méta de la fantasy où, au contraire, pour être distingué, tu n'expliques rien. Donc, tu as des personnages qui apparaissent, qui se rencontrent, qui sont tués, tu sais pas qui c'est, comment. Enfin, le feedback des spectateurs sur cette série, c'est vraiment genre, on voit une bataille, quelqu'un meurt, et ensuite, il y a un écran qui fait 20 ans plus tard. Et on ne comprend rien. Je pense que si vous n'avez pas lu la série, apparemment, si vous n'avez pas lu la série, si vous avez lu la série, vous pouvez vous dire « Ah ouais, c'est sympa, je vois quel scène c'est ». Si vous ne l'avez pas lu, apparemment, c'est vraiment difficile de suivre les personnages, de se rappeler les relations entre eux, etc. Et je crois qu'on entre dans une ère où, justement, pour ne pas avoir l'air d'un neuneux qui explique tout le temps ce qui se passe dans la fantasy ou la science-fiction, bah maintenant, on va avoir des trucs qui sont juste incompréhensibles. Et puis voilà, si tu n'as pas compris, c'est de ta faute. Moi, j'aime bien le titre, ça fait très... Qu'est-ce qu'ils appellent, comment ils appellent Merlin, les conservateurs évangéliques? Ah, Merlin, c'est Merlin, mais ils l'appellent le Merlin. Le Merlin. Ouais, c'est un peu... je crois que ça vient, je crois que le Merlin, c'est... Il y a une analogie avec l'oiseau, et je crois que c'est une sorte de... titre, je suis pas tout à fait sûr, c'est un peu... Bon, je vous en parle en n'ayant pas... On sait jamais, si ça se trouve, il est juste jurassien, tu vois, c'est le Merlin. C'est le Merlin. C'est notre Merlin, c'est le fils au Taliesin. C'est le fils au Taliesin. Oui, parce que il faut préciser peut-être que... Je sais pas si tu l'as dit, il est le fils de Taliesin dans le... Oui, puis il y a un peu... si vous regardez la page Wikipédia du cycle, on vous dit que, voilà, vous avez un peu Taliesin qui est dedans, vous avez Ambrosius, je crois, Ambrosius sur Elianus, etc. Je sais pas quelle part ça couvre, parce que là, je crois qu'on est vraiment au début de l'histoire, quoi. Et c'était un peu ce que je craignais aussi, c'est au fond... l'origine de... Enfin, j'ai pas envie de regarder toute une série qui n'entre même pas dans le royaume arthurien, quoi. Est-ce que ça peut être vraiment si intéressant que ça? Enfin, bref, on verra. Peut-être que ça va devenir un truc culte au fil du temps. Il y a une pétition pour avoir une saison 2, alors je sais pas à quel point... je sais pas à quel point ça va le faire. J'ai l'impression que c'était un projet qui était aussi... assez difficile à mener pour un service qui, d'habitude, fait juste des vidéos. Enfin, pour ceux qui connaissent pas The Daily Wire, enfin, ils font... Basiquement, ils produisent des podcasts et des vidéos réactionnaires américaines. Ils ont quand même, quelques trucs. Ils ont produit quelques films de fiction. Alors certes, il y a une grosse différence entre produire un film où t'as Lady Ballers, qui est un film où il y a basiquement, c'est pour montrer que les transgenres c'est pas bien. C'est des mecs qui portent des perruques et qui se disent qu'ils vont se battre en compétition féminine pour gagner facilement. Tu pourrais avoir un potentiel pour un film drôle en vrai. Tu pourrais avoir de l'humour et tout, mais apparemment la qualité est pas terrible. Et en même temps. Faire une série fantasy. Ouais, j'allais dire, si ton truc c'est genre des films où t'as un étudiant catholique ou chrétien épique qui va démontrer les erreurs d'un prof agnostique et libéral, checkmate, c'est peut-être pas tout à fait la même logistique, quoi. Ouais, c'est ça, tu passes de Lady Ballers ou des films à la God's Not Dead. Bon, c'est pas eux qui les font, mais vous voyez le genre de film, un truc où il y a quand même une production qui est quand même un peu plus... Après, la production, ça a pas l'air d'avoir été raté, hein. La plupart des gens ont l'air de dire c'est pas ça le problème, hein. La production, bon, on aime pas, mais c'est pas vraiment ça le problème, c'est plus de vouloir raconter une histoire de manière assez elliptique qui est un peu compliquée. Voilà pour cette petite note d'actualité. Beaucoup de choses qui se passent du côté arthurien, beaucoup de choses dont on ne parle pas. En fait, si on voulait vous parler de tout, faire une revue complète de ce qui se passe, ce serait un peu compliqué. Mais on va revenir maintenant en arrière de quelques siècles, effectivement en Angleterre pour vous parler de Ava Wings of Arthur et A Winter's of Arthur. Alors, on va vous parler donc effectivement de deux récits de... Alors, dater les deux, c'est un peu vague. Les manuscrits qu'on a sont tard 15e siècle, fin du 15e siècle. Mais les probablement, enfin en tout cas, les deux sont probablement plus évidemment arrivés plus tôt. Peut-être la fin, dernier quart du 14e. Donc, on est dans des textes qui sont plus ou moins contemporains a priori de quelque chose comme Gauvin et le Chevalier Vert, peut-être un poil plus tardif. Peut-être juste avant, mais en tout cas clairement dans la même vague, disons, de production arthurienne, c'est juste avant Malory, et c'est après évidemment une tradition, comme on l'avait dit, qui était surtout basée sur de la traduction des récits français, et de versions comme des trucs comme Libo Desconus qui reprenait Le Bel Inconnu, Yvain et Gauvin, des choses comme ça qui reprenaient vraiment des récits existants, de longs textes français qui étaient souvent largement raccourcis. Là, on reste sur des récits plutôt courts, plutôt condensés. Les événements sont pas... Il n'y a pas 36 000 événements dans la quête. Il y a vraiment 2-3 combats, pas plus. On n'est pas sur des listes de batailles impressionnantes. Mais en même temps, elles sont beaucoup plus étendues individuellement parce qu'on passe, comme tu le disais, beaucoup plus de temps à décrire, à présenter la scène. C'est aussi quelque chose qui est dû à la structure, en fait, du vers anglais, qui est plus long, généralement, parce qu'on ne compte pas les pieds en syllabes, on compte les pieds par accent. Donc, ce qui fait que tu peux faire des pieds plus longs, même en gardant ce qui était d'ailleurs le cas à l'époque antique, tu fais des pieds plus longs. Tu as aussi un système d'allitération qui fait que tu vas aller chercher des synonymes ou des termes voisins plus facilement. Donc, tu dois pas mal te répéter parfois pour faire, pour transmettre quelque chose. Ce qui fait des textes, disons, un peu moins... Il n'y a pas forcément toujours l'énergie propulsive qu'on a dans des textes français ou dans des textes anglais traduits... disons du début du 14e, de la fin du 13e siècle, mais par contre on a des portraits qui sont très intéressants. Alors ça ressemble un peu au vers aussi des morts Arthur allitératives et stanzaïques, par exemple, si vous vous souvenez de ça, on en avait parlé un peu avant de parler de Gauvin du Chevalier Vert. Donc on est dans des dimensions assez similaires à ça, mais avec, comme dans Gauvin du Chevalier Vert, un propos plus restreint, une aventure plus condensée, et pas spécialement de il n'y a pas la quantité de terrain qui est couverte par ces récits allitératifs qu'on avait vus pour les morts Arthur. Pour les deux qu'on va voir, il y aura aussi, on peut dire, c'est un peu, ils ont chacun deux moitiés. Il y a une première aventure, une deuxième aventure. Et donc, c'est vrai que c'est assez peu étendu. Et tu parlais de répétition. C'est aussi ça qui les rend difficiles à traduire parfois. C'est que, par exemple, il y a les termes pour homme ou guerrier. Il y a toute une variété de termes que vous pouvez utiliser suivant l'allitération que vous voulez faire. Vous allez dire Freck. Ou autre, puis sauf que quand vous traduisez en français, vous allez devoir traduire homme, guerrier, le type, enfin, comme je dis, on vous a préparé une petite traduction française qui peut-être est un peu moins inspirée, un peu moins, vous n'avez pas ce même rapport au verbe, quoi. Et les deux poèmes ont aussi des structures un peu différentes, vous avez Ava Wing, vous avez toujours un peu cette même longueur, alors que vous avez, je ne sais pas comment on appelle ça dans A Winter's, vous avez des sections de X vers. Il y a des fêtes, souvent, c'est le terme de fête qui est utilisé. Des petits quatrains, on pourrait dire, qui concluent et qui reprennent. Non, je pensais que tu parlais de la structure en deux. Ah oui, La structure globale, effectivement, Awing utilise le terme de fête. Enfin, pas sauce en anglais. Je crois que ça, c'est un terme qui est utilisé aussi dans d'autres poèmes. Enfin, fête, c'est aussi dans Gauvin, Chevalier Vert. C'est aussi dans Gauvin où ils disent voilà. Pas sauce, je crois que c'est dans Piers Plowman que c'est utilisé notamment. C'est une sorte d'acte où on dit voilà, acte 1 fini. C'est un terme latin qui est utilisé aussi dans la poésie latine, pas seulement dans. Enfin, latine classique, pas seulement dans. Pas seulement dans la poésie anglaise, le terme de passus. Mais oui, fit, passus. La structure d'Aventure, c'est une structure avec une wheel, en fait, une roue. C'est ce qui est appelé ce petit quatrain à la fin, qui est quelque chose qu'on voyait déjà dans Gauvin le Chevalier Vert, où il y avait pour le coup un bob, un vers encore plus court, genre deux mots qui rattachaient la roue au reste de la strophe. Là, pour le coup, la wheel, elle est juste directement à la fin. C'est ça. Puis on avait vu chez Gauvin, justement, où c'était aussi ces moments où le narrateur s'adresse un peu à nous et dit « Prends garde, Gauvin, tu t'engages dans quelque chose ». Enfin, il y avait ces quatrains qui marquaient un peu le poème. Là, c'est pareil, où on a, je ne sais pas, il y a un quatrain qui va se finir et qui dit « Gauvin mène Guenièvre ». Et puis la strophe suivante commence. Gauvin mène Guenièvre. Enfin, ça reprend souvent oui. dans Winches Arrowing fait souvent un peu la même chose, pas systématiquement, mais la fin d'une strophe est souvent reprise, pas de la même façon systématique, mais comme si c'était peut-être un truc de lié à la structure de l'écriture. C'est deux récits qui sont plutôt littéraires, peut-être Arrowing un peu moins. Qui est un peu plus classique, mais c'est clair qu'à Winters on est sur un truc très, très écrit. On est dans des façons qui sont des systèmes de narration plus sophistiqués quand même que dans les traductions qu'on avait vues brièvement. C'est pas pour autant que ce genre de récit s'arrête, on arrête de faire des traductions. Il y a dans les récits de cette époque, on va parler peut-être un peu des éditions après, mais il y a quelques... textes de cette époque-là qui reprennent quand même des récits, disons, français, notamment The Gist of Sir Gawain, qui reprend des épisodes, des continuations de Perceval, par exemple. Donc il y a des reprises d'épisodes quand même, mais les formes narratives et les formes poétiques sont quand même plus développées. On est clairement dans un raffinement, disons, de cette poésie. Spécifiquement ici du nord de l'Angleterre, parce qu'on est dans les deux cas, probablement dans le nord-ouest autour de Carlisle, autour du Lancashire, une terre assez classique, disons, dans la matière de Bretagne, hein, la Cumbria légendaire, la terre des Gododdin aussi. Donc tout ça, c'est pas des Gododdin directement, mais l'époque on est dans les dernières terres d'Angleterre à avoir eu, disons, des populations celtes aussi. Hein, donc, il n'y a peut-être pas un hasard qu'on aille là-bas chercher ces traditions arthuriennes, même si elle n'est pas spécifiquement celtisante. Certains aspects, peut-être dans Winters, on peut essayer de voir quelque chose d'un peu... Ou dans Arwing, on a des aspects qui sont quand même assez archaïques, typiquement la chasse aux sangliers. Avait vu que la chasse de tourture, c'est quelque chose qui était quand même très archaïque, et ce motif qui s'est quand même très perpétué, l'aventure commence avec la chasse du roi, qui est peut-être pas, c'est pas les Celtes qui ont inventé la chasse, mais disons c'est un motif qu'on a quand même beaucoup vu. On voit souvent dans les textes celtes, effectivement. Mais peut-être, traitons-les un peu séparément pour commencer. Donc commençons peut-être par Arrowing of Arthur, qui est un texte qu'on ne connaît que par un seul manuscrit. C'est un manuscrit, et pour une fois, c'est pas un manuscrit qui est gardé dans une grande bibliothèque européenne, il est à Princeton, parce qu'il faisait partie de la collection d'un type qui s'appelait Robert H. Taylor, qui était un collectionneur un bibliophile collectionneur assez réputé, qui a légué tout ce qu'il avait à Princeton. Et il a, parmi ces manuscrits, on avait un manuscrit qui s'appelait le manuscrit, qui est souvent connu dans la tradition académique comme le manuscrit Ireland ou Ireland Blackburn. C'est une famille du Lancashire, justement, donc il n'a probablement pas beaucoup bougé depuis le moment de son écriture jusqu'au moment où il a rejoint la collection de Taylor. Et en fait, Taylor l'a donné donc avec toute sa collection à Princeton, où il est gardé aujourd'hui. Ce manuscrit a la particularité d'aussi contenir Arwinters, mais il n'est pas le manuscrit original d'Arwinters, ça on est à peu près sûr, parce qu'Arwinters a trois autres manuscrits qui sont tous très différents, donc il ne faut pas voir ça comme une œuvre unique. C'est juste qu'Arwinters circulait probablement pas mal, et Arrowing peut-être aussi. Arrowing, donc, c'est un roman en quelque chose comme à peu près 1200 vers. C'est un, comme tu l'as dit, hein, là pour le coup on est sur des strophes assez classiques de vers, Paris légèrement allitératif. C'est pas particulièrement c'est pas aussi riche que quand on va le voir dans Aventures ou même dans Gauvin le Cheval Libère, mais clairement allitéré. Il y a aussi une particularité, c'est que c'est des vers qui riment, donc il y a la combinaison de la rime et de l'allitération. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas strictement allitératif, et il n'est pas non plus régulier. Il y a 16 lignes toujours. C'est toujours un motif classique, donc avec des rimes. Le schéma de rime est régulier, hein. Mais par contre, le mètre n'est pas régulier. Il n'y a pas un nombre de pieds fixe par ligne, justement pour permettre de varier les allitérations, pour aller chercher des rimes plus facilement, mais pas spécifiquement, disons, c'est pas aussi strict que dans d'autres récits, et d'où aussi peut-être la structure un peu plus libre dans la façon dont les strophes sont liées entre elles. on n'est pas du tout dans la même reprise, comme tu le disais, de comme on l'a dit, hein, dans Aventures, on verra, ça se reprend juste après, on prend quasiment toujours la fin du vers précédent. Là, ça arrive, mais ce n'est pas systématique. Donc, c'est une œuvre un peu plus lâche, peut-être, même si sa structure, on va le voir, tu l'as dit, est très, très intéressante. Il y a vraiment une structure en diptyque, où on a une première aventure qui, en fait, est composée de trois aventures, et une deuxième partie qui est composée de trois épreuves et de trois explications. Et s'il y a un côté un peu fractal, disons, dans le sens où on a quatre chevaliers qui vont faire chacun un vœu, et les vœux des trois premiers sont dispatchés dans la première partie de façon simple, et les trois vœux, et le vœu, disons, complexe du quatrième est exploré sous trois facettes et expliqué de trois façons dans la deuxième partie. C'est vrai que là, on va rejoindre ce qu'on avait et qui est peut-être une tendance de ces poèmes moyens anglais, c'est que vous avez quelque chose qui se passe et on vous explique la morale de l'histoire et à la fin, vous n'êtes pas tout à fait sûr de comprendre la morale de l'histoire. Enfin, on va pouvoir voir qu'il y a quelque chose. Un peu, mais on va peut-être pouvoir effectivement dire un peu plus. C'est aussi intéressant, garder en tête, c'est des textes qui sont relativement tardifs. On est à la fin du XIVe siècle, début du XVe, dans l'époque où ils sont recopiés. Les familles qui les manuscrits dans lesquels on les lit ne sont pas forcément des manuscrits réservés à la noblesse ou à des gens très riches. On est dans une littérature qui est déjà beaucoup plus populaire, sans doute, et en tout cas parmi une certaine bourgeoisie, disons, qui peut se permettre d'avoir des manuscrits comme ça. Même si c'est littéraire, c'est pas pour autant que c'est réservé voilà, à de la haute, à de la très très haute société. Et en même temps, on n'est pas non plus dans un récit oral qui aurait circulé de plein de façons différentes. On est dans une version très écrite, quoi. Donc nécessairement plus limitée dans sa diffusion. Garde en tête, c'est à la fois un récit assez donc littéraire, travaillé, mais en même temps, c'est pas non plus un récit qui est réservé à une élite particulière. Et on va le voir, c'est assez, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est un récit assez particulier, disons. Celui-ci, en tout cas. En termes d'édition, le Avowing, c'est des deux. Comme les deux récits ont connu une tradition d'édition un peu quand même conséquente, parce qu'il a été édité assez tôt. Il a ensuite été édité scientifiquement aussi à plusieurs reprises au terme du XXe siècle. Au cours du XXe siècle, la plus récente, c'est celle de Thomas Hahn, qu'il a édité avec 10 autres récits qui ont tous Gauvin, sinon comme protagoniste principal, en tout cas comme personnage important, dans une édition qui s'appelle tout simplement Sir Gawain, 11 Romances and Tales, édité par les Middle English Text Series, qui est donc une série de publications académiques, mais pour le grand public étudiant, en tout cas, donc des éditions étudiantes qui sont bien glosé, avec pas mal de notes, c'est pas de l'édition brute, et ça reste un peu plus compliqué à lire qu'une traduction, mais c'est quand même plus accessible, et c'est surtout accessible librement en ligne, c'est des éditions imprimées, mais vous pouvez facilement le trouver sur le site des Middle English Text Series, qui a été refait récemment, qui est de très bonne facture maintenant. Pendant longtemps, c'était un peu une galère à utiliser ces séries. Si vous voulez lire du moyen anglais, c'est vraiment une des bases de données les plus riches, parce qu'il y a vraiment pratiquement tout dessus. Il avait des avantages d'être un peu embêtant à utiliser ce site, parce que pour aller chercher les notes, vous deviez faire défiler deux parties de l'écran en même temps. Maintenant, il y a des liens, des hypertextes, tout simple à utiliser, c'est vraiment génial. Je vous recommande d'aller y jeter un œil. On a fait une traduction, effectivement, Laïs surtout a fait la traduction. Vous pouvez trouver aussi sur archive.org des éditions plus ou moins anciennes des années 70-80 qui proposent des traductions, l'une en vers, je crois, l'une en prose. Qui sont Souvent ces traductions ont tendance à un peu ces textes vont poser des difficultés surtout à Winters comme on va le voir après, mais mon impression des traductions anglaises, c'est que souvent quand il y a un point qui pose difficulté, il le glisse un peu sous le tapis et il le saute. Donc vous avez des traductions qui vous donnent l'idée générale, mais généralement ce sera pas du mot à mot ce qu'on a essayé un peu de faire, et vous voyez en nous disant pourquoi c'est pas forcément une bonne idée forcément. Voilà. Et sinon, Avowing, c'est vraiment peut-être des deux le plus simple entre guillemets en termes de forme, parce qu'il il se lit assez rapidement, mais j'ai trouvé quand même un peu plus complexe parce que là, on verra, la structure même du récit est un peu plus ambiguë et plus. J'ai trouvé Aventures pour le coup plus simple. Enfin, c'est assez. Le vers en lui-même est plus complexe, les descriptions sont plus riches. Mais vous allez le voir, Avowing est quand même un poil plus, je trouve, compliqué à suivre, ne serait-ce que parce que le propos qu'il essaie de tenir est plus obscur pour nous, pour dire disons, ça comme ça. pour vous présenter l'histoire en deux mots, ça commence par un scénario assez classique. Le roi Arthur se lance dans la chasse d'un sanglier terrible, monstrueux. Donc ça, c'est quelque chose de très vieux. Vous vous rappelez déjà dans le Arthur, les légendes, peut-être pas originales, mais les légendes bretonnes d'Arthur, vous avez déjà cette idée d'une chasse de tourteur, le sanglier monstrueux. Bah là, c'est quelqu'un qui arrive à la cour et qui dit « c'est horrible, on sait pas quoi faire, il est impossible à vaincre ». Arthur se dit « bah on va aller lui régler son compte ». Il emmène quelques chevaliers avec lui et il fait le vœu de réussir à battre ce sanglier. Donc on va suivre Arthur et il est avec ses chevaliers et il dit « bah vous aussi, faites des vœux comme moi ». Donc c'est pour ça que ça s'appelle « The Avowing of Arthur », donc le vœu, la prise de vœux d'Arthur. Les différents chevaliers les chevaliers qui sont avec lui vont faire trois vœux. Donc Gauvin dit qu'il va veiller au Tarnwathlen, qui est donc un lac qu'on va aussi retrouver dans Winches, donc c'est un lieu dit qui revient dans ces aventures-là. Va écumer la forêt en se battant contre les gens qu'il rencontre dedans. Ces aventures-là, Arthur qui chasse le sanglier, Gauvin qui va au Tarnwathlen et qui va se battre dans la forêt, ça va couvrir la première moitié du poème. Et il y a Baldwin qui est un peu le personnage un peu... C'est le personnage original de notre style du récit. Et ça, c'est le personnage qui sort de on ne sait pas trop où. Alors après, Baudouin qui lui fait le serment de ne jamais être jaloux d'une femme, de ne jamais refuser l'hospitalité ou la nourriture à quelqu'un et de ne jamais avoir peur d'une mort violente, ne jamais craindre, ne jamais avoir peur de la mort dans l'affrontement. Et c'est un peu étrange parce que les trois chevaliers ont eu des vœux de chevaliers assez classiques, de veiller quelque part, d'aller se battre, de battre une bête. Et lui, il a des vœux qui sont finalement sur un plan éthique, moral et quotidien finalement. Donc un vœu de moralité personnelle. Les trois font des vœux de chevalier de fiction, parce que c'est un truc, voilà, ça va nécessiter une aventure, alors que lui fait des vœux de chevalier entre guillemets un peu plus réaliste. C'est des vœux qu'un chevalier ferait, quoi. Des vœux dans la vraie vie, tu vas pas aller promettre de veiller n'importe où dans la forêt. Si t'es chevalier au 14e siècle ou au 13e siècle, tu vas pas pour le fun. Tu vas pas aller tuer un sanglier, tu fais pas un vœu pour tuer un sanglier, tu vas à la chasse au sanglier, c'est comme ça. Donc il y a peut-être un côté aussi, on va le voir dans le récit, un peu fiction versus réalité dans ce récit. C'est ça, et tu l'as dit, on se pose la question de à quel point le public change, parce que c'est souvent un public, on l'a vu, en tout cas les romans français, on pense souvent que c'est plutôt quelque chose qui était destiné à la petite noblesse, et là peut-être qu'on évolue même vers un public bourgeois, et puis donc ces vœux de Baudouin vont souvent être interprétés comme une espèce d'habitus bourgeois de « bon, bah, la chevalerie c'est en train de perdre de vitesse, et donc Baudouin il montre un sujet moral et politique différent qui revient dans le foyer personnel. » Une application, même sans aller jusqu'à dire que c'est nécessairement un truc qui se perd, pratique de la chevalerie, quoi. Quelque chose qui plaît à un public qui, certes, c'est joli l'histoire de chevalier, mais moi, dans ma vie de tous les jours, je suis un, je sais pas, un artisan, un marchand, un riche propriétaire terrien, j'ai pas forcément. Tu vois, l'application de ces choses-là sont plus possibles pour un riche bourgeois que pour un chevalier, peut-être, enfin, que pour un. Que des vœux d'un chevalier qui irait aller trucider un sanglier. Bon, ça reste, tu vois, le dernier vœu qui est de ne pas craindre une mort violente, et puis quand il affronte les autres, ça reste des vœux d'une espèce d'éthique martiale. C'est quelque chose que tu peux faire, hein. Tu peux faire ce vœu-là en tant que marchand, sans prendre trop de risques aussi, quelque part. C'est ça, c'est... Mais c'est vrai que c'est intéressant, et ça crée un côté comique, parce que du coup, les trois autres, ils restent dans la forêt à faire leurs aventures et à s'entretuer dans la forêt avec leurs bestiaux et d'autres chevaliers, pendant que Baudouin dit « bon, ben, moi, je rentre chez moi, et puis je vais dormir ». Et la deuxième moitié du poème, c'est Arthur et compagnie qui vont se dire « bon, ben, on va éprouver Baudouin ». Ils vont essayer de voir est-ce qu'il tient, est-ce qu'il est à la hauteur du vœu qu'il a fait. Tu dis, bon, les gens, ils vont pas se battre dans la forêt, etc. On sait qu'il y a des chevaliers qui faisaient des pas d'armes et des tout inspirés de la littérature arthurienne, et on sait aussi que même avant ces romans classiques, par exemple dans l'Alexiade de comment s'appelle-t-elle, Comnen, pendant la première croisade, il y avait un croisé qui s'est assis sur le trône de l'empereur Alexis Comnen, et quand on lui a demandé de se lever, on lui a dit, bon, tu te prends pour qui, mon gars? Puis il a dit, bah moi, en fait, vous savez, chez moi, il y a un carrefour vers un sanctuaire, et puis il y a des chevaliers qui viennent, et puis ils se battent contre tous ceux qui passent là, et puis moi, je le fais, puis il y a personne qui se batte contre moi, donc je peux vous dire. Donc apparemment, oui. Des chevaliers fous qui gardaient des passages pour se battre contre tout le monde, ça existait aussi dans le monde réel. Bon, on a mais peut-être un peu plus tôt aussi dans le... Oui. Je suis pas sûr que dans l'Angleterre de la fin du 15e, ce soit aussi courant que ça, quand même. Voilà, puis on a aussi, on peut mentionner, on va vous parler de l'histoire plus en détail, mais il y a un chevalier qui s'appelle Menealf of the Mountain, et puis Menealf, dans Menealf, vous avez Alf, Elf, donc on a peut-être encore une trace, qui ici est assez atténuée, mais de cette rencontre avec le merveilleux de ces romans arthuriens. Donc l'histoire commence, on va pas tout vous détailler. C'est un commentaire qui est probablement un peu usé, mais moi je trouve que ces poèmes, ils ont aussi un côté très, puisque justement on peut avoir une strophe entière qui insiste sur l'équipement de quelqu'un ou la prestance de quelqu'un ou une seule action. Donc il y a un côté aussi très, c'est le cas dans tous les, dans la littérature en vers en général. En français aussi, on va avoir la tendance à décrire les parures, les dorures, les tentures, enfin tout l'apparat merveilleux, et on va insister là-dessus. Mais là, vous pouvez avoir vraiment ce côté très trumpien, quoi. Les plus belles femmes, les plus belles robes, et puis je peux pas vous dire, mais c'est toujours, donc ce côté très superlatif, et aussi... d'une action ralentie. Donc on va voir Arthur qui dépèce le sanglier, on va vraiment nous décrire un peu, limite, on n'a pas le mode d'emploi, mais limite étape par étape, on va décrire ce qu'il fait, quoi. Mais donc après un prologue religieux qui parle de celui qui nous a façonnés sur la terre et qui a formé les cieux, puisse-t-il apporter la joie à qui veut en entendre parler, des hommes vaillants et courageux, des anciens qui, avant nous, vécurent dans ce pays, et l'un d'entre eux était Arthur le roi. Donc on commence, et on va finir un peu sur la même note, ce qui est assez courant. Et donc voilà, le roi est à Carlisle pour chasser. On nous dit que c'est déjà la saison de la chasse, mais pour chasser des daims, pour chasser le sanglier, le cerf, le lièvre. Et on lui apporte l'idée qu'il y a une espèce de monstre noir comme un ours qui détruit tout, qui arrache des buissons, qui arrache des racines. Arthur demande à ce qu'on n'envoie personne d'autre, et il dit « bon, on va s'en occuper ». Il prend que Gauvin et Baldwin, notre fameuse aussi de notre style, Baldwin of Britain, donc Baudouin de Bretagne. Donc c'est un peu aussi, il a cet aspect particulier, c'est que en général, les chevaliers ne sont pas... Il y a Arthur qui est de Bretagne, mais les chevaliers ne sont pas de Bretagne, alors peut-être plus en anglais. Est-ce qu'il faut voir Bretagne continentale plutôt que Bretagne insulaire là-dedans? Peut-être. Je me suis demandé au début si c'était aussi une mauvaise lecture ou un nom dérivé de Bédiver. Ouais. Ce qui collerait aussi avec l'âge relatif de ce chevalier, parce qu'on ne nous le dit pas tout de suite, mais c'est clair en écoutant son récit qu'il est disons, d'une génération au-dessus ou d'une génération ou deux au-dessus des autres chevaliers, donc c'est possible que ce soit une figure un peu comme Bédiver, qui est parfois présenté comme plus un vétéran de la table ronde, mais effectivement Baudouin of Bretagne, on pourrait y voir peut-être le nom aussi un peu français pourrait faire penser à quelqu'un qui vient du continent quoi. Et donc, il emmène cette équipe, ils arrivent à acculer, donc on nous décrit par le menu justement les chiens qui arrivent à acculer le sanglier dans son terrier, et du coup Arthur dit « bon, maintenant je vais faire un vœu, peu importe à quel point cette créature me pose du tort, je vais la couper en morceaux et réussir à la battre d'ici à demain matin si j'arrive à rester en vie, et maintenant faites tous un vœu ». Alors Gauvin veut aller au Tarnwathlan, que va chevaucher à travers la forêt et quiconque veut lui barrer la route, il le combattra à mort. Et comme on l'a dit, Baudouin dit « Je jure par ma vie, jamais être jaloux de ma femme, ni d'aucune jolie femme, ni de refuser à personne ma nourriture quand je possède de telles denrées, ni de craindre la mort suite aux menaces qu'elles viennent d'un roi ou d'un chevalier. » Et donc, tout le monde se rend à sa petite affaire et Baudouin revient en ville car c'est par là que se trouvait sa demeure et alla ensuite au lit. Mais nous parlerons maintenant des trois autres et comment ils s'en tirèrent de leur serment en racontant la vérité. Donc il y a un peu ce côté marrant de Baudouin qui est venu les accompagner pour vaincre le sanglier. Finalement, Arthur veut vaincre le sanglier à lui tout seul et du coup, lui, il rentre chez lui et puis il va dormir. Donc il y a ce qui explique aussi peut-être pourquoi les autres se disent « bon, on va quand même mettre son vœu à l'épreuve parce que bon, il s'en est tiré à bon compte par rapport à nous qui avons souffert toute la nuit dans cette forêt, quoi. » Exactement, oui. Bon, on décrit le combat par le menu, le sanglier réussit à tuer le cheval du roi, le roi a été jeté par terre, il prie Sainte Marguerite de le protéger du danger. Ouais, sa lance a été éclatée en morceaux par le sanglier aussi, parce qu'il a une peau tellement épaisse, il y a un peu un côté sanglier d'airain comme ça. Et il a donc il y a toujours d'ailleurs comparé à un démon d'ailleurs aussi. Oui, le sanglier, on dit un Satan, un fiend, Non, il y a vraiment un côté très très très maléfique quoi dans ce sanglier. C'est pas simplement un animal standard. Oui, il bave, il rage, il est plus fort qu'un ours, etc. Et puis, pour vaincre le Satan, évidemment, il faut invoquer le pouvoir de Dieu. Et il prie Dieu et il lui dit « Envoie-moi la victoire, ce Satan me persécute ». Le roi arrive à le tuer. Et on nous explique aussi que Arthur maîtrise, on a un peu cette idée, qui est assez standard, mais non seulement de maîtrise de la chasse, mais là, carrément de maîtrise, en fait, de la vénerie, quoi. Il arrive à découper, couper le sanglier par ses épaules, placer sa tête sur un épieu. Il en fait des tranches et des lambeaux de chair, il les suspend à un chêne. C'est souvent le sanglier, d'ailleurs, ça va être souvent comme ça que ça se mange. On fait des lambeaux qu'on va soit cuire à moitié, soit il faudra les faire mariner. Enfin, c'est pas forcément la viande. Donc, on a aussi... C'est un truc, enfin c'est une bestiole démoniaque, mais on va quand même la manger, quoi. C'est pas, c'est pas un démon qui s'évapore en fumée. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et il prie de nouveau la Vierge Marie. Tu m'as envoyé cette aide pour l'amour de ton fils. Et on a aussi ce côté assez courant de Arthur qui se retrouve à la chasse, qui est souvent le point de départ des aventures, mais qui se retrouve du coup privé complètement de ses serviteurs et de ses aides, il est tout seul, il n'a personne, et il finit par s'endormir. Le récit passe à queue, qui rencontre un chevalier qui mène une belle femme. Bon, si vous connaissez les romans arthuriens, vous savez où ça va. Et la belle femme est en fait en train de pleurer. Elle invoque aussi la Vierge Marie. Elle dit « Viens-moi en aide et sauve ma virginité », donc « Save me my maidenhead », donc assez littéralement. Et donne au chevalier en récompense de ses actes du chagrin et du souci, et que décide de défier le chevalier pour cette jolie femme. Alors ça fait pas partie de son vœu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à la base il avait promis de se battre contre tous ceux qui essaieraient de lui barrer la route. Et là en fait il fait œuvre de chevalerie, mais d'une manière qui dépend pas vraiment de son vœu, parce que le chevalier le menace pas ou l'empêche pas de passer. Mais bon, bien sûr, évidemment, en chevalier qui se respecte, que va essayer de le battre, et puisque c'est que, évidemment, eh ben, au contraire, il va se faire battre. Il faut peut-être aussi y voir le fait que est toujours présenté comme, et le récit est explicite sur le fait que a tendance à parler plus vite qu'il le devrait. Là c'est justement un truc qui, il aurait pu remplir son vœu sans le faire. Évidemment, ça aurait pas été très propre, mais c'est aussi peut-être pas un hasard que ce soit qui se sentent pas complètement... Tu vois, on pourrait penser que le vœu de queue implique qu'ils ne doivent pas aller à sa rescousse, parce que ça va quelque part à l'encontre de son vœu. Ça pourrait... C'est lui qui va chercher les embrouilles, alors que ce serait pas nécessairement... le problème, en fait, qui devait résoudre avec son vœu. Donc, oui. Après, en même temps, c'est une scène stéréotypée, c'est attendu qu'il voit une dame pleurer, il va se Bien battre sûr. Pour son salut. Mais le côté impulsif de queue est clairement présenté ici, quoi. Et du coup, il dit, déjà, dis-moi ton nom. Alors, je ne vous le cache pas, je suis Sir Menelf of the Mountain, Menelf de la montagne. Et cette dame, je l'ai capturée à Lidl, et j'avais vaincu ses amis en les battant au combat, quoi. Et j'ai remporté cette personne. Alors, que... veut le faire, ils se battent, Menelf éclate complètement le bouclier de queue et l'envoie par terre, et il le capture suivant les lois de la guerre. Là, on a un de ces exemples où justement on enchaîne une fin de strophe avec la strophe suivante, and fed him flat in the field and took him upon where. Donc il l'a capturé suivant la guerre, suivant les lois de la guerre, et puis le vers suivant commence, thus has he won and came on where. Ainsi a-t-il remporté que selon la guerre, en guerre en fait. Et alors que dit, vous savez, Seigneur, au Tarn ou Athlan, il y a Gauvin qui m'attend parce qu'il veille toute la nuit, c'est le plus valeureux des chevaliers, donc allez le voir et puis il payera ma rançon sans délai. Et alors il dit, ok, je vais mettre votre vie en jeu dans un affrontement avec ce chevalier. Donc quitte ou double, il se dit, je vais aller me battre contre Gauvin. Ils arrivent à Gauvin, puis du coup, ça participe aussi à l'histoire, parce que sinon, Gauvin aurait apparemment pas rencontré beaucoup grand monde au Tarn ou Athlan. On verra dans l'autre roman qu'il se passe d'autres choses plus sombres que ça. Et évidemment, Gauvin est plus fort que queue, donc il arrive à régler son compte à Menelf et à récupérer queue. Et une fois qu'il l'a renversé une première fois, il lui dit, j'ai récupéré queue, est-ce que je peux maintenant me battre pour la dame que vous trimballez? Puis il dit, bien sûr. Et il arrive à le battre, et que pendant ce temps se moque de lui, de façon peut-être un peu indu, puisque finalement, lui, il s'était fait rétamer, mais du coup, voilà, il est vengé. Gauvin dit, bon, ben voilà, la bonne fortune ne dure pas toujours, nul n'est invulnérable au point de ne jamais être blessé. Puis aussi, bien sûr, Ménéal fait blesser par les mots de queue, et puis il lui rappelle que, oui, bon, si on était seul, écoute, j'aurais réglé notre querelle autrement, enfin, je t'aurais un peu réglé ton compte. Et que dit oui, bah bien sûr, mais bon, en même temps, maintenant, vous avez perdu votre jolie femme. Et que dit, bon, ben, on l'emmène... Enfin, voilà, Gauvin dit, bon, on emmène cette demoiselle auprès de Guenièvre, et c'est elle qui vous payera une rançon. Enfin, c'est la reine qui va décider ce qu'on fait de vous. Le jour commence à poindre. Alors, Arthur avait juré de rester dans la forêt, enfin, avait juré de le battre avant le matin. Il a réussi. Il fait sonner son cor, et puis, alors, ses chevaliers arrivent à trouver Arthur, et ils trouvent le sanglier qui a été dépecé de la main du roi. Et puis aussi, son cheval s'est fait tuer, donc il n'a plus de monture. Donc on fait descendre la demoiselle. On la fait monter derrière le chevalier. Bon, comme d'habitude, le chevalier qui l'a kidnappé, finalement, bah, il peut quand même l'avoir pratiquement comme bon ami. Et Queu peut s'occuper de charger la viande. Donc Queu, qui est toujours un peu dans le côté... on lui donne un peu les tâches les plus ingrates. Et on nous explique que... both the bird and the bread to Carlyle they bring. Donc, à la fois la dame et la viande, il les ramène à Carlyle, ce qui est peut-être un peu. Voilà, la dame fait partie de la cargaison, quelque part. Et voilà, ils vont donc demander à la reine de gérer le sort de Ménéalf. De Ménéalf. Ce qui est un motif qu'on va aussi retrouver dans d'autres. Le Guenièvre qui donc, doit décider du sort d'un chevalier, disons, mm-hmm. alors plus ou moins méchant, ou voire violeur, ou violent, ou kidnappeur. Il y a souvent l'idée que c'est. Elle s'occupe des affaires qui concernent les femmes. Donc c'est souvent, voilà, il a fait un tort à une femme, et donc on l'emmène à la reine. Et là, en l'occurrence, la reine, elle fait ce qui est attendu d'une reine, c'est d'en déférer un peu au roi. Donc elle dit, bon, je sais mon pouvoir de vous épargner. Je vous remets à Monseigneur le roi, et car il y a un peu une querelle des domaines entre les deux pouvoirs où on lui amène ce chevalier, basiquement sans le dire explicitement, que c'est pour en disant que c'est pour l'histoire de l'honneur de cette femme. Donc on l'amène à Guenièvre, elle dit oui bon, les histoires de combat de chevalier, c'est plutôt le roi qui s'en occupe, donc je vous remets à Arthur, car il est souverain sur cette chose, sur les chevaliers et leur combat. Elle dit bien sûr elle prie aussi pour le salut de Gauvin, le bon Gauvin, le meilleur chevalier. Et Gauvin dit oui bon, Ménéalf c'est un vaillant guerrier et ils font chercher le livre de leur loi, donc on imagine le code de la table ronde, le code de chevalerie, et ils lui font jurer de devenir membre de la table ronde. Et voilà, ils ont recruté, ce qui est assez courant, un nouveau chevalier de la table ronde. Et là, on passe un peu à la deuxième partie. C'est que dit au roi, bah, sire, je pense que c'est une merveille les vœux que fit Baudouin hier dans la soirée, sans la moindre hésitation, bien plus que ceux que nous trois avons jurés. Et le roi dit, alors, c'est la vérité, je ne peux pas cacher plus longtemps que j'apprendrai avec joie how best might be, donc comment faire au mieux. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais sûrement de dire comment on va voir, comment, vu la suite du récit, comment on va voir comment il s'en tiendra à son vœu. Et que il joue un peu le rôle de... Tu vois, on est un peu dans le livre de Job. Il y a un petit côté où que dit « Si vous météorisez et que vous le prenez pas mal, alors je peux essayer de mettre en évidence son vœu. » Et le roi dit « Oui, mais... » Il y a un peu ce côté Satan, ouais. « À condition que tu le préserves. » Enfin, il y a, tu sais, le Satan du début du livre de Job où Dieu dit à Satan « Tiens, Satan, je te livre Job, mais ne porte pas atteinte à sa vie. » Puis il y a Arthur qui dit « Bon, Vous pouvez lui jouer un tour, mais bon, réglo les gars, vous allez pas bon, le... » Faut dire qu'ils pensent aussi qu'ils ont à peu près aucune chance de lui barrer la route, en fait. Oui, c'est ça. Et il dit, bon, vous pouvez essayer de lui barrer la route pour voir s'il a... Donc là, on commence par son troisième vœu, qui est de pas avoir peur au combat. Donc on commence par le plus martial, finalement. Et il dit, bon, ben, faites attention à essayer de lui barrer la route... parce que vous le trouverez en monture, il sera prêt au combat, il a un très bon équipement, et il n'y en a pas un parmi vous qu'il ne croirait pas pouvoir... Enfin, il va pas s'arrêter en vous voyant, quoi. Donc on a aussi l'idée que Baudouin est pas juste... C'est pas juste un pleutre, quoi. C'est pas une figure comme Queu... ce serait pas une figure comme Queu, Dinadan, Dagenais, ou un chevalier un peu moins fort, pas du tout. Et donc, six chevaliers vont essayer de l'arrêter avec des armes aiguisées et promptes, avec des robes vertes. Il y a beaucoup de vert. Hein. On a beaucoup parlé de la symbolique du chevalier vert, mais dans ces romans, on est souvent habillé en vert quand même. Et là, on a une scène un peu sous la pluie où ils ont un peu des vêtements par-dessus leurs armures pour les préserver de l'humidité. Ils essaient de lui bloquer la route et ils sont aussi encapuchonnés pour pas qu'ils les reconnaissent, parce que forcément ils les connaissent, donc ils ont un capuchon pour se faire passer pour des bandits, des brigands ou autres. Et ils attendent, ils disent « Ah, on lui a fait peur », alors que lui il se rend à Carlisle, mais ça ne l'arrête pas évidemment. Il leur dit « Si vous étiez le double de ce que vous êtes maintenant, vous me feriez pas fuir, faut que je trace ma voie pour parler au roi en fait. » Il y a un passage où justement il dit « As ye are Herdman Hind, ye are not me », qu'on pourrait traduire, enfin que Anne pense qu'on pourrait traduire comme « Puisque vous êtes de rustres bergers, donc Herdman, vous ne m'empêcherez pas de passer », donc ce serait un peu une insulte ou une geste, mais dans les traductions, il y a des gens qui ont traduit « Gentle retainers » ou « Valiant knights », donc là on a un peu des débats sur comment interpréter ce passage, ce qui est souvent le cas dans ces poèmes, hein, c'est pas toujours facile de les traduire de manière univoque, mais évidemment, il réussit à renverser Queue, parce que bon, Queue est un peu là pour ça, et éclater les boucliers des cinq autres. Il en vaincu quatre, et finalement, les chevaliers lui disent « Bon, tu peux passer ». Il va vers le roi lui demande « Ça a été votre route, c'est bien passé ?» Puis il dit « Oui, rien à signaler, sire, tout va bien ». Donc il mentionne même pas cette altercation, quoi. Et ensuite, ils vont se rendre à la messe, et Queue arrive un peu avant midi pour dire au roi « Bon, on a tous été battus sur le champ de bataille par Baudouin ». Et donc, il décide d'aller ensuite tester le prochain vœu, enfin, le second vœu qu'il a fait. C'est un peu rétroactif. Hein. C'est ça, on revient. C'est rétroactif, c'est un peu rétrospectif. Ils vont depuis le dernier qu'il a fait. Et il demande à son ménestrel, il appelle son minstrel, pour lui demander d'aller 40 jours chez Baudouin de Bretagne. Et en fait, l'idée, en gros, c'est vas-y, squatte chez lui pendant 40 jours. Et si quiconque est renvoyé sans nourriture, tu dois me le dire. Comme on appelle ça, les invités, les clients mystères du guide Michelin, quoi. C'est, il arrive et puis il doit voir que... On m'a bien proposé les serviettes humides gratuites pour me laver les mains avant le repas, etc. Oui. Et il voit effectivement que Baudouin est parfaitement généreux avec tout le monde. Il trouve rien à redire et il est généreux avec tout le monde. Puis il dit justement avec les chevaliers, les écuyers, les paysans libres et les serfs, donc knight, squire, yeoman et knave. Donc un peu tout le gamut de la hiérarchie chevaleresque, il est généreux avec tout le monde. Alors ça, on a vu que dans les différents textes, dans les différents pays, c'est pas toujours le même idéal. Souvent, on sent que c'est écrit par la petite chevalerie, donc ils ont un idéal égalitaire qui est plutôt, on aimerait bien être inclus aussi. Il y a des textes, les textes allemands sont un peu plus hiérarchiques, mais là, on a cette idée justement de Baudouin, il est généreux avec tout le monde, c'est super. Qui marque, comme on l'a dit, c'est toujours dur d'interpréter ça de façon univoque, mais peut-être aussi l'élargissement même à un public plus, entre guillemets, bourgeois de ce genre de texte, quoi. Ouais, il y a après c'est intéressant de voir que c'est aussi un truc où on va vraiment, alors il y a une espèce de comme tu dis de tranche de la société entière, hein. On mentionne toutes les classes, on mentionne et on insiste vraiment après 7 jours, il reste pas 40 jours, il reste que 7 jours ou 7 nuits plutôt parce que au bout d'un moment on a compris l'idée et à la fois comme tu dis Knichten, Squire, Minstrele, Messenger, Pilgrimen, Palmeren, donc pèlerin et pèlerin littéralement, tout le monde peut venir, tout le monde est là, tout le monde est bienvenu et il ramène le roi et la reine et du coup même Arthur est surpris en fait de la quantité, de la qualité du service, quoi. Mm-hmm. Donc il y a vraiment cette insistance que non seulement toutes ces tranches de société sont servies, mais tout le monde a ce standard en fait de service. C'est pas simplement on donne les restes aux voyageurs. C'est pas du tout le côté un peu Ivanhoé ou les voyageurs qui arrivent mais qui sont pas aussi réputés ou qui sont pas le juif qui vient dans le coin ou le type un peu étrange. On les met dans un coin de la salle et on les sert moins bien. Là, c'est vraiment le côté exactement plutôt universel en fait du service. Et Baudouin, quand on lui demande d'expliquer, il dit Dieu a une bonne charrue en gros. Donc, il nous donne tout, il nous donne assez pour tout le monde. Alors ça sert à rien de retenir et d'être avare. C'est un peu Dominus Providebit, le Providebit, le Seigneur y pourvoira. Et puis, en fait, on verra, c'est un peu dur d'interpréter parce qu'après, Baudouin va devoir expliquer pourquoi ces trois vœux et pourquoi il se comporte comme ça. Et c'est pas tout à fait clair, mais un des. En fait, on va voir que une chose qui relie un peu ces différentes réponses, c'est de dire, oh, finalement. Une espèce de s'en remettre à Dieu et à le fait que les choses sont un peu à l'impermanence des choses aussi, et de se dire bah finalement on a assez, il faut donner quand on a assez, il faut pas être trop crispé. Il a aussi cette idée un peu, il faut pas être trop crispé en matière de morale, il faut être assez, il faut pencher du côté le plus, on va dire du côté de la largesse et de la libéralité, ce qui fait partie des valeurs classiques, mais là il va même aller plus loin dans un domaine un peu plus surprenant. C'est qu'on rejoint un peu de nouveau, enfin on rejoint pas Gauvin et le Chevalier Vert, mais on a de nouveau un test moral avec l'histoire de quelqu'un qui va à la chasse, mais avec les rôles un peu inversés, où le roi dit « Bon, je t'ordonne, je te commande que demain matin tu partes chasser pour nous ramener du cerf, avec des chiens et des hommes, car toi, tu connais le mieux ces bois, les hommes, etc. Et ceux qui sont ici, donc tu sais lesquels prendre. Moi, je chevaucherai pas, mais je vais rester ici prendre du bon temps. » Ils vont au lit, et à l'aube, eh ben, ils sonnent le cor et ils partent ensemble. Enfin, ils partent... le roi envoie son chasseur avec pour le surveiller. Voilà. Il y a toujours aussi le fait que le roi envoie quelqu'un. Mm-hmm. C'est marrant, et chaque fois, c'est un... Je me demande s'il faut y voir un côté un peu sociologique. C'est qu'eux qui va tester... les prouesses guerrières chevaleresques, c'est un ménestrel qui va tester l'hospitalité, et là c'est un chasseur, on revient au tout début, mais qui va tester le côté, l'aspect un peu plus justement la jalousie, le côté charnel. Alors j'ai essayé de faire une tripartition fonctionnelle avec mes îles, j'ai pas réussi, hein, mais il y a sûrement quelque chose. Mais c'est quand même marrant, quoi. C'est le chasseur qui va servir à tester. Bon, après il y a deux personnes, parce qu'il y a non seulement le chasseur qui va devoir accompagner du coup Baudouin, aussi une façon, parce que Baudouin n'a pas fait l'épreuve de la chasse, il n'était pas c'est celui qui s'est un peu retourné du danger au moment où il y avait la chasse dans la première partie. Donc là, il y a une certaine logique. Est-ce que quelque part, Arthur rappelle le chasseur qui était avec lui pour le sanglier au début, pour aller s'assurer en tout cas que Baudouin reste dehors et revienne dès l'aube, en fait. Parce que là, c'est même pas... Ils sont aux premières lueurs, mais il y a encore l'aube qui va arriver. Donc l'idée, c'est pas que Baudouin aille trop loin, trop longtemps, et qu'il puisse revenir assez vite pour que ce soit encore techniquement la nuit, ou que les gens soient encore au lit quand il revient. Même s'ils n'ont pas attrapé de venaison. Ouais, puis il met en scène le piège, et ensuite, il fait venir à lui un de ses chevaliers, il va à la chambre où il y a la femme de Baudouin qui se trouve avec ses dames, et elles étaient en fait au lit, parce que voilà, c'est la nuit. Il est encore très tôt, c'est la nuit. Le roi, il frappe et il dit « Ouvrez ». La dame, elle demande pourquoi. Il dit « Je suis venu ici en secret pour m'amuser en douce ». Et puis elle dit « Non, mais vous avez votre propre reine pour batifoler. Et puis moi, j'ai mon seigneur. Est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ce genre de choses ?» en ce qui me concerne, vous m'approcherez pas, vous porterez pas la main sur moi si je peux l'empêcher. Donc elle défend son honneur. Et puis le roi dit bon, au nom de Dieu, il ne vous arrivera rien donc que vous ne vouliez pas. Et donc on insiste beaucoup sur ce poème, justement sur la Baudouin aussi va le faire, sur la volonté des femmes, en fait, sur bon l'idée du consentement quand même. Et alors il y a une demoiselle qui se lève, qui laisse entrer le roi. Il s'assied au pied du lit et il dit bon. La combine, c'est ça, madame. Mon chevalier va dormir avec vous cette nuit. Mais c'est en tout bien, tout honneur. C'est juste pour faire. On fait une espèce de. C'est juste, on est en train de faire une blague pour semer un peu la. Pas la zizanie, mais pour. Voilà, on est en train de faire une blague pour s'amuser un peu. Et il dit au chevalier de se dévêtir, de se mettre dans le lit. Alors le chevalier, il le fait. Alors la dame, elle a un peu peur d'avoir un homme tout nu dans son lit. Puis il dit, bon, allonge-toi contre cette dame, mais ne la touche pas, car si tu le fais, tu seras mis à mort. Et il dit, n'aie pas non plus l'audace de remuer ou de te tourner vers elle. Donc probablement de dire, de la toucher, de lui faire des avances et tout. Et donc l'autre, il dit, non, sire, car il avait bien peur. Donc il y a un chevalier tout nu, un peu terrifié dans le lit. Et... le roi fait demander un échiquier pour jouer aux échecs. Enfin, checker, j'imagine que c'est un échiquier. Je ne sais pas si ce serait aussi pour d'autres types de jeux, pour jouer aux dames ou d'autres types de backgammon ou autres. Mais en tout cas, il serait joue des avec... tables ou bien... Il y aura un autre mot pour le backgammon, je pense, ou c'est le trick-track, ouais. Quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est effectivement soit un échiquier, soit des dames. En tout cas, c'est un plateau de jeu. Mais voilà, il reste avec des torches allumées, des lampes la journée, enfin pas la journée, mais dans la lumière. Et il joue comme ça avec le chevalier qui, bien sûr, n'était, on nous dit, n'était pas assez hardi pour cacher une seule fois sa tête. Alors je sais pas si c'est, peut-être que c'est pour Anne, c'est se cacher dans les couvertures ou c'est, ce serait pour essayer de fricoter avec la dame. Mais en tout cas, voilà, à l'aube, Baudouin revient avec des daims et des cerfs de prix de la belle venaison. Donc on voit encore une fois la valeur de Baudouin, parce que Arthur a bien précisé que si on ne trouve pas, finalement, ce n'est pas grave, et que la chasse, elle a été interrompue peut-être plus tôt que prévu, s'il fallait le faire, mais que Baudouin, il est tellement fort que ça ne lui pose pas de problème et qu'il ramène une belle cargaison. Et il trouve le roi en train de jouer aux échecs, puis il dit, bah, vous savez quoi, il y a un de mes chevaliers, je ne sais pas ce qu'il était devenu, et je l'ai trouvé ici, alors je leur ai ordonné de rester comme ça pour que tu me dises ce que je dois faire d'eux, parce qu'il était en train de, voilà, de, dans le lit de ta femme. Donc on va voir ce que tu fais. Puis alors, si tu le prenais mal, moi ça me semblerait normal et tout, et est-ce que tu es en colère et tout? Puis alors il dit non, sire, sans mentir, voilà, je vous souhaite, je souhaite aucun mal à madame non plus, et je veux dire pourquoi. Car elle l'a fait de son propre chef, it was at her own will, donc c'était à sa propre volonté, et dans le cas contraire, personne n'aurait osé l'approcher. Donc il a cette idée de, si elle n'avait pas voulu accepter ce chevalier dans son lit, puis qu'en fait on était dans une situation de viol, eh ben, ce serait pas, personne n'aurait osé la violer, donc ça veut dire qu'elle a voulu le faire, et donc finalement c'est pas très grave. Ouais, elle aurait résisté au péril de sa vie, ou quelque chose comme ça, faut sous-entendre, je pense, mm-hmm. aussi. On aurait eu des traces de combat. Ce serait pas pacifiquement, il serait pas pacifiquement dans son lit comme ça, quoi. Elle aurait pas été séduite, entre guillemets. Elle aurait pas été séduite, ou alors l'idée que le chevalier, si elle l'a pas voulu, le chevalier aurait pas osé, quoi. Ce qui est vrai d'ailleurs, le chevalier manifestement aurait pas été là s'il avait pu. Et il dit, ben, je serais. Si je le prends mal, j'en conserverais beaucoup de peine, parce qu'on a été ensemble de nombreux hivers. Et elle m'a jamais fait un truc comme ça. Elle m'a jamais lésé. Et chaque péché doit être examiné et rétribué. Puis il dit, mais puis alors le roi demande, mais pourquoi t'es pas énervé? Et il dit, bon ben, si vous restez là, je vais vous expliquer. Et il raconte trois histoires, plus ou moins liées, qui sont des espèces d'exemplaires moraux qui existent par ailleurs pour certains. Hein, c'est des thèmes, c'est des petites historiettes avec une morale qu'on retrouve par ailleurs. Et on a un peu l'impression qu'on nous a glissé trois histoires qui sont pas tout à fait liées à la morale qu'on veut nous faire passer, mais qui colle plus ou moins. Donc il dit, bon, il y a une histoire qui ressemble à la, c'est quoi, la Pardoner's Tale de ouais, Chaucer. Alors, là, c'est ce que dit Anne, mais j'avoue que le seul point commun de ça et le Pardoner's Tale, c'est qu'il y a deux personnes qui conspirent pour tuer une troisième. Oui, c'est ça, la Pardoner's Tale, c'est les trois qui ont un trésor et ouais, qui s'entretuent. Qui part, parce, voilà, et puis ouais. Les deux convainquent de tuer l'autre. C'est juste deux personnes qui se mettent d'accord pour en tuer une troisième. Je suis pas sûr je verrais ça à un analogue, parce que l'histoire est quand même plus spécifique ici. Oui, mais en fait, il raconte une histoire qui se passe au temps, et alors il y a une phrase un peu ambiguë, parce que la phrase en anglais, c'est It befell in your father Time, that was the king of Constantine. Alors on pourrait croire, littéralement, ça dirait il arriva au temps de votre père qui était roi, ou que le roi de Constantine. Et Anne glose, et je pense que c'est quand même plus correct de voir, parce que Constantine, c'est le nom du grand-père d'Arthur. C'est le père d'Uther chez Geoffrey. Donc, on peut soit comprendre qu'il arriva au temps de votre père, où votre père était vivant, que le roi Constantin, son père, ou alors que au temps de votre, dans ce cas, father, il faut le lire comme grand-père, ancêtre, antécédent, qui était le roi Constantin. Ou, et là, il y aurait eu un problème scribal, ou que quelqu'un, peut-être un scribe, aurait compris. Alors, je ne sais pas si c'est The King of Constantine, le qui était le roi du nom de Constantine, ou alors un off qui a été rajouté pour signaler, ah, c'est le roi de Constantinople, parce que le scribe connaît pas Constantin ou Constantine, le père de d'Uther, peut-être. Mais il faut comprendre ça comme le fait que, si on lit comme ça, que a priori c'est des troupes, c'est que le un des antécédents d'Arthur avec qui Baudouin a servi, parce que Baudouin est quand même présenté comme étant plus âgé, une génération au-dessus, ce qui serait assez logique du coup, bah, il faisait partie de cette armée que Constantin a envoyée en Espagne, et on a un motif aussi arthurien quelque part là-dedans d'aller faire la guerre sur le continent pour faire la guerre contre un Saoudan, donc un sultan en fait. Oui, ça, on avait déjà, vous rappelez, chez Jeffrey, il y avait déjà l'idée que, en fait, l'Espagne était musulmane avant même. Enfin, il y avait cette idée. Et effectivement, il avait un poste dans cette entreprise guerrière. Il devait garder un château. Et il avait un château, il y avait 500 hommes. Mais par contre, il n'y avait pas plus de 3 femmes qui les servaient. Une qui était très belle et les deux autres... les deux autres, par contre, qui se mettent d'accord en gros et qui sont jalouses de la plus belle, et elles décident de la tuer, elles la jettent dans un puits à cause de toutes les louanges qu'elle aurait reçues. Les deux, ils menacent d'exécuter les deux qui restent. Et une des deux dit épargnez nos vies et on sera à votre service aussi bien que quand nous étions 3. Aucun d'entre vous en privé ne manquera d'une épouse. Donc il y a l'idée que ces 3 femmes, en fait, elles servaient en fait sexuellement les 500 hommes. Et effectivement, il dit elles se sont bien tenues à ce qu'elles avaient promis. Donc la journée elles les servaient et elles livraient leur corps la nuit sans aucune résistance. Et donc elles couchent avec elles deux avec 500 hommes. Et puis une des deux en vient à envier l'autre, et puis elle a tué aussi. Et de nouveau, il se dit, bon, cette fois-ci, je vais tuer. Puis il dit, non, je vais aussi réussir à tous vous servir. Et elle réussit à coucher avec tout le monde, avec les 500 hommes. Alors, on ne comprend pas tout à fait le sens de l'histoire. Donc, comme le point commun avec la part d'un hostel, c'est l'idée de, voilà, deux personnes qui se liguent contre une troisième, puis après, la deuxième qui se ligue contre la dernière. Non, justement, dans le part d'un hostel, elles ne se liguent pas contre la troisième. Elles sont les dernières ne se liguent pas l'une contre l'autre. Et elles s'allient contre la troisième et elles meurent empoisonnées. Parce que vraiment, elles sont. C'est pas qu'ils s'empoisonnent mutuellement, c'est juste que je crois que je sais plus exactement, mais je crois que le troisième devait aller les aider, ou il y avait un truc comme ça. Enfin, ouais, le seul point commun, c'est l'idée de trahison qui finit par se retourner contre eux. Ouais, l'idée est que, en fait, il y a une espèce de gradation maléfique là-dedans, en fait, que qu'une bonne femme, elle peut aller mieux, mais qu'une femme qui est à des tendances maléfiques, elle va continuer à faire du mal, en fait. Donc c'est même un repentir va pas s'arrêter quelque part. Donc il explique justement, il dit j'avais compris que les femmes au cœur tempéré, mild, qui se dévouent au bien peuvent grandement s'améliorer, mais celles qui se vouent au mal vont au bout de leur désir fou d'être hackées. Je vous le dis bien et en toute certitude, aucun amour ne peut vivre en elles. Gardez-les soumises et douces à leur repas et dans la prospérité sans menace, la joie régnera partout. Pour cela, je ne serai jamais jaloux, peu importe ce que je vois ou quelques femmes de belle apparence. Toute chose terrestre a une fin. Et c'est... En fait, il a une vision un peu... j'ai pas envie de dire déprimée, mais il a cette idée que... Oh bon, y a des femmes méchantes, il y a des femmes gentilles, donc bon, au final, les femmes méchantes seront méchantes, les femmes gentilles seront gentilles. Est-ce que ça vaut la peine de s'énerver pour ça? Il y a un peu un côté fataliste, en fait, de dire... Si elle m'a trompé, j'espère qu'elle n'est pas trop méchante. Et si elle est méchante, finalement, je peux rien y faire non plus. Et puis finalement, on va tous mourir. Donc bon, voilà. Non, mais il y a aussi un côté, je pense que l'idée, comme de ce qu'il a dit sur sa femme, qui lui a fait ses preuves qu'elle était bonne, ouais. C'est que il y a un peu ce côté de one strike and you're out. Si elle lui avait donné l'impression qu'elle allait faire quelque chose de maléfique, elle aurait continué dedans. Mais c'est un peu, c'est vrai qu'on voit pas l'autre tendance. Mais qu'une femme qui ne fait jamais rien de mal, elle fera jamais rien de mal quelque part. Il y a une espèce de no true Scotsman là-dedans. Mais l'idée, je pense que c'est les femmes sont soit elles sont maléfiques et donc j'en aurais pas fait ma femme. Et là, ma femme, par contre, elle m'a jamais. Il n'y a pas une trahison comme ça. Elle a toujours des précédents ou des. Il y a peut-être l'idée là-dedans aussi que c'est ça, quoi. Et que du coup, c'est pas parce qu'une femme est belle que. Qu'elle est nécessairement bonne ou moins bonne, mais voilà, je sais pas, il y a un côté, disons, il y a sans doute une logique interne qui nous échappe un petit peu là-dedans aussi, il faut bien dire, mais ça reste, comme tu dis, c'est probablement un exemple là qui vient d'ailleurs et qui a été un peu inséré là-dedans de façon plus ou moins habile pour expliquer le propos qu'on voulait tenir, quoi. Mais il y a clairement un fond misogyne, là, c'est clair. Les deux suivants, misogyne et en même temps, il y a justement l'idée de... Enfin, il y a quand même une insistance beaucoup sur le consentement de la femme et la volonté de la femme, où il dit, finalement, si elle a voulu le faire, c'est pas grave, ou je peux pas lui en vouloir, parce que voilà, qui est intéressante aussi. Deux autres exemples... Non, mais il pourrait lui en vouloir si elle avait pas été, justement, of mild mold, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté... parce que le truc qui sous-entend, c'est qu'en fait, il aurait pas dû laisser la chance à la femme maléfique de causer plus de mal, en fait. Mais bon, quelque part, il l'aurait tué les deux, le résultat aurait été le même. Et oui, c'est vrai, mais... Arthur demande, ok, d'accord, pour la jalousie, je comprends, tu sembles t'en tenir à ton vœu, mais pourquoi tu craignais pas de mourir et pourquoi tu ne craignais pas de donner ta nourriture. Tes portes sont toujours... Enfin voilà, il dit, voilà, t'accueilles tout le monde et tu donnes à tout le monde. Puis il dit, bah, c'est toujours dans ce château où j'étais. On était assiégés. Alors ça, c'est un motif très classique. Enfin, classique. On attendait une sortie et il y a un trouillard qui s'est planqué dans un tonneau. Mais il y a des engins de siège qui ont balancé un projectile qui a fait éclater le tonneau et qui lui a fait éclater, lui, en 6 ou 7 morceaux. Et son cœur qui était si faux et sa tête a été projetée entièrement dans les airs, et nous on est rentré des combats sans blessure. Donc c'est un peu de dire, bah en fait ce type il pensait se préserver en étant trouillard et en se planquant dans un tonneau, puis finalement il s'est pris une pierre alors que nous qui avons tenté l'aventure de sortir, il nous est rien arrivé. Un peu l'idée de dire, bah de nouveau une perspective. Le proto-calvinisme en fait. Bah, une perspective fataliste de dire, bah finalement être prudent ça sert à rien parce que ça peut te tomber dessus quand même, donc il faut faire les choses et voilà. Et je me suis dit, bah finalement on est bien peu de choses, ça vaut pas la peine de s'inquiéter de la mort, il faut l'accueillir comme chacun meurt à son heure. Et puis voilà, donc de nouveau il y a peut-être de nouveau ce qui relie ces trois réactions, c'est une sorte de fatalisme religieux aussi. Et puis il dit bon d'accord, mais pour la nourriture pourquoi être généreux à ce point. Puis il dit, bah ça doit manquer à personne. Quand, puis il dit, bah, vous savez, quand on était dans ce siège, on n'avait pas de nourriture, et il y a un messager qui est venu, qui nous demandait de remettre la place, et je l'ai fait attendre jusqu'au repas de midi pour le faire venir. Et ensuite, ça c'est un motif assez classique pendant le siège, on a sorti toute la bouffe qu'on avait pour faire un festin, même si c'était la dernière bouffe qu'on avait. Et du coup, le messager, il voit ça et il rentre auprès des assiégeants et il dit, bah, en fait, le siège, il dure depuis tellement longtemps, mais ils ont encore énormément de bouffe, ils font bombance à l'intérieur, et donc on va jamais réussir à venir à bout de leur réserve de bouffe. Et donc, c'est pas la peine, et il lève le siège. Et donc, il y a cette idée que on a sorti toute la nourriture qu'on avait pour les impressionner et ça nous a sauvés, donc ça vaut pas la peine de rechigner. Parce que, alors, c'est pas tout, ça s'applique pas tout à fait, mais il dit, voilà, c'est un cas où la nourriture qu'on a donnée au messager nous a sauvés, nous a guéris, donc bah, depuis lors, je me suis dit que j'allais jamais retenir ma nourriture. Et donc, il y a cette idée dans les trois cas, de en fait, où Baudouin, il est dans les trois cas dispendieux, généreux, enfin, il refuse de se laisser aller à l'inquiétude, à l'anxiété, à la crispation et à retenir... ces choses, et dans les trois cas il donne des justifications qui sont pas tout à fait alignées avec ce qu'il dit, mais on voit peut-être ce point commun de dire, bah si on a de la nourriture il faut la donner, parce que finalement, bah comme il l'a dit deux fois, on sait pas exactement, on sait pas quand on mourra, on est bien peu de choses, les choses terrestres ont une fin, donc autant être du côté de la largesse. Et c'est là que le poème finit gentiment. Le roi dit, bah effectivement, on a vu que tu as été à la hauteur de tes vœux et que tes vœux étaient profitable, ils étaient profitables. Et ainsi, on garde la table ronde, on garde de mémoire la table ronde et tout le monde se réjouit. Et le roi dit aussi à Baudouin, et aussi ta femme, c'est une femme de valeur, elle a beaucoup d'amour, etc. Donc garde-la bien parce que elle, c'est une gentille femme. Et ça se termine sur la même bénédiction qui avait ouvert le poème. Enfin, plutôt dans le sens inverse, en fait, que celui qui nous a fait sur le Made on the Mold, donc celui qui nous a fait sur le tour du petit, un peu comme un petit, en fait, aussi. Mm-hmm. Le mold, c'est la terre, mais c'est aussi le moule, enfin, il y a un sens aussi. La tour, oui. D'artisanat. De nouveau, hein, on parle peut-être à un public qui a plus d'expérience avec la vie commerciale de l'époque. Il nous donne une bonne fin, comme on a donné une bonne fin à ce poème, en fait. Il y a un côté un peu de clôture comme ça aussi. Alors que le premier commençait sur la création du firmament et la création du monde, là, on nous parle de nous donner une bonne fin à la fin du poème. Et on finit bien sûr par Amen. Exactement. Effectivement, donc un récit assez didactique. Ça m'a rappelé un peu. Alors, c'est pas directement. Il y a d'autres récits qui sont plus dans cette veine-là, mais en termes de récits courts, ça peut faire penser à des récits français comme Le Chevalier aux deux épées ou Rimbaud, qui sont ces récits plutôt, ces romans courts qu'on a peut-être un peu moins, dont on a peut-être un peu moins parlé, à part quelques exceptions. Mais la plupart des récits anglais sont dans ce moule-là, quoi, avec 1200 vers. C'est pas énorme, ça se lit assez vite. Vous n'allez pas en faire des heures et des heures de lecture, mais c'est déjà assez riche et assez intéressant à étudier, surtout on regarde les uns des autres, quoi. C'est des récits qu'on va vite se mettre à comparer et à disséquer parce qu'il y a beaucoup d'échanges et de parallèles. Avowing est intéressant parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on va aussi retrouver ailleurs, là, que ce soit la chasse, que ce soit les réceptions, que ce soit les combats. C'est des motifs évidemment qui sont très courants partout, mais là, en l'occurrence, même les lieux sont repris ailleurs, notamment dans Adventures, par exemple. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est intéressant, justement, ce côté inhabituel de Baudouin, ce côté des vœux moraux et aussi, bah, justement, la relation, cette relation aux femmes et à la tromperie des femmes qui est quand même plus subtile qu'on pourrait penser. Alors, peut-être trop subtile, c'est peut-être justement ça le problème, c'est qu'en fait, on se retrouve avec un poème assemblé où on ne sait pas exactement si c'est la conclusion, si on comprend tout à fait la morale de l'histoire. Quoi. C'est une histoire qui se veut très morale et en même temps qui n'est pas tout à fait alignée avec elle-même. Oui, cette question de la pourquoi il n'est pas plus décontenancé que ça et son poème qui l'explique pas parfaitement, c'est aussi clair qu'il y a peut-être un raisonnement qui nous échappe et qui n'est pas qui aurait été naturel pour un lecteur du 14e ou du 15e siècle. Mais je pense qu'il y a aussi le comme tu disais, la confusion à propos de l'exemple qui n'est pas forcément idéal pour tenir son propos et le fait que les sous-entendus sont tout simplement pas les mêmes que nous on aurait. Donc il y a sans doute un peu des deux. Mais je pense que ça s'applique aussi aux deux autres. Hein. Je veux dire, le fait de ne pas craindre la mort, bon, c'est un argument, ça ne plus. Chacun son heure, ça c'est assez classique, mais surtout pour l'élément du fait de devoir. De faire bombance. Enfin, je veux dire, c'est un cas assez particulier quand même, le fait que tu aies besoin de faire bombance pour essayer de démontrer que tu n'allais pas te laisser abattre et que tu avais encore plein de réserves, c'est plus un pari militaire. Je suis pas sûr que ce soit une grande pertinence quand il s'agit de recevoir tes vassaux ou tes obliges, mais peut-être qu'il faut voir ça dans le sens où ça assure mon statut, le fait que tout le monde sait qu'ils pourront trouver une table ouverte chez moi, même si je ne suis pas en péril aussi immédiat que quand j'étais assiégé dans ce château en Espagne, quoi. Oui, et puis il y a ce qu'il disait avant aussi, Dieu a une bonne charrue, donc il y a le côté c'est Dieu qui donne, et puis nous on fait que transmettre. Après ça, c'est quelque chose qu'il le dit sur le moment, qui n'est pas présenté dans son exemple-là. Donc c'est aussi ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a à la fois un moment où il présente les... En tout cas, pour le faut aussi peut-être regarder les explications qu'il donne dans le narratif, en tout cas pour les deux premiers, parce qu'il explique immédiatement pour le fait qu'il n'ait pas été jaloux de sa femme. Mais enfin, il y a une légère différence entre ce qu'il dit... Enfin, quoique, dans les trois cas, il y a une explication première, donc l'explication qui n'est pas une explication à Arthur, quand il dit « Oh, il s'est rien passé ». Sous-entendu, ça vaut pas la peine d'être mentionné le fait que j'ai été attaqué par 6 gars et que je les ai tous battus. Sous-entendu parce que c'est mon destin, quelque part. Le rire qu'il fait Arthur en disant « Ah, Dieu a une bonne charrue, je peux donner à tout le monde, donc je le fais. » Et après, « Ah, c'est sa propre volonté, voilà, si elle avait pas voulu, ça serait pas passé. » Sous-entendu, et après, je pense que c'est ça qui m'incite à penser que faut peut-être lire ça. Alors, il y a des gens qui voient ça comme une lecture... Anne voit ça comme une lecture un peu misogyne, enfin... même carrément misogyne là-dedans. Je suis pas... Alors, c'est clair qu'il y a une version très, très négative d'une partie de la gente féminine. Maintenant, je pense que dans son cas, ce qu'il dit sur la punition qui doit attendre les pêcheurs, la punition stricte, ça m'incite à penser que, sous-entendu, il l'aurait questionné, il lui aurait demandé, elle aurait admis, et il l'aurait puni à sa juste mesure, mais après coup, pas sur le moment, quoi. Ce qui reflète aussi l'attitude qu'il a... Peut-être qu'il y a aussi l'idée, les femmes qui ont un tempérament modéré, puis il dit, elle m'a jamais posé de problème, elle a un tempérament modéré, donc elle a fait ses preuves, et donc ça ne servirait à rien de la punir comme une vile pécheresse irrécupérable, parce que je sais qu'elle ne l'est pas, et qu'il faut, et que dans ce cas-là, une femme qui s'est bien comportée, il faut la traiter avec douceur, et pas la punir. Il y a peut-être aussi cette idée-là qui réunit les deux de choses qu'il dit en même temps. En général, c'est ça, cette attitude de modération, et surtout... par opposition à ce qui se passe, par exemple, avec Que, c'est aussi le truc, c'est que, alors Que, effectivement, en l'occurrence, il voit une dame qui est en train de pleurer, il a raison, hein, il se trouve que le type lui dit, j'ai tué et battu ses compagnons et je l'ai prise avec moi comme prix, c'est pas super sympa, mais ça reflète une attitude de chevalier, et c'est ça que Han suggère dans son introduction, c'est qu'il faut voir là-dedans peut-être la pratique des chevaliers de fiction qui est violente, qui est brutale, qui va avoir des conséquences graves, il y a des gens qui vont mourir, qui vont être blessés, des personnes qui vont être victimes collatérales, par opposition à une attitude chevaleresque, disons, plus urbaine, au sens à la fois urbaine, sophistiquée, mais aussi appropriée à une vie en société plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut être, disons, de bonne foi. Il faut être généreux plutôt que généreux au premier abord, plutôt que méfiant. Il faut donner une chance aux gens de s'expliquer. Alors après, ça s'explique pas forcément spécialement pour le côté courageux du... Ouais, il faut juste faire tout son mieux et ne pas avoir peur de se faire battre. Mais il y a un côté vraiment de... Il y a le bon chevalier, ils vont à chevalier, ils foncent. Le mauvais chevalier, ils vont à chevalier, ils foncent, mais il se fait battre. Il y a peut-être un peu de ça, quoi. Ou si tu reprends, comme je disais, l'éthique bourgeoise, je pense que c'est un peu une surinterprétation de dire, voilà, Baudouin, c'est la subjectivité bourgeoise, mais tu as cette idée de Schopenhauer sur la question de l'honneur, et où il dit l'honneur chevaleresque, c'est une vision de bandit de grand chemin. C'est tu es le plus fort parce que tu bats quelqu'un, et Schopenhauer, il dit le seul honneur qui vaut, c'est l'honneur bourgeois, parce que c'est l'honneur de quelqu'un qui participe à des institutions, à des échanges marchands, avec d'autres gens, et qui se crée son honneur en créant des relations. Je pense pas qu'il faut nécessairement y voir. Mais c'est une lecture qu'on peut faire en forçant le trait. Mais même dans la lecture que suggère Han, je ne suis pas sûr que ce soit une lecture en disant « Ah non, c'est juste la subjectivité bourgeoise ». Je pense que ça séduit un public bourgeois parce que ça reflète une aspiration qui est déjà plus réaliste par rapport à leur vie quotidienne. Et c'est peut-être justement ça qui a fait une popularité bourgeoise pour un récit comme ça. Alors c'est très hypothétique parce qu'on a juste une source, il y a plein de témoignages. On a un seul manuscrit, quoi. Mais la figure de Baudouin marche aussi comme figure normale, attendue, pour un chevalier du 15e siècle ou du 14e siècle. C'est pas le chevalier moyen, il va pas aller se battre contre n'importe qui croise sur la route. Regardez le chevalier de Chaucer dans les contes de Canterbury, c'est clairement un type qui ressemble plus à Baudouin qu'à Quai ou qu'à Gauvin. Il y a vraiment ce côté, je pense, de Baudouin comme un portrait d'un chevalier de l'époque, disons, de l'écriture, de la production du roman, auquel à la fois un chevalier pourrait plus facilement s'identifier, même si, tu vois, même au-delà de la bourgeoisie, même un chevalier lambda qui dit ça, ah oui, Baudouin, il me ressemble plus, c'est pas plus mal. Je vais pas aller passer mon temps à me friter contre des gens, surtout en Angleterre. Bon, c'est un moment quand même assez... on n'est pas encore dans les guerres des Deux Roses, il n'y a pas encore de conflit armé civil trop important à cette époque-là. C'est une époque de relative, entre guillemets, paix. On est dans une espèce de pause dans la guerre de 100 ans. Il n'y a pas vraiment autant de conflits qu'il pourrait y en avoir tout au long du 15e siècle. Après, ça va devenir, c'est sûr, une époque un peu plus complexe, disons, pour la chevalerie britannique. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir ça nécessairement. Ouais, subjectivité bourgeoise, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui peut séduire un public plus universel que des récits de chevaliers violents, brutaux, qui peuvent être vraiment une aspiration que pour certains chevaliers. Et le bourgeois, tu lui dis, les bons chevaliers, ils font ça. Il dit, ouais, mais bon, moi, j'ai pas envie de me faire tuer par un bandit de grand chemin comme ça, quoi. Donc peut-être qu'il y a le côté, le portrait plus réaliste d'une chevalerie réelle, entre guillemets, est vu comme moins... C'est plus qu'il faut pas se battre pour aller libérer une femme, mais si t'es en route pour un repas d'affaires, là, par contre, tu dois te battre contre 6 personnes pour arriver à l'heure. Je sais pas. C'est effectivement, je pense pas qu'il faille y voir de la subjectivité, une production purement bourgeoise et purement littérale. Hein, ça c'est à peu près clair. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose d'assez un peu original. Après, on revient peut-être dans ce défaut qu'on a tendance à voir à peu près tous les récits arthuriens comme soit des parodies, soit des pastiches, soit des commentaires sur la chevalerie. C'est ce que tu pointais un peu. On a vite tendance à dire tel récit est nécessairement ironique et unique dans un parodie. Ouais. Non, c'est un paradigme qu'on retrouve souvent dans les récits arthuriens. Il y a un goût pour l'humour. Je pense que le fait que Baudouin rentre chez lui le soir pendant que les autres se battent dans la forêt, il y a quand même un contraste. J'imagine Baudouin dans un cartoon avec son petit bonnet pour dormir qui se met dans ses couvertures après avoir enlevé ses pantoufles pendant que Queue est en train de se faire péter la clavicule et qu'Arthur est en train de se faire tuer son cheval par un sanglier démoniaque. Il y a probablement un petit peu de comique, et que quand ils se disent bon, on va le mettre à l'épreuve, c'est aussi parce que tu as eu ce contraste entre les deux où ils se disent lui en fait il s'en tira bon compte. Enfin voilà, ça c'était pour Avowing of Arthur, un poème sympa du XIVe siècle. Alors, c'était ça pour The Avowings of Arthur. Et maintenant, on va passer à un poème qui a un titre assez proche dans l'ordre alphabétique aussi, assez facile de le confondre. The Awinters of Arthur. Parfois, on dit The Awinters of Arthur at the Tarnwathlen, la Tarnwadling, ce lieu qu'on a déjà vu ici. Un poème qui est un peu dans le même genre, mais disons avec une forme un peu différente. Ouais, alors là où Avowings était vraiment ce truc assez particulier en termes de cette structure un peu plus étrange qui impliquait un chevalier, disons, externe, on avait une structure aussi plus, disons, pas moderne, mais avec une forme versicale un peu plus... un peu moins ancienne et un peu moins traditionnellement anglaise. Là, pour le coup, à Winters of Arthur, on est dans un poème un peu plus... un roman un peu plus classique, en tout cas dans la littérature moyenne anglaise. C'est une aventure assez simple et avec une forme qui est, pour le coup, très proche de celle de Gauvin et le Chevalier Vert. On est dans du vers allitératif. Donc, alors, ça fait un peu... on l'avait déjà mentionné, je crois, quand on a parlé de Gauvin et le Chevalier Vert. C'est un peu... Quand on dit c'est plus traditionnel, c'est plus ancien... C'est un peu suspect comme genre de phrasé, parce que on pense tout de suite à Beowulf, à la poésie vieille anglaise, mais il n'y a pas forcément de lien direct de l'un à l'autre, en fait. Il faut dire que c'est pas archaïque, dans un, mais c'est vrai que ça c'est, fait... C'est plutôt archaïsant qu'archaïque, en fait. C'est délibérément, parce qu'il y a effectivement une tradition littérative qui a toujours persisté, mais aller jusqu'à dire que c'est une tradition plus ancienne que les poèmes en vers plus classiques au XIVe siècle, c'est peut-être un peu exagéré, parce que il y a entre Larman et puis ça une grosse, tu vois, chez Larman on peut dire bon ça c'est plus directement un résidu du vieil anglais, plus difficile de dire ça au XIVe siècle, mais c'est clair qu'il y a une aspiration archaïque là-dedans. La forme aussi de Avowings of Arthur, donc c'est des stanzas, des strophes assez longues qui contiennent 14 lignes, 14 vers, mais dont les 13 vers, pas 14. Les 9 premiers sont donc allitératifs, assez lourdement allitérés, même par rapport à Gauvin et le Chevalier Vert, je trouve que c'est très, très, très dense en termes d'allitération. Et après, il n'y a pas de. Donc vous vous souvenez, dans Gauvin et le Chevalier Vert, il y avait ce Bob and Wheels, cette espèce de deux mots qui font la jonction avec deux couplets finaux qui finissent la strophe d'une façon un peu, souvent avec un petit twist. Là, on n'a pas de Bob, ça va directement dans la wheel, la roue, et on a effectivement un quatrain, en gros, qui termine la 10e, 11e, 12e, 13e, mais qui reste sur le plan allitératif. Et il faut dire, c'est à la fois allitératif et c'est rimé aussi. Hein. Vous avez le double whammy, en gros, pour utiliser un terme technique. Et puis c'est la forme poétique est quand même beaucoup plus rigide que Avowings, plus classique. Mais du coup, c'est aussi, ça va beaucoup plus lentement. Non seulement le texte est plus court, il fait 700 vers à peu près, donc comparé à, je crois, quelque chose comme 1140 ou 1150 pour le Avowings. Mais en plus, ça avance plus lentement parce que le poème passe beaucoup plus de temps dans des descriptions et dans des formes, dans des aventures un peu plus périphériques. Et en fait, il se passe pas énormément de choses dans ce poème, mais vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que tu disais, on voit ces quatrains, on en parlera un peu, mais qui reprennent un peu le début de chaque strophe, reprend un peu la fin de cette wheel. Donc, par exemple, la première, on dit, Sir Gawain, Gayest on Grain, Dame Gaynor, he leads, Sir Gawain, le plus raffiné de tous, mène Dame Guenièvre. Et puis ça reprend et ensuite, après, ainsi, Sir Gawain, la gaie Guenièvre, il mène. Enfin, on a toujours cette espèce de. Ça crée un peu cette ritournelle, quoi, de ce rythme du poème. Mais comme tu l'as dit, beaucoup de descriptions. Description des vêtements, des armures, des personnages. Évidemment, tout le monde est le plus beau, la plus belle qu'on ait jamais vue, etc. Mais avec une... Comme tu dis, il ne se passe pas tant de choses que ça. Pour résumer très vite, et on va ensuite passer plus de temps dessus, il y a deux aventures dedans. La première, c'est la rencontre. Tu as dit que c'était une aventure assez classique, mais c'est en fait assez particulier quand même. C'est la rencontre d'un spectre. Oui, ça reste particulier. C'est plutôt formellement la structure des deux aventures. Mais c'est... on va rencontrer un spectre qui va mettre en garde Gauvin et Guenièvre et dire « Attention, mortel, vous vous amusez, vous profitez des plaisirs de la vie, mais il faut penser au salut de votre âme, et puis faire des trucs, penser un peu à la religion, au salut de votre âme. » Ce qui va les marquer, on apprend que ce fantôme, en fait, c'est la mère de Guenièvre, qui va se soucier un peu du salut de l'âme de sa mère, qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui apaiser ou lui atténuer les douleurs du purgatoire. Et la deuxième partie, c'est un cas un peu plus, c'est plus dur, on peut l'interpréter de différentes manières, mais c'est un chevalier qui se pointe à la cour en accusant Gauvin de lui avoir volé ses terres, Arthur et Gauvin de lui avoir volé des terres qui lui revenaient de droit, et va s'en suivre un duel avec Gauvin, On a quand même quelques parallèles avec Gauvin et le Chevalier Vert, parce qu'on a aussi quelqu'un qui vient à la cour qui veut se battre. Gauvin se propose, Arthur dit bon, c'est peut-être pas une très bonne idée que ce soit Gauvin, mais bon, ce sera quand même lui. Et ensuite s'ensuit un duel, et le duel est quand même à l'avantage de Gauvin, mais il fait quand même preuve de largesse. Alors, à nouveau, on aurait cette question de quel rapport entre les deux parties. On a une perspective qui est très critique, un peu du monde, enfin du siècle, quoi, du monde matériel et des plaisirs de la chevalerie, et même en fait de la chevalerie tout court. Il y a une réplique de Gauvin, on va en parler, mais qui est un peu en train de dire mais est-ce que les chevaliers, on serait pas les méchants finalement, vu qu'on est tout le temps en train de tuer des gens. Donc il y a une vision assez critique de, en fait, cette première moitié a une vision tellement critique de, enfin pas tellement, mais ouvertement critique de la chevalerie, puis ensuite un duel qui là par contre est joué, on va dire, au premier degré tout du long, qui fait qu'on peut se demander, bon, qu'est-ce qu'on est censé en tirer, quoi. En tout cas, c'est sûr que c'est plus, un peu plus compliqué dans la... Pour reprendre le parallèle avec Avowing, il y a une structure qui est... Alors, on peut se demander où il veut en venir, mais la structure est quand même très claire, quoi. Le contraste entre les vœux et les vœux triples des héros aventuriers, les vœux triples plutôt, disons, classiques de Baudouin. Enfin, il y a quand même une... Le propos semble quand même s'il n'est pas forcément très facile de discerner l'intention exacte de l'auteur, ou en tout cas de la morale exacte qu'il veut qu'on en tire, la structure narrative est assez clair. Là, c'est quand même un peu plus, effectivement, plus flou, mais il y a quand même, comme tu dis, c'est pas... Il y a une raison pour laquelle ce poème n'est pas aussi célébré que Gauvin le Chevalier Vert. Hein. Gauvin le Chevalier Vert, c'est une narration... Même si c'est très énigmatique sur ce qu'il veut nous dire, l'ensemble est parfaitement équilibré. Là, c'est quand même plus nébuleux, on est sur quelque chose d'un peu plus... un peu moins clair. Il y a peut-être la notion que c'est un truc, disons, voilà... plus premier degré en termes de bon, je vais vous faire une aventure chevaleresque, mais il faut que je vous fasse la mort à l'avant. C'est possible que ce soit quelque chose qui avait l'intention d'être plus long et qui ne l'est finalement pas. C'est possible. Alors ça, c'est difficile à dire. Par contre, ce qui est assez clair, c'est qu'on est sur aussi, comme pour Avowing, on est aussi sur de la littérature très écrite. C'est quelque chose de pas, c'est pas, on n'est pas du tout dans de l'oralité. Hein. C'est clairement été composé, c'est pas un poème au long cours qu'on a raccourci, allongé, que quelqu'un qui circulait pour être dit et appris par cœur. C'est clairement un poème écrit, structuré, avec une forme très très précise, très claire. Et du coup, ça peut éclairer aussi, je pense, l'intentionnalité derrière. C'est pas simplement un récit qui est là pour divertir, et il y a clairement une volonté pédagogique, je pense, là-dedans. Oui, on va juste dire un mot sur, sans trop s'apesantir, mais sur, on va dire, le texte, les manuscrits, les éditions. Là, il y a quand même 4 manuscrits qui posent pas mal de problèmes. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours ce problème, en particulier ici. Il y a des vers qui n'ont pas l'air de faire sens. Il y a certains manuscrits qui ont l'air de les avoir corrigés. Et le sens est peut-être plus satisfaisant, mais du coup, ils ne respectent pas toujours la métrique. Et donc, on peut se dire, bon, ça ne devait pas être l'original. Donc, la question, c'est quelles leçons vous gardez. Là, il peut y avoir un peu de débat. Et entre les différentes éditions et les différentes traductions, il y a des phrases qui peuvent changer du tout au tout, suivant ce qu'ils décident de garder dans la... Bon, ça, c'est évident, mais plus vous avez de manuscrits, parfois, ça ne vous facilite pas le travail, parce que vous ne pouvez pas juste dire « c'est énigmatique », vous devez faire un choix. Il y a quelques... comme pour Avowing, on vous a fait une espèce de traduction un peu expédiée en français, d'après l'édition de Thomas Hahn, qui est sur le site des Metz, toujours, et il existe, de celles que j'ai trouvées, en tout cas, 2 traductions anglaises que j'ai pu consulter. Il y en a une qui est une traduction strophique et rimée de Jesse Weston, qui essaie de garder le rythme du texte, qui est très littéral, parfois, au point où c'est un peu du... On va utiliser des mots qui sont étymologiquement liés aux mots utilisés plutôt que de restituer le sens, quitte à ce que ce soit un peu des faux amis, parfois j'ai l'impression, ou qu'au contraire on comprenne plus très bien ce qui se passe. Mais qui est donc Jesse Weston, c'est une traduction classique qui est très vieille, du coup, et il y en a aussi une autre de Nelson Hall dans The Knightly Tales of Sir Gawain de 1976 que j'ai regardé. Elle est en prose, du coup, elle abrège beaucoup de phrases, et j'ai l'impression, ça c'est peut-être pas un jugement définitif, mais que c'est surtout quand il y a des difficultés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me disais, oula, je suis pas très sûr de comment je vais traduire ça, j'allais voir ce qu'il fait, il a coupé la phrase. Ce qui est une solution, parce qu'il, voilà, il faut restituer le sens, et puis parfois, bon, c'est un vers fleuri sur 8, vous pouvez l'enlever, ça va pas vous changer le sens, quoi. Et parfois, il pose des problèmes un peu insolubles pour rester bref. Du point de vue des manuscrits, donc on l'a peut-être mentionné tout à l'heure, mais le manuscrit de Ava Wings, le Taylor, donc, qui se trouve actuellement à Princeton, contient à la fois Ava Wings et Aventures. C'est Aventures qui ouvre d'ailleurs le manuscrit. Et après, on a, entre les deux, il y a un Sir Amadas, qui est un roman aussi moyen anglais. C'est une traduction du Amadas et Idoine, qui est un roman du français du 12e, 13e siècle. Enfin, on est tout à fait dans le même style d'évolution. Amadas, je crois que c'est aussi, pour le coup, un poème plus classique en moyen anglais. C'est plutôt dans cette tradition des traductions du français. Mm-hmm. Et les autres manuscrits, alors il y a notamment un manuscrit intéressant, c'est le Thornton, celui qui est conservé à la bibliothèque de la cathédrale de Lincoln, parce qu'il contient notamment la Mort Arthur allitérative aussi. Plein d'autres romans. Alors c'est pas pour dire que c'est un manuscrit spécifiquement littératif, hein, mais il contient aussi une tradition littérative, pas mal de textes religieux. Donc voilà, c'est un manuscrit extrêmement vaste et qui n'est pas simplement. On peut pas le réduire à un manuscrit de roman ou un manuscrit de religieux. Donc il circule dans des conditions un peu, disons, assez variées. Le manuscrit qui est utilisé par Anne, c'est un manuscrit d'Oxford, donc qui est encore distinct. Il est aussi utilisé, pour moi, l'édition que j'ai lue, c'est l'édition aussi basée sur le 12. Je suis pas sûr, je sais pas si elle se base sur celle de Anne ou si elle est séparée, mais une édition qui se trouve dans un volume qui s'appelle Middle English Romances, qui est une édition critique Norton. Je suis plus sûr qu'il soit toujours sous presse, mais moi j'en ai une version assez ancienne. Mais les éditions Norton, c'est toujours une bonne idée si vous cherchez à lire des textes médiévaux, que vous voulez pas lire une traduction, mais que les textes, genre les Metz, c'est un peu l'équivalent des Metz, mais c'est plus lisible sur papier, je trouve, parce que les notes sont un peu mieux affinées, il y a plus de gloses, il y a plus de détails dedans. Et si vous cherchez un bon moyen de lire du moyen anglais sans trop vous fatiguer, sans avoir besoin de vous référer à des notes externes ou un dictionnaire, je trouve que c'est une bonne solution. Et en plus, il y a toujours un bon appareil critique, même s'il est un peu plus maigre que celui d'une édition comme celle des Metz. Donc c'est aussi une bonne piste. Middle English Romances, c'est l'édition éditée par Stephen Shepherd, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours imprimée, peut-être qu'elle l'est encore. Vous avez aussi plein de petits trucs. Si vous débutez en moyen anglais, c'est une bonne piste, parce qu'en plus vous avez peut-être quelques bases pour lire le moyen anglais, et puis vous avez des classiques genre Havelock, Sir Orfeo, des romans comme ça, Wedding of Sir Gawain qu'on va bientôt lire aussi sans doute, et puis d'autres, des commentaires, des sources françaises notamment. Donc c'est pas une mauvaise piste si vous voulez débuter en moyen anglais. Sur le dernier manuscrit que tu mentionnes, c'est peut-être d'ailleurs un des avantages, on va dire, marketing de Aventures of Arthur, c'est que du coup, comme il y a, à la fois c'est un roman chevaleresque, puis à la fois il y a le thème très religieux de la pénitence, etc., donc il peut se marier avec des textes plus religieux. Rapport au manuscrit Thornton, oui, voilà, il peut faire un peu double emploi, et donc il y a un petit peu un argument de vente de ce côté-là. Effectivement, et puis il semble en tout cas avoir été... Le texte semble avoir pas mal circulé dans un milieu manoral. Si on regarde le Thornton, c'est aussi un manuscrit de famille. C'est comme le manuscrit, le Taylor qu'on a mentionné, hein, qui est associé à Hale dans le Lancashire. On est dans des manuscrits qui, visiblement, étaient lus. C'était une histoire, c'est ce qu'on faisait dans votre bibliothèque familiale, quoi. Donc, ce qui a un côté un peu... la polyvalence du texte fait qu'il est acceptable aussi bien pour un public qui veut entendre un conte moral que... c'est quelqu'un qui aime bien lire un texte chevaleresque. C'est un peu l'équivalent du tent, le movie Tentpole, tu sais, comme ils disent dans les franchises modernes. Ouais. Pour que les parents, les enfants, tout le monde soit content. On a un côté un peu universel. Comme ça. Mais voilà, donc effectivement, une traduction littéraire un peu plus, enfin, manuscrit un peu plus compliqué, qui fait que c'est pas aussi simple de traduire et de trouver les. Mais d'un côté, ça nous éclaire un peu plus aussi. C'est pas plus mal. Ouais. Alors, on va commencer à vous parler un peu de l'histoire, du coup, qui commence avec ce ton très... On n'est pas dans un conte de fées, mais qui commence donc au temps d'Arthur, se produisit une aventure à la Tarnwathlen, comme le dit le livre. Donc, Arthur, il est à Carlisle, assez classique, une de ses cours traditionnelles, avec ses compagnons, et évidemment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils chassent. On nous précise, alors là il y a le vocabulaire un peu du gibier qui nous dit que c'est qu'on est un peu hors saison. Enfin, on va abattre des biches Et ils vont dans les bois, le roi, la reine et tous les braves avec eux. Et Gauvin accompagne Guenièvre. On nous décrit richement la Guenièvre qui a sa robe scintillante qui brille, brodée de riches revers, de rubans, et ornée de rubis, alignée dans un arrangement royal, un capuchon d'une teinte bleue. On dit souvent justement la « How did hear heed heeds ?» Who that hear it hid? Donc, qui peut entendre, enfin, qui entende et peut. Heed, ce serait quoi? Ce serait pas remarquer, mais soutenir. Heed, c'est plutôt. Bah, moi, pour moi, heed, c'est plutôt entendre aussi. Entendre, donc, ouais. C'est plutôt reconnaître, dans le sens prendre où. Prendre conscience de. Voilà. Ouais, voilà. Il y a un côté plus conscient. Hear, c'est simplement un bruit. Heed, c'est you heed the call. Mm-hmm. Entendre l'appel, c'est entendre au sens. Bah, au sens de l'entendement, en fait. Ouais. Peut-être un peu plus. Et dans ce sens-là, on en revient en français. Donc, c'est une de ces formules qui va revenir souvent du narrateur qui nous dit voilà ma description, mais entendre qui peut entendre. Avec de la fourrure, de riches étoffes, des pierres précieuses. Et puis, par exemple, un cas de traduction qui a posé un peu problème, c'est qu'on nous dit qu'elle a des sapphires and celadines. Sapphires, des saphirs, mais celadines, est-ce que c'est des chalcédoines, la pierre, ce qui collerait avec des saphirs? Mais il y a, j'ai trouvé un article de Postal qui pense que c'est plutôt un capuchon brodé de fleurs, en fait, de pavots des bois. Donc, bon, ça, on ne peut pas forcément trancher, même si ça me paraîtrait plus logique que ce soit des pierres aussi. Et puis, bon, des fois, il y a des passages un peu plus énigmatiques. Donc, bon, elle s'avance avec Gauvin et on nous dit « Ce chevalier sur son cheval reste avec la reine. » Et puis, on lui dit « That born was in Bourgogne », donc qui était né en Bourgogne. Alors, bon, Anne pense que ça fait référence au cheval de Gauvin, que ce serait un cheval bourguignon, parce que sinon, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. L'édition de Shepard mentionne l'idée que ce soit Gauvin qui soit associé avec la Bourgogne, mais c'est quelque chose qui me paraît bizarre, parce que moi, je n'ai jamais vraiment entendu ça. C'est un peu bizarre. Bah, il est censé faire une enfance à Rome. Alors, ça nous amène bien au sud, mais... Ouais, c'est un peu... On va un peu loin. Ce serait un peu étrange. Après, c'est une possibilité dans votre headcanon d'un Gauvin bourguignon. Vous pouvez piocher ici. La chasse continue un peu. Bon, on nous raconte quelques scènes, justement, de limiers, des gens d'Arthur, des sergents d'armes, etc., qui courent après les bêtes, jusqu'à ce que commence le moment qui va être l'intérêt vraiment du texte, la merveille qui a lieu. Et il dit, voilà, juste avant le milieu de la matinée, il advint une merveille, et cette grande merveille, je vais vous la raconter. Maintenant, je vais parler de cette merveille, si je le puis. Donc voilà, quand on vous disait qu'on avait tendance à insister. On a six paragraphes, on a six strophes hein, avant d'arriver à la début de la merveille. On passe six strophes à décrire vraiment le bois, les actions des chasseurs, les habits de Guenièvre et Gauvin. C'est vraiment très lent, en fait, comme avancer dans le récit. Et là, la Will qui conclut cette sixième strophe nous dit que le jour tourna aussi sombre que s'il avait été minuit, obscurci, ainsi le roi fut troublé et descendit, il met pied à terre. Et donc, les chevaliers sont troublés, ils fuient à travers la forêt, enfin voilà, il fait nuit subitement, on ne sait pas trop. Ils sont frappés par la grêle ou la neige, donc il y a une espèce de giboulée assez terrible, ce qui colle assez bien avec le temps ces jours-ci, en tout cas où je suis. Oui. Et là, il y a un feu qui apparaît sur le lac, et sous l'apparence de Lucifer, le plus haï de l'enfer, et qui glisse vers Sir Gauvin pour lui bloquer le passage, hurlant et gémissant avec de nombreux cris forts, le spectre hurle et gémit avec des lamentations déchirantes. Donc il y a une espèce de fantôme qui apparaît, enfin la nuit se fait alors qu'on est au milieu de la matinée, un fantôme qui apparaît dans les flammes avec une apparence démoniaque, et qui soupire terriblement en disant « Je maudis le corps qui me porta », enfin qui me porta dans le sens de la grossesse, quoi, qui m'a enfanté. Maintenant, mon souci, mes peines sont ravivées, je désespère et je gémis. Guenièvre, qui d'ailleurs, je crois on l'a dit, s'appelle, à ce stade de l'anglais, s'appelle Gaynor, s'inquiète et demande à Gauvin « What is thy good read ?» Donc, quel est ton bon conseil ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et j'aime beaucoup la réponse de Gauvin, qui dit « Pas d'inquiétude, c'est une éclipse du soleil, j'ai entendu un clerc en parler. » C'est vraiment genre « Ah ouais, c'est un phénomène météorologique, il y a un démon qui apparaît sur le lac, etc. » Puis non, mais c'est une éclipse, faut pas s'inquiéter comme ça. Et il réconforte la reine par sa chevalerie, alors peut-être qu'il est simplement en train d'essayer de se rassurer. Et Guenièvre se plaint que Sir Cador, Sir Clegis, Sir Costardine et Sir Kay... Alors, Cador, Cligès, ok, Sir Kay, que on le connaît. Costardine, Constantin, le neveu, je ne suis pas sûr. Qui ah, c'est possible. Moi, ça me fait penser à Costard, qui est un personnage de clown chez Shakespeare, donc j'ai juste pensé à ça. Costard. Mais effectivement, ça, c'est ce que suggère Han, c'est le... Costardine, ce serait Constantine. Bah, ouais, ça paraît le plus logique, mais... Ouais. Le... Il y a un truc particulier, c'est que, on va en reparler, hein, mais le nom Constantin, en plus d'être associé à des successeurs ou prédécesseurs d'Arthur, hein, on l'avait déjà mentionné la dernière fois, enfin dans le, pardon, dans l'épisode précédent, enfin non, on l'avait déjà mentionné dans le, pour parler d'Avo Wings, mais il y a aussi une tradition de roi d'Écosse qui s'appelle Constantin, et on est dans un, on va le voir un peu après, on est dans un terreau quand même très proche de l'Écosse dans le récit. Et puis bien sûr, on vous l'a dit, c'est un poème très allitératif, donc forcément c'est Cador, Clegis, Costardine, Case, parce que c'est des noms en que, quoi, qui sont récités ici. Et ces chevaliers, bah, ils sont peu courtois de m'avoir abandonné avec ce fantôme, quoi, c'est quand même, on s'attendrait à ce qu'ils me défendent. Gauvin dit, bon... d'ailleurs, il dit du fantôme, of the ghost, quote the groom, grave you no more. Donc, du fantôme, ne vous inquiétez plus. Antoine est peut-être. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser pour ma prononciation du moyen anglais, ce sera probablement très faux. Mais c'est un des problèmes de traduire ce texte. C'est par exemple, là, Gauvin est désigné par un groom, donc ce qui a donné en. Groom, en, ouais, en c'est groom, un mot pour en, homme. Pour un homme, aujourd'hui, ce serait le jeune, marié, etc. Mais c'est souvent groom, freke, enfin, il y a. C'est tous des termes que vous pouvez traduire, bah, l'homme, le guerrier, le chevalier, mais de façon un peu... c'est dur de rendre cette variété, quoi. Bah, l'idée, c'est d'avoir des options, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette variété de termes, parce qu'il faut avoir la possibilité d'utiliser ces termes communs, enfin, un mot commun comme « dit-il » ou « voilà ». Alors, ils ne vont pas satisfaire de ça, « dit la personne », mais vous avez besoin d'une variante pour qu'on vous allitérer en G, en K, en F, voilà. Il interjecte. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que Gauvin lui-même, c'est une personnalité, c'est une personne qui est idéale pour la poésie littérative parce qu'on peut l'écrire Walwayne aussi. Wawayne. Et c'est le cas dans Gauvin. Je sais pas s'il est écrit Wawayne ici. Mais c'est possible dans, c'est une possibilité, disons, dans le. Et c'est aussi pour ça que Gauvin et Guenièvre, bah, ça va bien ensemble, hein, pour faire de la poésie littérative et que ça aurait été plus difficile de faire Kay et Guenièvre, ironiquement. Il y a peut-être une. Il y a peut-être, alors, je ne sais pas si c'est nécessairement une. Il faut y voir une blague, parce que bah, c'est l'allitération qu'il demande de toute façon. Mais le fait de faire une liste de chevaliers en K et pas en G, ouais. C'est rigolo, quoi. Ça souligne que bah, ça ne pourrait pas être eux parce que. Ouais, ils sont associés avec Q, qui est c'est plutôt le rôle de Q, quoi. Ouais. Oula. Ouais. Puis, ben, Gauvin, par contre, lui, ne se laisse pas démonter. Il dit bon, je vais parler avec l'esprit de Sprite et je vais voir qu'est-ce que c'est son problème, quoi. Et on a une description du corps qui nous dit qu'il est bare, donc il faut probablement traduire décharné ou exposé, enfin voilà, décomposé. Un fantôme qui est très matériel, hein, ça c'est probablement, il faut imaginer que avant les cartoons où on voit des gens dans leur joli petit linceul transparent, la frontière entre un revenant, un fantôme, un cadavre... Un zombie, comme on dirait en parlance moderne, ou le Draugr nordique, la frontière n'est pas toujours très claire. Et là, il y a un côté très cadavérique, charnel à cette apparition, quoi. C'est littéralement l'apparence d'un cadavre qui a été sous terre pendant quelques décennies, quoi. Qu'on doit comprendre là-dedans, je pense. Alors, ouais, c'est noirci, ben, encombré de terre. Enfin, ouais, il est recouvert à moitié de terre. De saleté, c'est vraiment comme s'il venait de s'extraire de sa tombe. Enfin, il y a un crapaud qui lui mord la nuque. Mais par contre, il y a c'est à la fois ça et il est unbeklept in a cloude of clothing unclear. Donc, une espèce de nuage, de drap. Enfin, il a un linceul quand même. Ouais. Il est. Clothing. Il a un côté qui ressemble plus au fantôme classique, disons. Ouais, clothing, qui est juste clothing, en fait, qui veut juste dire. Donc, c'est pas très clair. Ouais, on pourrait comprendre ça comme les habits que portait le corps. Avec lesquels la personne qui est morte, mais qui ont été décharnés, déchirés à force de rester sous terre, quoi. Décomposés, à moitié décomposés. Mais donc c'est ça fait assez. Le reste, il y a un côté assez vivace quand même. Hein. On se dit que c'est peut-être quelqu'un qui a vu justement des cadavres déterrés pour être transférés ailleurs ou qui est pas familier, qui est familier avec la vision d'un cadavre sorti de terre, quoi. Ouais, puis donc il a noirci jusqu'à l'os. On nous dit qu'il brille quand même comme des braises dans son nuage de drap impénétrable. Il y a des serpents de tous les côtés. Donc et il dit vous détaillez tout tel de toes there on my tongue were full tear. Donc vous détaillez le nombre de crapauds me déchirer. Je crois que me fatiguerait la langue. Le ce qui braise, ouais, c'est un peu, c'est rigolo parce qu'on a de nouveau une ces illustrations où dans le la wheel de la du paragraphe qui décrit qui commence à décrire le fantôme, on nous dit que donc il y avait un crapaud posé sur la nuque, enfin sur le cou, qui mordait le crâne, et que le crapaud avait des yeux vides mais qui brillaient comme des braises. Et après la strophe suivante commence, donc ça termine par with hay and hall full hall that glowed as the gladest, donc qui brillait comme des braises, qui that glowed like glades, mm-hmm. les braises en l'occurrence on met en anglais, and then as I'll glow it as a glade the ghost that who gladest, donc on passe des yeux du crapaud qui brillait, oh, tout le fantôme qui brille. Donc c'est une mécanique assez courante, le passage à la suivante, ça permet aussi, c'est pas simplement une répétition, ça projette ce qu'on décrivait sur le reste de la scène. Mm-hmm. On a presque un zoom sur les yeux du crapaud, puis ensuite on passe à tout le fantôme qui brille. Et bon, alors, Cauvin, on insiste là-dessus, il n'en démord pas, il dégaine son épée quand même, donc il est quand même offensif. Et le corps s'arrête apparemment d'avancer. Les chiens continuent à fuir, le fantôme pousse un cri terrible qui apparemment fait peur aux chiens. Et puis les oiseaux, la wheel qui termine ce strophe là nous dit les oiseaux dans les branches qui fixaient le fantôme, ils piaillaient dans les bois que les nobles puissent entendre. Et ensuite ça enchaîne, que les nobles entendent les plus beaux contre au cours. Et là il mentionne how chattered the chole, donc sa mâchoire se brisa, tout comme ça jouait son menton, donc il faut probablement était brisé. Ouais. Moi, je me demande si c'est pas plutôt pour décrire qu'elle était... C'est pas comme... On peut penser ça, elle ouvre la bouche, ça se casse, comme crac, ouais. Puis du coup, elle commence à parler, ou alors, ouais, est-ce qu'elle est déjà brisée ? Faut imaginer, en tout cas, la mâchoire... C'est vraiment qu'il est en train de zoomer sur sa bouche pour qu'on comprenne que c'est pas naturel, la façon dont elle parle. Mm-hmm. C'est un peu vague, mais c'est clair qu'il faut comprendre ça comme un truc complètement alien, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Ça insiste beaucoup sur le côté surnaturel et complètement effrayant du fait que la mâchoire... comment ça a vraiment... on pourrait aussi comprendre ça comme « chattered », donc elle commence à trembler, ou à, comme si elle commençait à parler, oui, au lieu de « chattered ». Ça, c'est ce que suggère Shepard dans l'édition Norton. Oui, voilà, donc là, bah, quand même une apparition très squelettique, avec probablement sa mâchoire, l'os de sa mâchoire qui se décroche, mais qui, du coup, est implorée par Gauvin, qui fait appel au Christ, comme tu fus crucifié sur la croix pour nous laver du péché, que tu me dises la vérité sur où tu veux aller et pourquoi tu marches sur ces routes et dans ces bois. Et alors le fantôme reprend et dit « J'étais d'apparence la plus belle de toutes, baptisée et renommée avec des rois dans mon lignage. J'ai des rois dans mon lignage connus pour leurs exploits. Dieu m'a fait don de sa grâce pour que je subisse mes douleurs en cet endroit. Je suis venu à ce moment pour parler avec votre reine. » Et on enchaîne « Reine, je l'étais jadis, plus belle d'apparence que Bérel ou Branguin, ces dames si fortes. » Alors ça me paraît bizarre parce que Branguin, c'est plutôt connu comme étant la servante de Iseux, quoi. Je sais plus s'il y a des reines Branguin qu'on a oubliées. Et pareil pour Bregel, je sais plus à qui c'est. Je sais plus si toi tu sais à qui ça pourrait renvoyer. Non, c'est... Après, il y a peut-être après, ça peut être un nom qui a été mal lu ou quelque chose qui a été altéré. Hein. L'édition Norton ne mentionne pas d'autres possibilités. Elle évoque évidemment Branguin pour Tristan Iseux. Alors c'est possible qu'il faut y voir un truc qui n'a pas particulièrement de date. C'est possible aussi que le fantôme sache qu'il y a des gens plus belles qu'elle, ouais. Couramment. Qu'elle donne des noms de personnes qui sont réputées pour être belles. Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que Branguin soit particulièrement associé à la beauté. Bah, elle doit quand même prendre la place d'Iseux, quoi. Donc, Y a aussi le problème que est-ce qu'ils ont pris ces noms-là parce que juste avant on avait Brichter of Prowess et qu'ensuite on a Burdes Sobolde. Burdes, donc Bird, c'est la femme. Je ne sais pas si c'est lié à Bird, là, parce que dans l'argot en anglais on peut dire Bird pour désigner une femme, mais Burdes Sobolde. Donc peut-être que pour manifester ça, après on pourrait imaginer qu'il y aurait d'autres noms qui auraient pu être utilisés. C'est peut-être qu'il faut voir moins un nom exact, et c'est un truc dans ce poème qui c'est toujours difficile de dire, est-ce qu'on veut parler de noms exacts, est-ce qu'on veut donner des noms qui seront familiers au lecteur comme point de comparaison, même si ça fait pas sens de l'utiliser d'un point de vue diégétique. C'est un nom c'est vraiment doyliste plutôt que watsonien, disons, si on veut. Ou alors est-ce que c'est simplement une tradition qu'on connaît pas et voilà qui aurait voulu dire quelque chose. Mais c'est le choix d'allitération, faut pas Donc, je pense pas que c'est très facile dans ce genre de poème d'aller sortir le panneau en liège et de commencer à tirer les petits les petits points rouges, mais l'explication de base, voilà, c'est des noms qui auraient peut-être été connus, mais je pense pas que le après, ça peut être témoin d'une tradition qu'on connaît pas, c'est possible aussi. Oui. Mais en tout cas, voilà, elle affirme qu'elle était tous les plaisirs, les joies qu'il y a sur la terre. J'en eus plus que Dame Guenièvre, des trésors, des ors, des palais, des terrains, des mares, des domaines. Alors, ça aussi, typiquement, j'en ai eu plus que Dame Guenièvre. On va le voir, alors on va découvrir qui c'est cette dame après. Mais c'est improbable qu'elle ait eu plus que Dame Guenièvre dans la vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'incite à penser que là, on doit vraiment comprendre ça comme un truc que, pour faire comprendre au lecteur le point moral de l'histoire. Pas tellement pour décrire une réalité. C'est la... C'est un exemple pour moi assez clair où la vraisemblance du récit prend le pas sur l'intention qui est vraiment... Enfin, c'est vraiment... elle est vraiment pas le plus importante, quoi. Ce qui prend le pas, là, c'est vraiment la volonté de didactique, le côté moral qu'on veut enseigner, plus que la cohérence narrative. On va le dire, mais c'est vrai que c'est un personnage sur lequel on parle pas beaucoup dans la tradition d'habitude, mais du coup, elle... c'est une source secrète de Kaamelott, en fait. Elle dit, bon, maintenant je suis prisonnière, sans enfant pour s'en soucier. Alors là, on va voir que c'est un reproche à peine masqué. Saisie dans le souci, allongée dans une claie, dans l'argile, dans la terre. Voilà comment la mort m'a traité, chevalier. Laissez-moi une fois jeter un œil. Laisse-moi juste voir Guenièvre Laguet. Let me once have a sight. Là, j'ai pensé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, tu sais. Laisse-moi voir les cheveux d'Esmeralda. Je sais pas, il y a un côté très poétique de ce côté-là, mais un regard. Difficile à rendre. Et alors Gauvin, il va chercher Guenièvre qui apparemment est resté un peu en arrière. Il la ramène au corps, enfin littéralement to the body. Donc comme je disais, c'est un fantôme très corporel. Et elle salue Guenièvre. Bienvenue Guenièvre, toi qui es renommée parmi les tiens. Alors elle se présente pas tout de suite. Elle lui dit regarde. Et là on a Waynor, hein. Welcome Waynor, parce qu'on allitère avec on transforme le G en W. Mm-hmm. Et puis elle dit, bah, j'étais plus rouge, plus rose de teint qu'une rose sur sa tige, mon village, tel le lys fleurissant dans les hauteurs. Alors ça, on peut l'interpréter peut-être, Lélé peut l'interpréter peut-être différemment. Mais donc il y a cette idée de visage qui mêle le rouge et le blanc parfaitement, bon, assez classique. Et maintenant, je suis un spectre disgracieux avec Lucifer dans un lac profond, je suis jeté. Donc déjà la tradition de Lucifer... qui est pas, bon, c'est pas tout à fait Dante dans son lac gelé, mais on n'est pas très éloigné. Et ainsi, je suis semblable à Lucifer. Pour toutes tes fourrures fraîches, médite sur mon image, car, et puis là, on a un aspect didactique, gnomique, qui s'adresse un peu plus au public, qui dit, car roi ou empereur, vous finirez, de la même manière, quoi. La mort vous laissera dans le même état, prenez mon avertissement à cœur. Et là, on arrive à la partie plus morale. On lui a dit « Lo, ha delful death has thee dame edicht. » Comme la terrible mort a laissé ta... Alors, c'est la dame, mais c'est ici, il y a un double sens, parce que dame, c'est comme sire en moyen anglais, et d'ailleurs aujourd'hui en anglais, sire et dame. C'est utilisé dans un contexte d'élevage, mais à la base, ça veut dire généralement mère et père aussi. En l'occurrence, ici, il faut le lire probablement comme ta mère, même si c'est un peu ambigu, mais il n'y a pas d'autre raison qu'elle dise ta dame, en fait. Je ne sais pas s'il faut voir ça comme un indice, mais je ne suis pas sûr qu'elle le dit explicitement ailleurs, et qu'il n'y a pas de vu qu'il n'y a pas de réalisation autre, disons qu'elle est... Guenièvre ne réagit pas, ah, tu es ma mère, elle n'est pas surprise à un autre moment. Donc je pense que c'est là qu'il faut le dire, peut-être, déjà. Ouais, il faut comprendre, je pense, qu'il y a la notion que c'est... elle comprend que c'est sa mère à ce moment-là. Et donc, elle enchaîne effectivement sur une méditation. Ben voilà, je suis comme Lucifer. Enfin, elle se compare même à un ange déchu, quelque part. Elle attire immédiatement sur le fait que, voilà, tous, vous finirez comme moi, roi, empereur, tout le monde, vous finirez dans ce même état. Il faut que vous soyez avertis. Ayez pitié des pauvres, ayez pitié des servants, parce que personne d'autre pourra vous louer ou te louer. Il y a aussi peut-être ici un sens où on sait que Arthur et Guenièvre vont pas avoir d'enfants. Parce qu'on nous parle pas. Elle a déploré le fait qu'elle ait pas d'enfants pour la soulager. Et Guenièvre va effectivement prendre ses mesures pour le salut de son âme. Mais ici, elle ne mentionne pas. Voilà, fais attention, enseigne à tes enfants, demande-leur de tenir, de faire ça pour toi. Elle dit, aie pitié des pauvres, c'est en ton pouvoir. Have pity on the poor, the heart of poor, poorness and burdens that bend thee about. When the body is bamed and brought on a bear, then neat a wind the licht that now will the lute, for then the help is nothing but holy prayer. The prayer of poor may purchase the peace. Donc, la, mais on mentionne que les pauvres qui peuvent, par leur prière, t'acheter la paix, mais pas d'enfants, pas de descendance. Donc là, il y a aussi un, peut-être un, une espèce d'ironie du sort, en fait, qu'elle, elle peut faire ça pour sa mère, mais elle n'aura pas d'enfants pour le faire pour elle. Oui, puis il y a une, vraiment une, cette économie du salut, cette idée de, bon, il y a un échange... il y a un échange social, mais il y a aussi un échange dans le sens la prière des humbles a plus de soit plus de poids, soit ils sont plus nombreux. Donc il faut c'est la seule chose qui peut acheter la paix. Exactement. Et puis il y a le côté voilà du rôle social de la noblesse ou en tout cas de la haute noblesse en l'occurrence. Et ce qui est assez aussi intéressant, je trouve, c'est qu'on a vraiment la notion que on est dans une forme de purgatoire. Qui est quand même, théologiquement, ce serait du purgatoire. Elle n'est pas en enfer, elle n'est pas damnée. Mais on la compare quand même à Lucifer. On décrit des tortures, on décrit quand même une situation. C'est quand même très infernal. Elle va vraiment décrire le fire and brimstone, littéralement. Quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. On me présente des délicates richesses, des festins, mais moi, je vis dans le besoin, comme si on la narguait avec ça. Une espèce de supplice de tantale. Dans le besoin, dénudé, poursuivi par une horde de démons. On la met littéralement dans, comme tu dis, hein, une brasse et une brimstone, ibrène à zabelle. Donc, je brûle, ouais, comme une cloche, peut-être. Il y a la comparaison avec l'idée qu'on ait une. Je pense qu'il y a une ironie sur belle qui doit être comprise à la fois comme une belle dame. Et parce comme une brasse, donc dans le cuivre, donc est-ce que c'est dans un chaudron, brimstone, c'est le soufre. Ou est-ce que c'est. Alors, il traduisait une cloche, donc ce serait comme une cloche quand elle est forgée, peut-être, parce que ça peut être assez. Il y a la notion qu'on. On a aussi la cloche comme le bell, enfin, la cloche qui signale, voilà, qui sonne. Le destin ou le... Je ne sais pas si c'est un truc qui aurait été compris comme ça à cette époque-là. Cela dit, ça n'a probablement aucun rapport, mais on peut le mentionner. Il y a une expression figée qui revient pour les serments où on dit « by book and by bell ». C'est aussi la belle la cloche ou bien quand on dit ça? Il me semble que oui, parce qu'il y a la notion qu'on est dans... Et voilà, il y a une... Bon, Norton, l'édition Norton évoque l'idée que ce soit plutôt un... Bell ici, c'est plutôt un feu ou un espèce de brasier ou quelque chose comme ça. Un genre de brasero, je suis pas entièrement sûr. C'est un terme. Souvent, le problème avec ces termes de nouveau, on constate le problème habituel des textes allitératifs, c'est que vu qu'on est obligé d'avoir des termes qui sont utilisés de façon très distante parfois, parce que on cherche le mot le plus proche, le plus vague, vu qu'on veut effectivement avoir quelque chose qui sonne bien, même si on doit un peu tordre. Après, la notion qu'une cloche est quelque chose, un avertissement, et effectivement aussi peut-être simplement un chaudron de la forme d'une cloche, c'est aussi utilisé comme ça dans certaines sources. Et d'ailleurs, c'est ce que je faisais un peu de padding, je faisais un peu de remplissage parce que je cherchais le terme dans le Middle English Dictionary, et le sens de chaudron est ce qu'utilise est recensé par le Middle English Dictionary dans sa citation de Adventures of Arthur, parce que le manuscrit utilisé, Tonton est utilisé comme fait partie du lexique, des sources de ce Middle English Dictionary, des usages. Et effectivement, une brasse et une bromstane et burne à la belle. Donc, il faut comprendre qu'elle est posée comme un chaudron le serait dans le feu, selon le Middle English Dictionary. Après, ça redoublerait le chaudron. Je pense quoi. Que la polysémie de cloche est volontaire aussi, parce que belle, ça évoque l'avertissement, la cloche des morts. Le nom, ça ressemble à belle en français, donc la beauté. Je pense pas que ce soit complètement innocent non plus. Ouais. C'est les merveilles de la poésie littérative. C'est ça, mais donc vous voyez les petits problèmes de traduction qu'on peut avoir. Ah oui, après c'est difficile à traduire littéralement. Moi, mais du coup vous voyez que c'est quand même, comme on disait, c'est très infernal quoi. C'est vraiment, il manque juste le diable tout rouge avec une fourche qu'il a pique dans le chaudron pour avoir l'enfer de cartoon quoi. Was never rushed in this world the woefuler wicht. N'a jamais eu de personne, un être plus misérable. Wicht qui est utilisé dans le sens être, personne ici. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, white, ça veut dire littéralement un fantôme ou un esprit. Mais ça n'avait pas forcément sens à l'époque, mais c'est rigolo quoi. Une furie ou un. Ouais. Parce qu'il y a, un double très drôle. Juste après ça, elle dit « Hit were full tore any tongue mi turment to tell. Now willy of mi turment tell origo. » Donc ça serait fastidieux pour n'importe quelle langue, ça fatiguerait n'importe quelle langue de raconter mes tourments, mais je vais te raconter mes tourments avant d'y partir. Il y a vraiment le côté, ça fait partie, raconter mes tourments fait partie de mes tourments quelque part. Ouais. Et puis, puis c'est assez marrant parce que c'est une expression qui a aussi été utilisée par le narrateur juste avant pour dire « Ah, ce serait trop... Ça me fatiguerait la langue de raconter... Ça me déchirerait la langue de décrire tous les crapauds qu'il y a sur elle. Puis maintenant, c'est elle qui elle-même dit voilà, c'est compliqué de raconter tout ça. Exactement. Mais donc Guenièvre va commencer par compatir et dit je suis woe is me for thy woe, enfin ton malheur, malheureuse. Ton malheur fait mon malheur. Je suis malheureuse de ton malheur, mais j'apprendrai bien une chose. Puis là, c'est un peu la partie tutorielle où on se tourne vers l'écran et on dit la partie un peu PSA, tu sais. Tu dis mais qu'est-ce que. Non. Un peu téléachat du salut, c'est. Mais if only there was a better way. Si seulement il y avait une manière de soulager tes souffrances, par exemple des matines ou la mer. Ou d'autres biens terrestres, ma joie serait plus grande si les prières des évêques pouvaient te mener vers la félicité, vers le paradis, ou si des moines dans leur cloître pourraient te délivrer des soucis. Et là, il dit « Si tu es ma mère, c'est là une grande merveille que tout ton beau corps en soit réduit à une telle pâleur. » Et le corps répond « I bear thee of my body, what body is it I lay ?» Donc, je t'ai porté de mon corps, pourquoi est-ce que je le cacherais ? Ce thème aussi de Guenièvre rencontre le corps qu'il a porté, et ce fantôme maudissait aussi le corps qui elle-même l'avait porté. Donc, il y a un peu cette espèce de... peut-être qu'il faut voir comment interpréter cette lamentation sur la chaîne de la maternité ici. Et... elle commence à dire, voilà, elle dit qu'elle a rompu un vœu solennel. C'est pas tout à fait clair. Enfin, elle dit, je sais plus si elle développe après, on va revenir dessus, mais je sais plus si elle dit exactement ce que c'était. Et puis, Guenièvre dit, je vais voir ce qui pourrait te sauver, faire chanter des hommes pour la messe. Puis elle dit, mais toutes ces bêtes qui mordent ton corps, mon visage en blanchit complètement, tes os sont si noircis. Donc là, évidemment, il y a une symétrie entre le corps dont les os sont noircis, qu'on avait déjà mentionné avant, et Guenièvre qui blanchit devant tout ça, une symétrie en noir et blanc. Et là, c'est peut-être quelque chose qui se rapporte plus à l'histoire de Guenièvre, où justement elle lui dit, ce qui m'a fait chuter, c'est l'amour. Love par amour, ses tours et ses plaisirs qui m'a fait sombrer dans ce lac. Toute la richesse du monde, ça disparaît avec les vers sauvages qui me rongent de douleur. Il me ronge de douleur, Guenièvre, c'est vrai. Puis là, elle fait sa commande que 30 trentains, donc un trentain, c'est une trentaine de messes, donc que 30 trentains, donc 900 messes, a priori, soient dites entre le matin et l'après-midi, mon âme serait aussitôt sauvée et menée à la félicité. Alors, ça fait beaucoup, hein, mais c'est pas complètement irréaliste quand on regarde des documents, peut-être pas tout à fait d'époque, mais sur ces pratiques-là. Et on mentionne, alors là, que le noble, qui c'est là, je sais plus qui c'est qui parle. Là, je pense que c'est Guenièvre qui répond. Guenièvre qui continue à répondre. C'est Bling, the barn, je pense qu'il faut voir ça comme l'enfant ici, ou le fils. Dans le sens où, c'est évidemment Jésus. The barn that bought thee on rore. L'homme, celui qui t'a acheté sur la croix, qui a acheté le salut de ton âme, en fait. Qui t'a sauvé, qui t'a payé. Qui t'a racheté sur la croix. Ouais. Exactement, qui t'a racheté. Oui, c'est mieux. Donc, ouais, l'enfant ou le fils. That with crucified. Et c'est marrant parce que, du coup, vu les nécessités allitératives, vu qu'on a rore, qui est le terme le plus courant, rude. En anglais, avant, maintenant on dit cross, effectivement, mais root, c'est le plus traditionnel, même en moyen anglais. Par contre, juste après, vu qu'on a crucified et crowned, on a croix. Croix, ouais, la croix. And crowned with thorne. As thou was christened and chrismed with candle and code. Baptisé et oint, chrismed, donc christened. C'est un peu le chrisme. Le Christ et le chrisme, c'est la même racine en grec, mais il y a deux mots différents en anglais. Effectivement, une font stone, je pense que font stone, la font, c'est la source. Non, je pense, font stone, je pense que ça doit être font, c'est baptismal font, en anglais, on dit ouais, ça pour dire les fonds baptismaux. Le baptisme, ouais. Quand tu étais jeune. Et puis après, on a une invocation à Marie, Mary the Michti mildest of more. Of whom the blissful barn in Bethlehem was born, donc de qui l'heureux enfant était né à Bethléem. Donne-moi la grâce. Et donc une invocation à Marielle aussi, qui vient juste après, pour t'honorer avec des matines et des messes chaque matin. Je ne pense pas qu'il faut comprendre 900 messes tous les matins. Je pense que c'est 900 messes sur plusieurs matins. Oui, probablement. Ça fait un peu beaucoup en 3 heures. Ouais. Et alors. Et après, on revient avec la mère qui dit oui, il faut se souvenir de nous avec des messes. Il faut. Pour lui qui était sur la croix, sois sûr de donner de tes biens à ceux qui manquent de nourriture tant que tu es sur cette terre. Et après, Guenièvre qui répond, donc je tends solennellement, happily avec mon cœur, ma main, et elle propose de donner 1 million of masses to make the meaning. Donc pour un million de messes, est-ce que c'est littéral ou est-ce que c'est simplement un très grand nombre de messes? Ouais, comme je disais, il y a un côté très trumpien dans l'expression parfois. A million masses. Je suis la plus misérable qui ait jamais été. Et ils ont dit qu'on n'a jamais vu quelqu'un traité comme ça. Exactement, mais il y a de ça. Il y a un côté très une emphase médiévale dans les propos. Un goût pour l'hyperbole en tout cas. En tout cas, l'hyperbole est bien là. Et après, elle demande quand même à sa mère de clarifier. Qu'est-ce qui a le plus provoqué la colère de Dieu? Alors, est-ce que c'est en général? Est-ce que c'est par rapport à toi? Bon, mais effectivement, c'est l'air que général, effectivement. Dit, ouais, c'est « Pride with the appartenance as prophet as told », donc la fierté et ce qui vient avec. Et voilà, il y a... Comme les prophètes l'ont annoncé au peuple, quoi. Donc là, un côté plus biblique. Ouais, et c'est marrant, il y a une notion de j'aime bien la notion que ces branches amères, donc les sur la fierté poussent des beres poes bitter. Donc la fierté porte des, c'est un comme un arbre qui porte des branches amères qui vont t'amener effectivement à rompre tes commandements. Et voilà, donc il y a la notion qu'il faut éviter ça parce que sinon tu finis comme la mère de Guenièvre si tu ne meurs pas dans un état de salut de grâce, quoi. Mais vraiment, le côté didactique. Chaque fois, voilà, c'est ça. Et maintenant, apprends-moi la prière qui va mieux m'amener au paradis. Et on est effectivement dans une... Et je me suis même demandé s'il n'y a pas un côté anti-Lollard là-dedans. Enfin, les Lollards, donc c'est ces proto-protestants anglais. Parce qu'il y a vraiment une emphase sur... Quand Guenièvre dit « Quelle prière m'amènera le mieux au paradis ?» What Bedis makes me best on the bliss I bring. Alors Bedis, bon, c'est pas forcément prière, ça peut être, mais on dit clairement makeness and mercy that aren't the most, and see them have pity on the poor that pleases heaven king. Donc il faut, et ensuite see then charity is chef and then is chasteté. Donc d'abord la charité, ensuite la chasteté. Donc les œuvres en fait. Ouais. Le salut vient par la générosité, par l'attention aux pauvres, qui est quelque chose de très très catholique. Oui, puis très orthodoxe. Il y a un côté où il dit, voilà, ce sont, donner l'aumône par-dessus tout, ce sont les dons gracieux du Saint-Esprit qui inspirent chaque esprit. Alors là, il y a justement, par exemple, c'est « without spelling ». Et « spelling », alors, par exemple, Thomas Hahn pense que c'est sans besoin d'éducation. Puis c'est un motif qu'on pourrait retrouver, c'est l'idée que, en fait, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du catéchisme pour être sauvé. Vous pouvez, tout le monde peut accéder au salut par cette charité simple. Mais il y a eu d'autres interprétations. Plutôt lié à spoil, enfin à spilan, destruction, gâchis, etc. Ou sparing de spellian, donc qui serait plutôt épargné. Donc ce serait deux autres lectures possibles, quoi. De dire. Mais le côté sur l'éducation me paraît quand même assez probable parce que juste après, elle dit Of the spiritual thing is put edu no mare. Oui, c'est donc ça. Donc t'as pas besoin de t'inquiéter de ces affaires spirituelles. Toi, tu dois pas t'inquiéter de quelle prière exacte est la meilleure. Ce qui est important pour toi, c'est que tu fasses des bonnes œuvres. C'est vrai que dans le contexte, on a l'impression que c'est la meilleure lecture. Après, justement, si on regarde les autres manuscrits, on peut se dire que déjà à l'époque, c'est un truc qui a posé souci. Et ce qui est rigolo, c'est que le côté didactique ne s'arrête pas avec Guenièvre, puisqu'il continue avec Gauvin. Mm-hmm. Puisque Gauvin, du coup, entendant tout ça, intervient. C'est mon passage que je préfère, je crois. Il y a un côté, mais c'est ça qui est rigolo, parce qu'on dit tout le temps, ces œuvres, c'est des œuvres qui commentent, qui sont satiriques ou qui sont comiques. Mais en fait, il y a toujours une interrogation sur le rôle de la chevalerie dans ces œuvres-là. Surtout, c'est assez logique, on est au tournant du 14e siècle, 15e siècle. On n'est plus à une époque où l'amour courtois, etc., ça peut passer, je pense, sans trop de réflexion, mais ça ne l'a jamais vraiment été, de toute façon. Mais là, effectivement, Gauvin demande « How shall we fare, quod the freak, that fondant to ficht ?» And thus the fool and the folk on Felles Kingland. Donc, and the riches of a reign is without any richt. And women worship in Wareth or witness of Hondas. Donc, on doit. Que ferons-nous, nous qui avons juré de nous battre, de fouler des gens sur la terre des rois où on n'a pas la permission d'entrer, de prendre leurs richesses, de gagner l'admiration par la force des armes? Comment on fait pour nous obtenir le salut, puisque c'est notre but même est d'être violent et de rompre les commandements de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une interrogation tout à fait légitime. Hein. C'est tellement orienté. Et nous, qui sommes des guerriers qui tuons des gens alors qu'on n'a pas le droit et qui envahissons et qui sommes violents, qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin, c'est une description de la chevalerie qui est tellement orientée qu'elle paraît presque pas naturelle, quoi. Elle a un côté. Bah, disons, tu pourrais comprendre que la personne qui a écrit ça ou qui lit ça, c'est pas exactement un chevalier de haute noblesse, c'est quelqu'un, effectivement, ouais. Quelqu'un qui ne fait pas partie de ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est ce que Guenièvre, que la mère de Guenièvre insiste, hein, juste après, Your king is too covetous, il war ne des, sir knicht. Voilà, votre roi a trop de convoitises, je vous avertis. He covets. Et on a le parallèle. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on nous parle de la roue de la fortune, qui est un motif super classique. Vous vous souvenez, chez Geoffrey de Monmouth déjà, on nous dit voilà, mais no man slay him with strength with his will is strongest. When he is in his majesty, most in his might, he shall licht full low on the sessondes, and this chivalrous king shall chance. Falsely fortune in ficht, that wonderful will richt, shall make us lordes to licht, take a witness be France. Donc, votre roi, il est au sommet de la roue, en fait. Voilà. Sa roue est... Personne ne peut le toucher. Personne ne peut le toucher, il est en majesté. Mais il chutera au plus bas, on the sea sandes, donc on the seashore, sur le rivage. Il rencontrera son destin. La fortune... la fortune qui est comparée à une fabricante de roues, une wheelwright. Un fabricant de wheelwright. Comment tu dis en français? Non, c'est pas un ferronnier, c'est un. Fabricant de roues, quoi, un charron. Ouais. La fortune, c'est ce charron qui fait chuter les seigneurs. Et j'aime bien beaucoup le Take a witness be France, c'est parce que c'est associé au passage justement d'Arthur en France dans chez Geoffrey. Bah, il y a une allusion à la mort d'Arthur, quoi, déjà. Après être allé en France. Et d'ailleurs, c'est littéralement ce qu'on nous dit après. Hein. France have ye freely with you first born. Donc on est censé être après la victoire. En tout cas, contre la France, contre Friol and his folke, Frolle. Donc Bretagne and Bourgogne all to you bowen, qui s'incline devant vous. In all the ducipers of France with your dean, David. Donc, les ducipers, c'est utilisé pour dire juste père, noble, mais ça, c'est les douze pères, en fait. Ça, étymologiquement, même si c'est un peu anachronique, mais. Voilà. Et encore, et ensuite, on fait même une prophétie. Après les Français, ce sera les Romains qui seront submergés et les rentes reprises, et leurs rentes reprises par la table ronde. Alors, le Tibre faux vous causera du malheur. Et voilà, il y a vraiment une prophétie sur le fait que quand ils seront à l'étranger, un chevalier s'emparera de la couronne d'Arthur et apportera moult conflits et chagrins. Mm-hmm. Et vous serez en Toscane à ce moment-là, et vous reviendrez, et voilà, la table ronde perdra sa renommée. Et puis les deux wills de ces quatrains-là sont des avertissements directs à Gauvin. Prends garde sur Gauvin, retourne vers la Toscane, car tu perdras la Bretagne par un chevalier fort. Donc on annonce la trahison de Mordred. Et la chute, et puis le deuxième avertissement, c'est « Prends garde sur Gauvin le plus fort de Bretagne, dans une vallée tu seras oxy, ces merveilles adviendront. » Et on le dit encore, il meurt en chemin vers la Bretagne. Mm-hmm. Et après, voilà, sur la côte de Cornouailles, Arthur sera mauvaisement blessé, tous les vaillants mourront. Et voilà, on décrit même le sujet du roi qui porte « He buries it in sable », donc il a du noir sur son écu. Et on nous dit, in riche Arthur's halle, that barn plays at the ball, that Utre shall you halle, delfly that day. Donc l'enfant qui vous tuera tous joue à la balle dans les rues du roi d'Arthur. Donc il faut comprendre que Mordred est déjà né. La chronologie est un peu. Donc on a déjà eu la première campagne sur le continent, donc qui a récupéré les royaumes de Lancelot et compagnie. On n'a pas encore eu la campagne contre les Romains, qui sera bien plus tard. Et puis oui, on nous décrit les armoiries de Mordred, en fait. Un écu sable avec une croix engrêlée, donc avec des espèces de dents en sautoir, une croix blanche, probablement une croix de Saint-André en diagonale. En tout cas, c'est comme ça qu'il est dans l'alliterative morte Arthurée Il a une Sauturir Engreled aussi, mais qui est pas trop son arme traditionnelle dans les romans ou les armoriaux français, par contre. Je me suis même demandé, mais c'est pas le cas, parce que la mort d'Arthur Alliterative qui est décrite est en fait, je crois, faudrait que je regarde, mais il me semble qu'elle est avant dans le manuscrit Thornton. Donc ça aurait été rigolo que ce soit qu'elle vienne juste après, qu'elle ait été vraiment raccordée ou qu'on ait même coupé pour insérer cet épisode-là entre les deux, quoi. C'est le genre de truc qu'il faisait parfois avec les textes de Chrétien, notamment. Et le fantôme, en fait, va déjà prendre congé. Alors bon, c'est déjà pas mal, hein, et annoncer la fin de la table ronde. Donc là, une connexion à quelque chose qui a commencé vraiment comme une leçon très didactique, mais qui raccorde sur le canon de la table ronde. Elle dit « Bonne journée, Guenièvre, et toi, Gauvin le Bon. Je n'ai plus de temps pour vous raconter d'autres nouvelles. Je dois me mettre en route à travers ces bois pour aller écumer le reste de mon malheur. » Voilà, songe aux dangers et aux chagrins dans lesquels je suis, compatissez avec moi, nourrissez en mon honneur des gens qui manquent de nourriture, et puis commémorez-moi avec ces messes. Les messes sont des médecines, des médicaments pour nous qui endurons les tourments. La messe est aussi douce que toute épice qui a jamais existé. Et puis ensuite, avec une sinistre lamentation, un sinistre grognement, le fantôme glisse au loin. Et la météo revient à son état normal. Donc on avait dit c'était, il faisait parfaitement sombre et comme s'il faisait nuit. Mais là, le ciel s'éclaircit, les nuages se dispersent et le soleil resplendit à nouveau. Et le roi sonne son cor pour que les gens se rassemblent auprès de lui, quoi. Voilà. Puis il y a une autre sur la météo, justement. On nous dit the wise of the weather for wonder they were. Donc ce qu'on pourrait traduire les sages, est-ce qu'il y a parfois été traduit, les sages avaient été avertis du temps qu'il ferait, ce qui paraît un peu bizarre, est-ce que ce serait plutôt au contraire, ils n'ont pas vu ça venir, je ne sais pas. Forewarned, pour moi, j'aurais traduit ça plutôt comme effectivement surpris ou ils sont interrogés. Interloqués par le temps. Ouais. Et après, peut-être que c'est simplement Après, qui sont les sages en question? Est-ce que c'est les gens de la table ronde? Est-ce que c'est les astrologues de poche qui accompagnent Arthur? En tout cas, ils décident de rentrer. Ils rentrent à Rondolos Halle. Donc, est-ce que c'est la salle de la table ronde? Est-ce que c'est effectivement certaines sources, je sais plus si c'est Han qui parle d'un manoir qui serait quelque chose qui s'appellerait Randall Home ou quelque chose comme ça, un manoir de Randall ou Randall. Ben, c'est un cas où là on a Rondolos Halle, puis il y a les autres manuscrits qui donnent Randall 7, Randall fait 7. Donc évidemment. On voit que c'est des noms qui sont pas hyper emblématiques, donc qui varient beaucoup. Mais en tout cas, il y a ce manoir qui est associé avec la région, disons, de Cumberland. Donc on est au nord-ouest de l'Angleterre. Et vu on va nous citer aussi des lieux en Écosse ensuite, dans les frontières Écosse-Angleterre. Donc c'est pas complètement idiot de penser qu'il y ait une référence à un lieu connu, quoi. Même si c'est pas forcément Carlisle, qui est un peu l'exemple classique dans la région, quoi. Et puis c'est vrai qu'on nous a dit qu'il était à Carlisle, donc on se demande est-ce que c'est juste le nom d'un est-ce que c'est le nom d'un hall à Carlisle même, est-ce que c'est un genre de gîte de chasse, enfin. C'est vrai que Rondolès, moi ça évoquait quelque chose de rond, donc par le lien avec le français. Oui, c'est assez logique de penser. Il retourne dans la salle de la table ronde pour manger, quoi. Ouais. Mais en tout cas, il s'installe pour manger. Là, c'est la deuxième moitié du poème qui commence. On s'installe pour le souper. On nous décrit une merveilleuse canopée de soie avec des oiseaux brodés dessus, un musicien qui fait de la musique, etc. Mais ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a une très belle dame qui mène un chevalier, qui arrive devant le roi, qui le salue et qui lui dit « Voilà un chevalier errant. Traite-le reason and enrich, donc traite-le suivant la raison et le droit. » Et on décrit abondamment leurs vêtements, couverts évidemment de belles étoffes, de topazes précieux, alors, on nous décrit ça, et le roi demande d'où vient ce chevalier. On nous décrit la robe de la dame. Alors, peut-être un autre lien encore avec le chevalier vert, c'est qu'ils sont très... ils sont très verts, hein, les deux. Là, sa robe, la dame, elle est verte, grace green, verte comme l'herbe. Manteau de laine, décoré d'oiseaux, brodé d'or brillant, des cheveux pleins de pierres précieuses, dans une coiffe avec des plis et des rubans vivement colorés, une couronne d'or brillant finement ciselé, des foulards, enfin voilà, tout le monde dit excellent accoutrement. Et le chevalier de son côté, il porte ses propres couleurs, on décrira d'ailleurs son blason un petit peu. Il a un joli cimier brillant, son armure et son casque très bien polies, qui sont même bordées d'or, ses mailles étaient blanches comme du lait, toutes bien attachées, son cheval bien équipé, son bouclier est orné de têtes d'ours en noir, alors on ne nous dit pas... voilà, apparemment tête d'ours en sable sur argent, donc noir sur blanc. C'est des armoiries en fait très bah, du coup noir et blanc, hein, parce que vous, enfin a priori on peut imaginer ça pour Mordred aussi, parce que si ça respecte les règles de l'héraldique, ça doit être de toute façon soit de l'argent soit de l'or, ça croît. Puis je crois que généralement c'est plutôt de l'argent dans les représentations, si on a une représentation. Et voilà, et son cheval, il a, on nous dit qu'il a une armure qui a même, qui est équipée d'une corne, comme une corne de licorne, tout à fait aiguisée. Je ne sais pas à quel point c'est typique de ce genre d'équipement, dans le, que ce soit c'est dans très, les rangs. Carapace en Playmobil avec le petit truc sur la tête du cheval. Oui, il y a un peu ça. Ce qui est rigolo, c'est que les deux sont décrits comme étant aussi constellés de joyaux. La dame, elle a des joyaux qui sont tissés dans les cheveux, enfin qui sont attachés dans ses cheveux. C'est ouais. La traduction, c'est une des trucs assez complexes parce que c'est très allusif. On passe un peu comme. Il n'y a pas forcément beaucoup de verbes et des verbes qui sont parfois un peu ambigus, mais c'est clair qu'il y a des pierres précieuses aussi sur l'armure du chevalier, ouais. Avec des rubis pour le coup. Ça donne aussi une espèce de côté un peu flamboyant comme ça. Ça évoque, ça évoque en fait le fantôme qu'on a vu avant. Qui c'est un autre type de flamboyance, brillant. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a un contraste, du coup, entre le fantôme brillant et décharné, avec qui brille comme des charbons ardents, parce qu'on nous dit de nouveau que ces pierres brillent comme des charbons ardents. Il faut dire, alors, les textes anglais ont tendance à vraiment insister là-dessus, sur les étoffes, les bijoux, mais c'est un motif qu'on a dans les romans français aussi. Je sais plus si c'est déjà chez Chrétien, mais il y a des descriptions de combats où les deux chevaliers se tapent dessus et puis on nous décrit qu'ils sont une armure décorée avec des merveilleuses pierres précieuses qui volent dans tous les sens à mesure qu'ils sont en train de se hacher menu avec des épées, quoi. C'est quelque chose qu'on trouve déjà dans les textes français. Ce qui est intéressant, c'est que le côté surnaturel, pour le coup, de cette troupe, il est quand même pas complet. On n'est pas dans un truc où c'est vraiment des elfes magiques qui arrivent, parce qu'on nous décrit que l'écuyer, il y a un écuyer qui les suit, et lui, il est sur un cheval frison qui est effrayé par ce qui se passe. Parce qu'il c'est la première fois qu'il donc il y a un peu le côté behind the scenes, tu vois. Ouais. Merde, mec, tu nous fous la honte à essayer à trembler comme ça. Ton cheval, il n'arrête pas de paniquer parce qu'on l'a amené dans une salle. Il n'a pas l'habitude d'avoir tant de monde autour. Mm-hmm. C'est un côté un peu. Voilà, ça pour le coup, c'est le. Ouais, c'est la merveille de la salle elle-même, de l'environnement qui effraie le cheval de l'écuyer. C'est donc, ça souligne presque plus le côté fabuleux de la table ronde, qui est une telle grande assemblée, tellement riche, tellement bien équipée que. Qu'il n'est pas prêt à ça. Ou alors, il y a peut-être aussi l'idée, parce qu'on parle d'un type qui a l'air d'être un peu dans les marges, de venir des marges du royaume arthurien, bah, peut-être que là, lui, ils viennent à la grande ville, quoi. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de monde. Et du coup, le Arthur demande, voilà, que veux-tu, chevalier ? Pourquoi es-tu figé ? Six strophes avant qu'on y arrive. Voilà. Et du coup, le chevalier lève sa visière et demande, voilà, je veux un adversaire à combattre. Je suis en quête de combat. Et Arthur lui propose de rester pour la nuit et qu'il lui dise son nom. Donc, on est assez similaire à Gawain Chevalier, effectivement, un défi. Et il explique « Mi name est Sir Galaron, Wittutenenigile. » Mon nom est Sir Galaron. Et alors là, on nous donne une liste de lieux. Il est le meilleur, the greatest of Galway of Graves and Gilles. Donc, Galway, Galway. Parce que c'est en... Galway, c'est une région... Le Galway, c'est une région d'Écosse. The Connock, Cummock, Connaught... Cunningham, ça c'est Cunningham assez clairement. Kyle, c'est aussi une région d'Écosse. The Lomond, on a un Loch Lomond en Écosse, si vous êtes fan de Tintin. On a Lossax, qui est parfois glosé comme Lennox, c'est aussi une région d'Écosse. Et des collines de Lothian, alors ça j'ai pas vu de glose, mais je pense que ce serait assez logiquement Lothian. Lothian. Moi je me demandais si le Connaught c'était pas le Connaught irlandais, parce qu'il y a aussi un Galway en Irlande. Tu vois, il y a aussi Galway en Irlande, mais là, vu que Connock et Cummock, c'est quand même plus... Puis le Connaught, c'est quand même pas exactement tout près. Après, ouais. C'est possible, il faut y voir des... Alors, c'est nouveau. Est-ce que c'est des noms qui sont donnés pour leur exotisme vague ? Est-ce que c'est des noms qui se réfèrent précisément à un lieu qu'on veut vraiment dire non, il vient de cette région-là ? Est-ce qu'on dit des noms que les gens vont connaître, même s'ils ne sont pas historiques ? L'un et l'autre sont possibles. Moi, j'aurais tendance à aller plutôt vers chercher que les lieux en Écosse, parce que ils donnent vraiment pas mal de noms écossais, et surtout qu'on a des lieux écossais qui sont assez proches de la frontière avec l'Angleterre. On ne dit pas, c'est pas comme si on nous sortait des îles du nord de l'Écosse, tu vois. On ne parle pas d'Aberdeen, des Highlands, c'est vraiment des régions Moi, j'y verrais plutôt des lions locales. Après, on peut aussi prendre l'option de ne pas traduire ces noms. Hein. On pourrait dire Galway, comme ça, qu'il est, Lomond, Losex, Loyen, qu'il est. On pourrait aussi simplement pas le traduire, puis considérer que c'est des versions un peu altérées de noms fantastiques, quoi. Mm-hmm. Mais en tout cas, on nous dit, voilà, il est de ces coins-là. Et on nous dit, ces lieux, tu les as remportés d'une façon déloyale, tu les as donnés à Gauvin, ce qui fait enrager mon cœur. Et donc, du coup, il veut le défier pour reprendre ses terres. Ouais, il lui demande, ben voilà, il dit, tu les as remportés à la guerre, mais de façon déloyale, ou ça vorangevile. Donc, c'est pas tout à fait clair, mais on ne décrira pas exactement de quelle manœuvre il se serait rendu coupable, mais il les aurait pris à la guerre, il les aurait donnés à Sir Gauvin. Ce qui fait enrager mon cœur, et il dit, voilà, pour toute la richesse du monde, il régnera jamais dessus, à moins qu'il les remporte au combat. Donc, il met en doute la légitimité de la possession de ces terres par Gauvin, et il veut le combattre. On a dit, il y a deux moitiés du poème, elles ne sont pas complètement déliées, hein, puisqu'on avait dit que, justement, Arthur était covetous, était un roi envieux, qu'il est dans sa majesté et qu'il va chuter. Et il y a cette idée de, bon, ben, peut-être... peut-être qu'on voit qu'il a pas été complètement réglo, qu'il a été un peu orgueilleux, qu'il s'est un peu emparé de... Il a eu trop envie d'agrandir son royaume. Et un autre lien avec le poème précédent, c'est que Gauvin va vouloir se battre. Et malgré... Enfin, il a pas l'air d'avoir peur. Et peut-être qu'une idée aussi, c'est que Gauvin, ayant entendu la prophétie de sa fin, il sait que bon, j'ai encore du temps, quoi. Je vais pas mourir tout de suite, donc je peux me risquer à ça. Puisque je sais que ma mort a été annoncée autrement, quoi. Ce qui n'est pas dit explicitement, hein, mais... Non, mais c'est clair, mais c'est une conclusion assez logique. Ajouter à ça, on dit, quand il propose ça à Arthur, il dit qu'il veut se battre, et Arthur lui dit, on est... Alors ça, c'est un argument à mettre pour le fait qu'ils ne sont pas à la table ronde, précisément, parce qu'il dit, non, on est dans les bois, on est dans une partie de chasse, donc ça implique qu'ils sont dans un endroit qui est plutôt un genre de gîte ou un genre de pavillon de chasse. Nous sommes à nos jeux, nous n'avons pas de champion pour vous, mais on vous en trouvera un. Donc il va demander à Gauvin d'aller le mener, il l'amène dans une espèce de pavillon donc, hors de la salle. Donc peut-être que justement il n'y a pas assez de place dans la salle où ils sont, ils ont des tentes pour se loger dans le coin, parce qu'ils n'arriveraient pas à tous rester dans la salle principale. C'est pas un château, en tout cas, clairement, qu'il y a des tonnes de chambres où ils peuvent l'héberger, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis bon, on décrit un peu sa tente de manière pas forcément merveilleuse, mais très bien équipée. Elle a une chimney with charcoal, donc un petit fourneau dans la tente. On s'occupe de son cheval, évidemment. On sert le chevalier avec tout ce qu'il peut vouloir dans des merveilleux plats, etc. Mais Arthur va quand même, bon... Sir Gauvin, qui est évidemment courtois, va divertir leur invité, etc. Et une fois qu'il est allé dormir, le roi convoque son conseil et dit « Bon, il faut que vous décidiez entre vous qui va affronter le chevalier. » Et Gauvin dit « Ben, ce sera pas difficile, hein, je vais le combattre moi pour défendre mon droit. Enfin, c'est quand même moi qui suis attaqué, c'est ma légitimité qui est en jeu. » Et Arthur dit « Bon, je te laisserai bien le faire, mais... T'es prompt à te battre à l'honneur, etc. Mais il n'y a aucune seigneurie pour laquelle je voudrais te voir perdre la vie. » Donc Gauvin est quand même l'héritier du royaume, etc. Et il dit, bon, perdre les trois terres de Galway et de machin, ça ne vaut pas la peine que tu meurs. Et Gauvin dit, Dieu soutient le droit, et autrement dit, il dit, bah, on est dans notre droit, et donc Dieu va me permettre de gagner, quoi. S'il réussissait à s'en tirer, ce serait quand même très insultant et très décevant, quoi. Bon, en tout cas, il a l'air assez confiant. On nous dit qu'on a dressé un terrain d'hélice après les matinées à la messe, évidemment, sur on Plumpton Land. Alors, sur la terre de Pluton, c'est pas tout à fait clair, mais ce serait une lecture très, très symboliste. Mais en tout cas, on nous dit qu'on a dressé un champ clos là où personne ne s'était battu avant. Ce qui est intéressant, on est, comme tu disais, on est dans un lieu qui est plutôt le territoire des parties de chasse. C'est pas vraiment là qu'on va venir faire des tournois, apparemment. Gauvin mange de trois soupes, donc tranches de pain, a priori plongées dans le vin ou autre chose, pour conforter, for to comfort his brain, pour conforter son cerveau, ses esprits, pour se mettre en état de le faire. Sur Plumpton, Plumpton, Shepard suggère que c'est ici, il y a toute une région qui s'appelle Plumpton Foot, Plumpton Head, qui se retrouverait, une quinzaine de kilomètres au sud de Carlisle. 20 km au sud de Carlisle. Donc il y a des endroits comme ça dont le nom est assez proche. Donc c'est possible aussi que... Mais après, de nouveau, est-ce que c'est un truc qui est clair pour le lecteur, ou est-ce que c'est le fait que ça ressemble à Pluton, ce soit associé? Mais de nouveau, on est sur cette possibilité qu'on ait un vocable régional assez précis, quoi. Donc c'est possible aussi. Effectivement, j'aime bien le fait qu'il mange des soupes, enfin, donc ces tranches de pain comme petit déjeuner avant de se lancer. Ouais, c'est un classique des romans, je crois que c'est aussi le cas dans La Vengeance Raguidel, je sais plus si c'est Gauvin, mais où il tombe dans une embuscade et il demande le droit dans un château maléfique, et avant qu'on l'attaque, il demande le droit de bouffer avant de se mettre à se battre. Alors, le roi demande gentiment au fils du comte de Kent. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qu'on connaîtrait. Je sais plus si le titre de comte de Kent est attribué, si c'est un apanage d'un chevalier connu. Ben, Kent, c'est plutôt. Actuellement, il y a un Duke of Kent, quoi, mais c'est vrai que c'est un peu étrange comme nom, parce qu'on en a pas beaucoup. Ouais, mais t'as Ce qui est rigolo, c'est que certains Han suggère que nous dit que plusieurs éditions suggèrent que Kindly, en fait, ça serait un nom propre. Qu'en fait, ça serait un nom qui s'appellerait Kindly. Et, ouais. Et du coup, qu'on aurait ça serait quelque chose comme Crudely ou Kindly, et que ça serait un nom. Mais effectivement, moi, je pense que alors, ça serait possible que Erlys et Kent soient des noms propres et que ce soit pas le fils du comte de Kent, mais c'est quand même un peu curieux parce que ce serait assez connu comme un endroit. Enfin, en gros, il lui désigne un écuyer, quoi. Ouais. Ce qui est rigolo parce que il est censé en avoir un déjà. Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'il est censé en avoir un, mais qui avait peur, donc je sais pas, c'est peut-être. Non, c'était son cheval qui avait peur. C'est le cheval qui avait peur, ouais. Après, peut-être effectivement, c'est juste une délicatesse pour le servir plus que l'armée. Ils vont ensuite s'installer, voilà, pour aller regarder la chaise du roi en bonne vue au-dessus des gens sur un dais. Tout le monde crie dans le public pour soutenir Gauvin. Ils apprêtent leur destrier. Bon, faut pas vous décrire tout le combat parce que vous pouvez imaginer que c'est très très fleuri comme description de cette action. Gauvin est équipé avec sur son armure avec des griffons d'or gravés très éclatants, ornés de, peut-être il faut lire, de meubles héraldiques et de True Love's Between, donc des nœuds d'amour, donc des motifs. Et il frappe Gauvin. Alors là, on a de nouveau encore un parallèle avec Gauvin et le Chevalier Vert. Il arrive à frapper Gauvin dans la nuque et on nous dit que Gauvin en garda la marque jusqu'au jour de sa mort. Donc là, on a quand même peut-être pas un parallèle, mais on a aussi Gauvin qui se prend un coup dans la nuque et qui en gardera toujours la marque, quoi. Effectivement, il y a le parallèle avec la mort future de Gauvin. Vu qu'on nous a parlé de sa mort dans la première moitié, bah là, on nous rappelle qu'elle interviendra plus tard et qu'il aura encore cette cicatrice-là. Un coup qui est vraiment très, très impressionnant parce que Gauvin, ça fâche Gauvin assez fort. Voilà, il prendra sa revanche. Et voilà, il réussit berserk de Gauvin surprend le chevalier. Il réussit à le frapper au sang, enfin à traverser son armure, et le chevalier en face aussi passe un peu en mode berserk, où on nous dit qu'il fonce sur Sir Gauvin comme s'il était fou, as he were vode, et on nous décrit que, alors, sa bien-aimée crie fortement et hurle dans le public, enfin donc elle est un peu, c'est un peu, il y a un peu, évidemment, ben, Gauvin joue à domicile, donc il y a tout le public pour Gauvin, et puis le chevalier, lui, il a juste sa dame, quoi, qui le soutient et qui a peur pour lui. Mais ça suffit à le motiver, visiblement, parce que d'un coup, il tranche la tête du cheval de Gauvin, Gauvin, et apparemment c'est Grissel qui s'appelle ce cheval, donc c'est pas Gringolet ou... Non, c'est pas son cheval habituel, faut croire. C'est assez proche, enfin pas proche, mais en disant dans l'allitération de Gringalet. Grissel, oui, c'est vrai. Et puis Gauvin fait même une petite élégie. Oh, Grissel, on peut voir gris. Donc si Gringolet, il faut y voir un nom aussi. Alors c'est Gringalet évidemment, mais il y a aussi peut-être le gris. Ouais. Et alors c'est un peu triste parce qu'il y a un côté où Gauvin il commence à faire une élégie. Ah, Grissel est parti. Dieu sait, il était la monture la plus robuste qui ait jamais mangé de pain par celui qui à Bethléem était né pour toujours être notre salut. Je te vengerai aujourd'hui si je peux le faire. Puis après, il dit, bon, allez chercher mon cheval Frison. Je prendrai pas pour le joli poulain... Pas plus pour le joli poulain qu'un brin d'herbe, sinon la douleur que la bête muette soit morte ainsi. Je pleure aucune monture car je peux en obtenir d'autres. Bon, il essaie de pas se laisser démonter. Mais il faut croire aussi, je pense que quand il parle du Frison, c'est que c'est pas un cheval, c'est pas un destrier de guerre normalement. Ouais. De ce que je comprends, c'est il peut le faire aussi bien, il peut servir de monture. Il sera pas aussi puissant que Grissel, mais il pourra me servir. Après, le côté effectivement, comme tu dis, Imurne for no monture for him getemar. Ça commence. En fait, ça commence très triste, genre ah Grissel, on a vécu tant d'aventures ensemble. Enfin bon, bref, il y a les chevaux, on en perd, on en gagne. On fait la part des choses, voilà. Chevalier, là, le bon chevalier, on lui coupe la tête de son cheval, il prend notre cheval. C'est l'idée de Gauvin qui se laisse pas démonter, quoi. Il se laisse pas atteindre par ça, quoi. Mais quand même, thus weeps for woe in the night. Donc quand même, weep. Ouais, il pleure quand même. Mais en tout cas, il l'affiche pas quand il parle. Peut-être il y a une bravade, quoi, où il dit il veut montrer que justement ça l'affecte pas plus que ça. Et donc du coup, on nous dit que Gauvin redouble d'assaut. Le soleil a passé midi et descend plus encore. Et du coup là, ce qui est, si vous vous rappelez de Gauvin, justement chez Geoffrey, il y a la notion que la force de Gauvin va et vient avec le soleil. C'est pas chez Geoffrey, mais c'est dans les textes français classiques. Non, ça apparaît après. Ça apparaît dans les cycles en prose, je crois. D'accord. Sauf erreur, alors, je suis plus sûr. Alors on peut peut-être encore, pas besoin de refaire du montage là-dessus pour cacher mon erreur, mais voilà, dans les duels de Gauvin, il y a cette notion effectivement de Gauvin comme figure solaire, là pour le coup visiblement pas, parce que le soleil a beau passer midi, ça va pas empêcher Gauvin de gagner en fait. Ouais, donc il continue à se battre, il réussit à lui planter son épée, Gauvin réussit à planter son épée dans le ventre, lui en retour il arrive à transpercer Gauvin à la ventaille, donc à l'armure de la tête ou du cou. Il s'en serait fallu d'un rien qu'il ne soit tué à l'épaisseur d'un cheveu près, de Bré de Faner. Donc ces guerriers continuent à se pourchasser et à se frapper sur les haumes avec force. Ils abattent, c'est ce que je vous disais, c'est assez classique, ils abattent des gemmes de béryl et de brillants ornements. Enfin justement, on nous décrit toujours ces armures merveilleuses avec de l'or et des bijoux, etc. Mais évidemment, comme ils vont se mailler dessus pendant des heures, il y a juste des rubis qui volent dans tous les sens, quoi. Ils arrivent à éparpiller tout ça, les attaches d'acier. Tout le monde dans le public commence à maudire le moment où le combat a été mijoté. Donc c'est classique, le combat devient tellement terrible que les gens commencent à se dire, c'est terrifiant, les blessures de ces deux braves. Sœur Laet et Sœur Lac se lamentent abondamment. Guenièvre proteste pour leur salut avec ses yeux gris. Donc on mentionne que Guenièvre a ses beaux yeux gris. Et finalement, il presse Gauvin, mais il boite encore plus que lui. Il tente un coup qui aurait tué l'autre, mais elle glisse sur les mailles de Gauvin. Il réussit à attraper le chevalier par le col, et sa bien-aimée commence à pousser des cris et des hurlements aigus. Elle vient prier Guenièvre, elle lui dit « S'il vous plaît, ayez pitié de ce chevalier ». Alors, c'est transitoire, il y a plusieurs étapes dans la procédure, et donc Guenièvre se rend auprès du roi, et elle dit « le combat a assez duré, ils sont fatigués et très vassalement blessés, et les cris de Gauvin tourmentent mon cœur et me peinent vivement, si vous vouliez accorder de les faire se réconcilier ». Et Galeron, alors il n'y en a pas tellement besoin, parce que Galeron finit par dire « Bon, j'aurais jamais imaginé qu'il y a au monde un chevalier qui serait à moitié aussi puissant que vous. Je vous tiens maintenant quitte, Seigneur, par la croix, et je renonce à mes droits. Et après cela, je prêterai hommage avec bonne volonté, puisque sur la terre du milieu, vous êtes sans pareil et sans force. As man of Medlurth, make less of might. » Et il dit, et donc il s'adresse plus, donc là il a dit ça à Gauvin, puis ensuite il parle plus fortement, et il crie vers le roi « J'abandonne mes prétentions sur mes fiefs et mes biens. » Alors le roi ordonne la fin du combat, les seigneurs sautent par-dessus les barrières des loges, Yvain, fils du Rien, Erek, fils de Lac, qui sont assez connus, Marak et Moylord. Bon là par contre, les manuscrits sont confus, donc il y a un manuscrit qui donne Drurlat au lieu de Marak, les autres, ils amendent l'autre nom, Melidul, Marcaduc, Menegal, il y en a qui donnent Meneduc, qu'on trouve aussi dans l'allitérative Morte Arthurée. Donc comme on l'a dit, ces noms peu familiers, clairement les scribes n'étaient pas beaucoup plus familiers que nous. Ils n'étaient pas plus... ces noms allitératifs, on n'est pas toujours sûr d'où ils sortent. Mais donc voilà, les deux chevaliers sont salement mal en point. Ils tiennent à peine debout. Ils sont couverts de bleu, de sang, etc. On les réconcilie. On dit, voilà, je donne à Sœur Gauvin, trésor ayant compris, toutes les terres de Glamorgan, la seigneurie de Gal, à ses ordres et avec le château des Griffons, ainsi que le hall d'Ulster. Alors, tu vois, moi, c'est ce que je disais avant pour Connaught et Galway. Oui, et puis on a aussi Waterford qui se trouve aussi en Irlande. Après, je me demande s'il n'y a pas un peu justement un pick and mix de terres un peu irlandaise, oui. Ben, c'est possible. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que ce que suppose Shepard aussi, c'est possible que ce soit des noms qui ne soient pas dans l'histoire originale, ça ne fait pas beaucoup de sens, mais qui auraient été familiers, ces noms auraient été familiers aux lecteurs, aux scribes, et ils les utilisent pour remplacer des noms qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer ou qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. C'est possible donc, aussi. Peut-être qu'ils se disent, voilà, à la base, ce n'était pas ça dans l'histoire, mais on a besoin d'un nom que les gens vont vaguement connaître, qui est plus ou moins dans la région. C'est possible aussi. Mais effectivement, là, je pense que c'est plus probable. Par contre, je pense quand même qu'il y a ici une différence, c'est que les lieux qu'on a avant étaient tous en Écosse. Donc pour moi, d'où le Connaught, pour moi, qui ne marche pas. Mais ici, on nous décrit des lieux qui sont censés être au Pays de Galles. Glamorgan, par exemple. Ils nous disent d'ailleurs la seigneurie de Galles, le château des Griffons, bon, ça, on ne sait pas trop où. Mais Wayford, Waterford, ça n'a pas été effectivement trouvé associé à des endroits. Mais je pense que là, on pourrait y croire, on pourrait peut-être y voir des lieux irlandais éventuellement. Mais le côté avant pour Connor, je pense que ça ne marche pas ici, d'autant qu'on a juste après, dans l'édition d'ailleurs, on a bien Connock et Carlyle, Lower to Lair, Cunningham and Kyle. Donc là, c'est vraiment des coins beaucoup plus proches dans les lieux que Gauvin va rendre à Galeron, en fait. Bah justement, c'est ce qui se passe, en fait. Arthur donne des terres en plus à Gauvin, et ce qui fait que Gauvin, bah, du coup, va redonner à Galeron les terres qu'il tient d'Arthur, que lui-même avait pris à Galeron. Mais du coup, on restaure l'ordre, mais avec une féodalité entre Galeron et Arthur. Oui, c'est ça, il restitue ses terres. Bah, il y a cette idée que bon, Gauvin, il a gagné, mais qu'il va pas garder les terres qu'il a gagnées pour ça. Arthur lui en donne de remplacement. On a cette idée que bah, peut-être il a été un peu... tempéré par sa première expérience qu'il était orgueilleux, il voulait gagner le combat, etc. Il l'a fait, mais après il se dit bon, il faut quand même une certaine largesse, une certaine générosité, et on va quand même redonner tout ça à Galeron. Et en plus, évidemment, comme toujours, Galeron devient compagnon de la table ronde, quoi. On l'accueille dans cette confraternité. Exactement, il y a un côté aussi le côté Nakama, Super Saiyan, on a battu quelqu'un, donc maintenant il fait partie de notre banque de potes. Ça devient un oncle bizarre qui traîne, qui nous aidera à battre le prochain méchant. Il va aller éduquer Son Arthur, Arthur Gowen. Enfin non, plutôt du coup Son Gowen, je sais pas comment. Bref. Il va éduquer Loholt qui meurt pendant l'entraînement. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a juste la dernière strophe qui conclut l'histoire de Guenièvre, en fait. Qui n'est pas tout à fait claire, parce qu'elle dit « Elle demande avec sagesse qu'on écrive à l'Ouest. » Alors, pourquoi à l'Ouest ? À tous les religieux, pour qu'ils lisent et qu'ils changent, et qu'ils chantent, pardon. Elle est pressant de faire toutes ces fameuses messes, millions de messes. Donc, apparemment, elle y tenait, en tout cas, à ce chiffre. À travers toute la Bretagne, elle leur fit sonner les cloches aussi. Et le texte se conclut en disant que toute cette merveille se produit dans la forêt d'Inglewood, sous un bois si décharné lors d'une partie de chasse, on ne doit pas le cacher. Ainsi était-il allé à la forêt, ses valeureux chevaliers à la bataille, au temps d'Arthur, cette aventure se produisit. Et le texte se conclut ici. Alors West, ici, visiblement, c'est... Ça, possiblement, ça c'est ce que suggère notre ami Shepard, plutôt dans le sens de largement, enfin... Pas dans le sens littéral, pas l'ouest, à l'ouest, hein. Pour dire globalement, de façon assez large. Parce que l'ouest, c'est vaste. Mais en général, c'est plutôt utilisé pour dire d'est en ouest. Donc c'est vrai que c'est un peu... Into the west, ça fait un peu bizarre. Mais parce qu'effectivement, sinon, ce serait assez curieux parce qu'on est déjà assez à l'ouest en Bretagne, en fait. Mm-hmm. On est à l'ouest, au nord-ouest. Écrire à l'ouest, ça voudrait dire quoi? Au Pays de Galles? Peut-être que, alors si à tu veux, pour ton propos irlandais, ça serait logique, ouais. Effectivement, qu'on désigne ici. Mais c'est vrai que là, c'est assez bizarre, parce que dans le sens de « into the west », ce serait « seul ». Alors qu'en général, quand on dit dans toutes les directions, on dit plutôt de « d'est en ouest » ou on les cumule. Mais effectivement, c'est un peu étrange comme phrasé ici. Je n'y ai pas trouvé de citation, effectivement... associé avec Aventures dans le Middle English Dictionary, donc je peux pas forcément dire avec certitude, mais pour moi effectivement ça serait assez logique que ça veut dire assez largement, parce que ne serait-ce que parce que sinon bah tu t'écris deux trois bleds à l'ouest, il y a pas grand chose. Mais voilà, effectivement on va prier le souvenir de la mère de Guenièvre, on va faire ce million de messes, tout le monde va faire sonner les cloches, et on nous rappelle voilà le le fait que ce soit passé dans la forêt d'Inglewood. Et un peu ici, on a cette espèce de côté un peu cyclique de dézoomage, comme si on, à la fin du festin gaulois, on remontait sur la carte oui, c'est ça. Des villages, du village et des camps romains. Et on se termine effectivement avec la phrase « In the time of Arthur, this hunter betide », donc cette au temps d'Arthur, cette aventure se produisit, qui était l'ouverture en fait du poème, c'est « In the time of Arthur, an hunter betide », donc une aventure se déroula, et ben, au temps d'Arthur, cette aventure s'est déroulée. Donc il y a effectivement un côté assez cyclique. De nouveau, on retourne sur le côté très littéraire hein, de ce texte, qui est clairement... c'est difficile de faire un texte alternatif comme ça, purement oralement, avec autant de... Surtout qu'il a, disons, une forme aussi complexe, en termes à la fois structurels, au terme stanzaïque. Enfin, les strophes sont très, très, très, disons, complexes elles-mêmes. Mm-hmm. C'est improbable que ce soit un texte oral, là, pour le coup. Ouais, bah du coup, voilà, ça conclut notre examen de ces... De ces deux textes. Alors celui-ci, je le trouve assez intéressant parce qu'il a une perspective justement assez critique de la chevalerie et de l'orgueil de la chevalerie. Il y a cette apparition fantomatique qui vient avertir la table ronde, c'est assez inhabituel. On a le fait que ce soit la mère de Guenièvre qui est un personnage qui est un peu inexistant. Hein. On a très peu, moi dans mon souvenir, on la croise pratiquement jamais. C'est pour ça que dans Kaamelott, elle est devenue un personnage assez riche sous la personne de Ceyli. Parce qu'il y avait de la matière, voulait, ouais. Voilà, qu'il pouvait... Alexandre Assier a pu nourrir ça du fait qu'il avait une espèce de case vide, en fait, à remplir. Je pense que d'ailleurs que le personnage de Ceyli va marquer le canon arthurien plus large, en tout cas en France, mais ce serait intéressant de voir si ça se passe. Mais... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi l'ancrage très local. Là, on a vu des textes qui sont effectivement adressés à un public quand même peut-être moins... on n'est pas dans de la haute noblesse chevaleresque. Les gens qui vont lire ça, c'est peut-être plutôt des hobereaux, nobliaux, de la gentry, donc des propriétaires terriens, avec peut-être une certaine importance, hein, mais pas de la... On ne parle pas ici de poèmes écrits pour des aristocrates... on n'est pas chez les ducs de Champagne ou chez les gens qui vont aller diriger les armées outre-mer, quoi. On est vraiment dans un public plus large, mais du coup aussi moins... qui a des ambitions peut-être un peu moins, cataclysmiques. Et ça se voit aussi dans le... On l'a vu aussi avec Avo Wings, avec le personnage de Baudouin, qui est ce chevalier avec des vœux plus modestes, plus nobles, même s'il a pu avoir des grands exploits par le passé. Donc il y a aussi peut-être un truc à tirer des deux. Et l'ancrage local, le Tarn. Le Tarn, on n'a pas beaucoup parlé de... C'est Hunters of Arthur at the Tarn Vatalen. Ironiquement, on en parle presque moins dans celui-ci, à part pour dire que c'est là qu'il y a le spectre qui va sortir. Mais Tarn, c'est un mot qui est utilisé pour désigner des lacs. Hein. Donc c'est un lac de... je crois que le terme existe aussi en français, mais il est très rare, parce que quand on dit Tarn en français, on parle au département, donc à la rivière. Mais ouais. Tarn, c'est un lac dans une caldeira. Ouais. Donc c'est un lac volcanique. Il y en a plusieurs en Auvergne. Je crois que le Gore, c'est parfois des gores ou des gours. Il me semble que le terme a été utilisé. J'ai un doute, mais enfin j'en ai vu deux trois en Auvergne. C'est un genre de lac particulier. On est dans le, mais ça fait penser au Lake District. Qu'on est dans le Nord-Ouest, on est dans un ancrage local, Carlisle, mais aussi les régions frontalières, le lien avec l'Écosse. Ce texte est aussi associé avec l'Écosse. Hein. On a vu des traces linguistiques plutôt du côté de la région des borders, donc des frontières entre Écosse et Angleterre. On est clairement dans une matière. On peut comprendre aussi pourquoi la matière de Bretagne s'est tellement développée en fait finalement en Grande-Bretagne, parce qu'à la base c'est une tradition française. Mais il y a cet ancrage local qui est facile de rajouter en fait. Non, c'est clair. Tu peux les faire. Et c'est un truc qui est plutôt rare dans les textes français en fait. Là, si on le prend ça assez littéralement, qu'on nous donne ces descriptions d'Écosse comme étant effectivement des lieux en Écosse, éventuellement en Irlande, au Pays de Galles, on nous parle de ces manoirs qui seraient littéralement des petits bleds obscurs, mais c'est le genre de précision narrative qu'on a rarement dans les textes en français, même anglais plus anciens. Oui, c'est vrai. Les rares moments, c'est justement qu'on touche plutôt à la Bretagne continentale, donc on a vu la fontaine de Brocéliande. C'est toute une question, on en parlera peut-être un jour. À quoi on peut la dire. Mais il y a plus cette idée de forêt continentale ou la fontaine de Barenton, etc. Les récits de la mort d'Arthur, les références à des endroits précis en Allemagne, en Suisse, bon, ça existe aussi. Hein. Mais là, le côté hyper local est peut-être associé à des gens, vu l'emplacement où on a trouvé ces manuscrits, c'est assez probable effectivement qu'il y ait des liens. Alors, est-ce que c'est un système de choose your own adventure où tu fais des copies du texte, puis nous on a une version où ça se passe à Carlisle et du coup il y a cette forêt là qu'on connaît, ce lac là qu'on connaît, ce petit manoir-là. Puis en fait, tu peux faire une version légèrement différente où tu vas mettre ça dans le sud-ouest, où tu vas mettre ça dans le Yorkshire. Tu pourrais imaginer. Hein. On n'a pas, on connaît pas beaucoup d'autres textes. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse association de la région du Nord-Ouest, ce qui est aussi peut-être. Alors, est-ce que ça parle d'une mémoire culturelle plus longue? Parce que c'est une région qui a les fameux Gododdin de notre tout premier épisode. On est par là. Mm-hmm. La Cambrie, c'est une région qui est restée celte effectivement plus longtemps, qui est associée avec ces histoires d'Arthur, de Wayne, de ces héros bretons qui ont duré plus longtemps, donc, ce qui est après devenu l'Angleterre, mais qui ont duré plus longtemps là-bas qu'ailleurs. Est-ce que c'est un souvenir de ça? Est-ce que c'est une tradition, une coïncidence? Est-ce que c'est simplement... un terreau fertile pour ce genre de choses, une région un peu sauvage, où on a des fontaines et des chapelles vertes et des lacs volcaniques et des forêts mystérieuses. Mais en tout cas, c'est assez intéressant d'explorer ce côté un peu local, je trouve. Aussi parce que ça fait écho, j'en avais un peu parlé dans nos débuts sur la matière de Bretagne, mais dans les discours sur, la relation avec l'Écosse. Le fait que Arthur soit utilisé dans les polémiques anglaises au tournant du XIVe siècle sur la conquête de l'Écosse, justement. Je trouve que c'est intéressant qu'ici, on y retrouve un peu cette dimension-là d'une conquête de l'Écosse plus ou moins légitime. Puis aussi de l'Irlande. On voit que l'Irlande fait partie toujours... Alors, si c'est l'Irlande, effectivement, si Ulster, Waterford, on faut y voir l'Irlande, ça, on est aussi dans des récits. Et c'est peut-être aussi dans ça qu'il faut lire aussi l'intégration progressive de la légende de Tristan, qui est beaucoup plus liée à l'Irlande. Dans la matière de Bretagne. Est-ce que ça vient de là aussi? Ça serait un truc à creuser. Je ne sais pas s'il y a eu des travaux sur ça, mais la domination normande, enfin de l'époque normande, puis ça a jusqu'à continuer, sur l'Irlande. En tout cas, ça mériterait d'être exploré. Enfin voilà, ça conclut notre petit examen de ces deux textes. On vous a fait, comme on l'a dit, une traduction. On a mentionné quelques éditions que vous pouvez voir. Une tradition intéressante aussi pour la poésie, pour si vous cherchez des descriptions plus fleuries. Et ce côté très presque ralenti des descriptions. Quand on lit les combats, on a vraiment l'impression de voir... une strophe pour un coup d'épée, quoi. On voit vraiment le coup, il pèse son poids. Et peut-être que c'est plus, disons, la tradition poétique est peut-être un peu plus vivace, je pense, chez les Anglais notamment, avec un goût pour la poésie allitérative qui a été repris par certains, avec Tennyson entre deux, avec peut-être que ça... par exemple, là, on vous a parlé de Malcolm White qui commence sa saga, sa réécriture arthurienne en poème. C'est quelque chose qu'on trouve pas trop en France. Hein. C'est presque un peu trop cucu de faire des quatrains en alexandrin. Enfin, on trouverait ça un peu trop fleuri pour un truc arthurien. On est plus du côté de la prose. Peut-être parce que ces textes français sont souvent beaucoup plus longs aussi. Oui, c'est plus facile de voir de la. Bah, on essaye. On réécrit beaucoup les cycles en prose qui sont. Puis alors que les Anglais, en fait, c'est aussi ça. C'est que les Anglais, quand ils regardent leurs propres textes, leur arsenal, ils ont Mallory. Mais au-delà de Mallory, leur texte à eux, ça va être surtout ces poèmes-là, qui sont des formes assez connues, alors que les poèmes en vers français, c'est souvent de la rime, c'est deux rimes qui se suivent. C'est pas aussi intéressant à restituer. Voilà. On va continuer à explorer de toute façon cette veine-là, parce qu'on en a, il y en a pas mal d'autres petits romans intéressants comme ça à creuser. Hein. On verra si que ce soit Implique en Gauvin ou d'autres. Souvent Implique en Gauvin quand même. On verra si c'est de ce côté-là qu'on continue à creuser ou si on ira plutôt. Si on revient du côté français ou peut-être dans une autre langue encore. On doit de toute façon. La matière est riche, hein. Oui, ça, c'est clair. On n'est pas encore au bout. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Profitez, si vous le pouvez, des premiers jours du printemps. Et surtout. Faites dire des messes et des prières. C'est ça, un million de messes. Le salut des âmes. De vos ancêtres. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue.